Florida sur Skyrock à pile 9h du soir. Ben on est à l'heure, vous voyez. C'est Radio Libre, c'est parti, c'est en direct sur Sky, on y va. Skyrock, Romano. Allez, cool, Raoul. Elle s'appelle pas Raoul, c'est une femme, Romano. Diffoul. Je suis une mouche, je vais atterrir sur le crâne de Romano. La piste est assez longue. Cédric. Au moins, tu restes pas sur ta. Sur quoi, comment on peut dire. Marie. Moi, j'adore la levrette. Samy. Genre, pourquoi c'était une chatte toute flétrie ou quoi? Ah, c'est une chatte de vieille. Et Karim. Et la meuf, t'avais reçu une amende et elle dit, je mets ça à quel nom, tu sais, parce qu'il faut un nom à la fin. Ah ouais. Et tu l'as regardé, tu lui as dit, Tom Cruise. Oh là, George Clooney. Diffoul Radio Libre. 1h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Ah, j'avais oublié qu'on avait un sosie de George Clooney dans l'équipe, Cédric. Ah ouais, mais oui, il est super ce jingle, dis donc. Avec toute l'équipe qui vous salue. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Salut à vous tous et à vous toutes. On salue tous ceux qui sont bloqués dans les bouchons parce qu'il y en a encore à cette heure-ci qui écoutent Skyrock. Bonjour à vous et hashtag Anne Hidalgo, tu nous casses les couilles. Vous pouvez envoyer ce hashtag dans toute la France. C'est juste pour nos amis parisiens et franciliens qui galèrent dans les bouchons. J'allais dire, ça parle des bouchons. Ah ouais, c'est pas possible. Samy, il y a des bouchons à Marseille. Mais non, mais les Marseillais, ils parlent jamais des bouchons. Et à chaque fois, je te dis, c'est le bordel à Marseille. Mais à Paris, les gens, ils font que parler de bouchons. À Marseille, ça les arrange. On est arrivé en retard au travail, normal, il y a des bouchons partout. Non, mais à Marseille, c'est le bordel. Le seul truc, c'est s'il y a des bouchons avant d'aller au stade, là, ça doit vous énerver. Ah là, c'est carnage. Toi, t'es tout rouge, dis foule. Je suis beau gosse, Marie. C'est ça, en fait, il est vénère. Petite course avant d'arriver, comme ça. Ouais, c'est ça. Je suis content de vous retrouver. Le meilleur moment de la journée, c'est quand on se retrouve tous les soirs en direct entre 21h et minuit. Profitez-en, appelez-nous au 01 53 40 30 20. Vous êtes aussi déjà sur les SMS et sur le net. Ça y est, branché mes écrans. Oh là, oui, il y a du monde. Bonjour, jumelle. Bonjour, vive les chauves. Ça va faire plaisir à Romano, ça. Bonjour à Kitam. Bonjour à Kelschribirja. Bonjour à toi, wesh. Bonjour à vous. Bonjour à Jessica. Bonjour à Jess également. Il y a Jessica, il y a Jess, il y a Footreur, il y a Zach. Il y a vous tous en direct. Et donc, vous avez vu, vous nous envoyez des messages directement. Ça arrive dans le studio. Pour tout, pour toute l'équipe. Bonjour Justine, on te fait un gros bisou. Salut les filles. Et à tous les autres, bonjour Karim, bonjour Cédric. Salut les filles. Romano arrive, il doit être bloqué dans les bouchons lui aussi. À Lyon aussi, on parle de bouchons et c'est les bouchons lyonnais. Quelle bonne blague de Jules. Bonjour à toi Jules. Bonjour Julien, juste en dessous. Bonjour Nadir. Bon, et vos messages en direct. Wesh la famille pour Ben Beng. Salut Ben Beng du 13. Bon, la France entière est branchée sur Skyrock. Vous êtes tranquillement chez vous, vous êtes au taf, vous êtes dans les bouchons, vous êtes n'importe où. Eh bien, vous avez le droit de nous appeler dès maintenant au 01 53 40 30 20 si vous voulez faire les cons avec nous, si vous avez un truc à dire, si vous voulez tout déchirer tout au long de cette soirée, ben allez-y, profitez, vous pouvez réagir à tout ce qui se dit dans l'émission, filez des coups de main à ceux qui en ont besoin, demandez des coups de main si vous en avez besoin vous aussi, et puis ben on se retrouve en direct. Mais bonjour Romano. Bonjour. Romano qui est un électeur d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, puisque tu habites à Paris, Romano, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'avais pas voté pour elle, toi, dis donc. Non, mais, ouais, mais parce qu'à Paris, t'as des maires d'arrondissement, t'as des maires. Ouais, t'as des maires de tout court aussi, ouais, hein. Aussi. Bon, bah voilà, toute l'équipe est réunie. Yes. Il nous manque juste Cédric, mais Cédric est chez lui, toujours avec sa clavicule cassée. J'essaie de le joindre. On prendra des nouvelles dans la soirée, à n'importe quel moment de la soirée, vous savez, tout peut arriver. On vous remercie déjà pour la belle soirée qu'on a passée hier, pour le beau morning aussi qu'on a passé ce matin. C'est bien marré ce matin. Et puis on remercie Mac Miller qui était avec nous hier soir. Il est sympa ce Mac Miller, vous avez les images, les photos et tout le reste. Et même son live dans la radio libre hier soir. Ouais. Sur tous les réseaux de Skyrock. Skyrock FM pour tous les réseaux. Vous allez sur Snap, vous allez sur Facebook, vous allez sur Instagram et vous allez sur le diffoul.skyrock.com. Et vous pouvez là aussi participer à l'émission, réagir à l'émission, réagir entre vous et faire tout péter comme tous les soirs. Bon, on a, on parlait du morning, tiens, ce matin, on a fêté la journée mondiale des profs. C'était aujourd'hui. Et on vous avait promis ça. Hein. On avait promis de vous en reparler ce soir, on vous en a parlé ce matin. On a même eu une compile des profs amochés. Est-ce que vous avez eu un prof complètement amoché? Ou est-ce que vous avez, ce qui est encore pire parce que vous allez peut-être vous le taper demain, vous avez un prof ou une prof complètement amochée, c'est-à-dire très spéciale, qui vous fait des trucs chelous, qui par exemple, je sais pas moi, super sévère, ou alors super con, ou alors cool, super cool aussi. On a même parlé ce matin. Bon, c'est, c'est moi marrant quoi. Ouais, on a fait 5 minutes sur les profs cool et on a fait le reste de l'émission sur les profs relous. Du gros con quoi. Ouais, allez. Romano, tu le demandes et je suis d'accord avec toi. Bon, les profs cool par dire ouais, il est sympa. Ah bon, non, mais moi cool, j'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Bouillet. Il me sautait. Oui, il me sautait. D'ailleurs Monsieur Bouillet, ben Bouillet. C'est pour et vous savez qu'il m'a tout appris en maths, 4 x 8 égale 20. Et ben c'est moi qui l'ai appris. Franchement, le mec, bon, avec Monsieur Gouillet là. Non, non, mais il était hyper cool. En fait, dès qu'on il était content de nous, en fait, il nous frottait la tête, mais hyper fort, tu sais, avec ses phalanges en disant espèce de coyote. Ah ouais, il était complètement taré, le mec. Le mec était complètement taré, il faisait un shampoing avec ses mains, la Marie. J'ai même envie de dire. Quelle bonne anecdote de merde. Ah, oui. Ah ouais, écoute, dans les coups, c'est le plus cool que j'ai eu, moi. Ah bah voilà, il m'appelait Coyote. Eh ouais. Oui. Bah, ça veut dire que vous avez, si vous avez une anecdote de merde, vous avez le droit. Comme le GPS, il m'appelait Coyote. C'est ça. Quand on dit radio libre, tout le monde peut s'exprimer, même la Marie. N'hésitez pas. Ah mais ça y est, on y a eu droit. Nous, on a un prof qui pue l'alcool tous les matins. Bah tiens, c'est le message de Afro sur le 41759. Salut Afro, on salue ton pote, ton prof bourré et tous tes potes de la classe qui doivent le supporter, ça doit être sympa comme tout, tiens. Alors, il y a Speedy Gonz qui dit Mac Miller. Ah ouais, c'était super Mac Miller hier. Ah, en chaussettes claquettes, ça aurait été Cédric, vous seriez moqué. Ouais, mais il y a des mecs qui le portent bien, d'autres mecs qui le portent moins bien. Ouais, lui, le portait très bien. C'est ça d'être une star américaine. Il y a Chris Brown aussi qui le fait, qui avait posté des photos comme ça. Chaussettes claquettes. Bon, en tout cas, c'est bien barré. Bah, si, bah, quand il s'était fait. Quand il y avait son histoire dans sa baraque. Ouais. C'est vrai. Qu'on avait suivi en direct. Chez cela. Lui encore. Chaussette claquette, ouais. Ouais, mais, quand il est sorti, il est normal. Non, mais il y a Gradure aussi, il sort en claquette chaussette, gros. Gradure qui était dans plein trap tout à l'heure. Salut Gradure. Je vois sur ses snaps, il sort en claquette chaussette normal dans la rue. C'est peut-être la nouvelle mode, le nouveau style. Là, les claquettes, ouais, vu les températures, il fait pas super chaud. On va peut-être mettre des chaussettes, c'est pas mal. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va peut-être attendre l'été prochain, ou sinon, ce sera pas mal. Bon, allez, en direct, on vous attend. On a qui Gaëtan qui est au téléphone avec nous. Il est où, Gaëtan? Dans le 78. Salut Gaëtan. Coucou. Coucou. Salut Gaëtan. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien, et toi Gaëtan? Ça va, j'ai un petit problème. Tu sais que ça s'entend dès le début. Tu as un petit problème là. Tu sais, avec Skyrock, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, Gaëtan. En tout cas, on essaye. C'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions à tous les problèmes. Romano, on n'a toujours pas trouvé la solution à ta calvitie. Hein, ça, c'est. Non. Les cheveux, c'est un des trucs qu'on n'a pas réussi. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, si vous avez une idée pour Romano, n'hésitez pas à nous la laisser. N'hésitez pas. De toute la France, vous nous appelez, vous nous laissez des messages et venez faire les cons avec nous. Mais je pense que je suis foutu. Bon, alors, il y a plein de messages sur les profs. On va y revenir dans un instant. T'as un prof, toi, un petit peu, je sais pas, chelou, relou, amoché. Enfin, est-ce que ouais, t'as. Ouais. Ah, bon, vas-y, témoignage pour commencer. Puis alors, après, premier. Physique, fait des blagues un peu limite. Ah, vas-y, ça j'adore. Les blagues des profs sont toujours très très à chier. Mais c'est quoi, limite cul, raciste Non, les deux. Des trucs sur le terrorisme. Sur le terrorisme. Ah, il est donc très très drôle lui. Oh, le mec, mais normal quoi. Pas les trucs les plus drôles qui arrivent. C'est clair. Non, c'est vrai, oui, si on peut. Alors qu'est-ce qu'il fait comme blague très drôle? Juste pour un petit avant. Un résultat à convertir. Oui. Et il a dit non, on convertit pas, il y a que Daesh qui convertit. Voilà, ça c'est très drôle. Un petit. Merci Romano. Mais quel humour! Exactement. Non mais elle est fine. Hein, c'est super. Et la gueule des potes de la classe, c'était quoi? Vous êtes tous regardés en disant oh là là. On a tous rigolé parce que c'est bonne ambiance, c'est une bonne tête, mais bon. C'est un peu limite. Bah ouais, mais c'est bon, c'est un comique. C'est mieux que le prof de Julien, là. Il a 16 ans, Julien. Il dit, c'est une prof d'ailleurs. Ma prof de maths, elle s'est assise par terre un jour et elle a commencé à pleurer. Imagine. Oh, t'as une prof. Oh ça te fait. Ou ça te fait de la peine ou alors t'es mort de rire. Moi je pense que je suis mort de rire. Ouais. Ah non, moi je pense que j'ai de la peine. Ah Marie. Non mais dans un premier pote, avec l'effet de groupe, tu rigoles. Ah ouais, t'es obligé. Bah déjà t'hallucines. Ouais, oui, t'es chiale. Ouais. Elle s'assied par terre et elle se met à pleurer, ouais. J'avais un prof qui était sale en primaire. Bah les profs, c'est un peu comme c'est bien parce qu'il y a tellement de profs, il y a de tout dans les profs. Des profs sales, il y en a aussi. On avait un membre de l'équipe qui jusqu'à ce qu'il se casse la clavicule avait exactement le même problème. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a à peu près un mois. Comment s'appelait-il déjà? Salut les filles. Ah oui, c'est lui, c'est Cédric. C'est moi. Ah oui, c'est Cédric, c'est lui, oui. Et donc, il avait à peu près le même problème. Prof qui était sale en primaire, une fois, il m'a emprunté mon compas pour se laver les ongles. Et il s'est même décrotté les ongles des pieds. Oh non. Ouais, qu'elle dérange pas que je me décrotte les pieds. C'est le balai à chiottes, une fille qui nous envoie le message. Bonjour à toi, le balai à chiottes, qui écoute également Skyrock ce soir. Oh. Ça fait plaisir. Ah bah, moi, au bahut, je sais pas, bon, effectivement, ça dépend quel âge t'as, mais genre au lycée, le prof, il prend, je lui dis, ah non, mais c'est pour faire ça, vous me le rendez. Hein. Ah ouais, tu crois? T'imagines le mec quand il est sale. Si c'est ton prof principal, qu'il est bien sévère. Non, mais je m'en bats les couilles. Il y a le mec qui se décrotte pas de la merde qu'il a sous les pieds, tu m'as dit. Les ongles. Voilà. Avec mon compas, c'est le mec qui s'achète un truc. Ah, c'est ignoble. Oh, Manon, le compas, il est trop petit, tu peux pas me prêter des clés. Ah non plus, Cédric. C'est pour mes ongles des pieds. Regarde, on dirait des griffes. Voilà, et puis après, je vais me décrotter les oreilles également. Voilà, puis après, ça fera un petit peu à manger. Ah ouais, c'est sympa. Non, des profs crades, ouais, c'est pas mal. Ça. T'en as eu d'autres, toi, Gaëtan? Prof de sport? Parce que j'ai plusieurs profs de sport. Mal, hein. La prof de sport, message du Valentinois. Bonjour, le Valentinois. Qui nous dit que son prof de sport lui bande sous son jogging quand il fait de la gym avec des filles. Hey. Ah, ça, c'est la honte. Alors, mets-moi, on va faire du saut aujourd'hui. Oui. dégueulasse. Et d'ailleurs, regardez ma teub, elle est prête à vous sauter d'ailleurs aussi. Oh, c'est le prof pervers qui fait un petit peu d'humour, toujours, toujours très très drôle. Attends, j'aurais peur. Ouais, moi j'ai un prof de gestion qui me t'a défaissé quand tu parlais sans qu'il te donne la parole. Ouais, je vais te mettre une fessée. Ouais, il y a Justine qui nous dit d'ailleurs qu'à ce propos, elle lève toujours la main maintenant. Bah, tu m'étonnes, hein, tu n'as pas envie d'avoir une petite fessée. Ouais. Une prof d'anglais qui a un tic, elle fait craquer ses genoux toutes les 5 minutes. Ah là là, ça fait ça quoi. Ah, j'ai horreur de ça, les trucs qui craquent. C'est vrai. Ah, ça me fait mal. Ah, arrête. Putain, j'arrive pas à craquer. T'as mon fils, il fait ça avec la tête là. Oh. Ah, bah, Karim sait faire ça aussi. Avec ah ouais. Fais-le un petit peu pour la Marie, Karim. Non, elle j'aime pas ça. Fais-toi craquer la tête, c'est comme ça. Vas-y, vas-y. Attends. Spécialement pour toi, la Marie. Pas. Et pour ceux qui n'aiment pas ça. Hop là. Ah. C'est magnifique. Ah, merci Karim. Mais ça fait pas mal. Non. Non, ça te détend. Ah, c'est super mauvais. Aïe, j'aime pas ça. Voilà, Marie, elle va faire un malaise. Ah non, mais bon, arrête, ça m'énerve aussi. Mais c'est déjà, j'aurais dit au prof. Ouais, ça fait des bulles. Vous pouvez pas arrêter, s'il vous plaît, là. Voilà, excusez-moi, je vais craquer du cul. Ah ouais. Oh, excusez-moi. À la limite, je préfère Karim, tu vois, dans l'histoire. Bon, on aura Aurélie qui veut réagir là-dessus. Vous tous et vous tous en direct, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, la journée mondiale des profs, on la fête ce soir avec vous. Hein, histoire de, parce que c'est vrai que le bahut, ça peut être relou, mais quand on peut en rigoler, c'est bien. Donc, dans un instant, Aurélie, dans un instant, Alexandre, comprendra en speed. Et puis le double appel des familles, je vous ai pas dit. Le clash, on va voir comment on gère pour ce soir. Et à n'importe quel moment, FIFA 17 a gagné. C'est des cadeaux qu'on vous offre le soir dans la Radio Libre. Ce sera pour vous. FIFA 17, ce sera, tu l'as pas encore le FIFA 17, Gaëtan, toi? Non, pas encore. Quand même bien l'avoir. Ouais. Bah, t'aimes bien les jeux de foot, c'est tes jeux préférés? Ah ouais, j'adore. Ouais, moi aussi, je suis un dieu au jeu de foot, ça. Ah ouais, mais. J'en doute pas. Ouais. Si il joue tellement bien qu'il a pas de console. Le truc qui est dingue, c'est que moi j'ai dû tomber dedans. C'est comme Astérix qui est tombé dans la potion magique. Ouais. Moi j'ai dû tomber dedans quand j'étais petit parce que je m'entraîne pas vraiment. Et tu joues comme un dieu. Et je joue comme un dieu. Tombé dans la PlayStation. Ouais, c'est ça. Et ouais. T'es un dieu aussi. Tout en étant modeste, je suis d'accord avec toi, Gaëtan. T'es bien, Gaëtan, toi. Alors, on va donc tout mettre en place pour te filer un coup de main. On compte sur vous tous et vous toutes. Et puis, évidemment, sur toute l'équipe. Et notamment sur Romano, vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Alors, Gaëtan, non, on ne parlera pas de argent, cheveux, sexe. Ni d'argent, ni de cheveux, ni d'anus, ni de trou de balle, ni de ça. Alors, Gaëtan, vas-y, explique-nous tout. Alors, j'ai besoin de conseils de drague. Tu as besoin de conseils de drague. C'est pour ça, Romano, que je faisais appel à toi. Putain, car tu es le dernier gagnant du clash de la drague. Cédric, c'est le roi là-dedans. Alors... Ouais, j'arrive pas à le joindre, Cédric. Il doit dormir comme une vieille. Ah, la vie est dure, ces temps-ci. Une semaine à l'hôpital et reprend des forces. Quand même, c'est ça, ouais. Alors, oui, Gaëtan. Alors, tu vois, j'étais dans le lycée normal, je me promenais, comme à mon habitude. D'accord, tu te promenais dans le lycée, très bien pour une promenade. Il va au lycée pour se promener, Voilà, habituel, tu vois. Ouais. Et puis là, je croise une meuf, normal. Très bien, tranquille. Et là, tu vois, c'était le déclic. Clic. Sauf que je connais rien d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été le coup de foot, tu t'es dit, elle est pour moi. Ouais, elle est pour moi. T'entends, Romano, c'est marrant cette histoire, ça me rappelle la soirée du 31 décembre de je sais plus quelle année, quand tu as rencontré l'amour de ta vie. Non, mais moi, pas et du moi, tout. Ça m'émeut beaucoup. La gothique. Eh ben ouais, tu vois, tu te rappelles. Mais moi, c'est absolument pas du tout passé mais comme ça. Mais bien sûr que c'est le 31 décembre, Romano. C'est ce que j'adore, c'est Eddie Fool, mais attends, je connais quand même mieux ma vie. Non, avec Cariole, ça a fait ça, j'ai eu le coup de foudre en la voyant. La gothique, je l'avais déjà vue plusieurs fois avant. Et je l'avais déjà repérée. Ah. J'avais repéré la proie. Un travail de longue haleine. Dans le noir. ouais, en général, la boîte de nuit, j'évite de mettre les lumières sur toutes les boîtes de la scotte. Ouais, c'est ça. Non, je l'avais déjà repéré, elle. Alors, ça n'a pas été le coup de foot direct. Alors, Cariole, que je l'ai vu, ça a été le coup de foot direct. Coup de foot. C'est vrai. Bon, ça n'a pas été réciproque, mais. Pas mal, oui, c'est vrai. Mais bon, au bout d'un moment, il est arrivé quand même. À force de persévérance et d'argent. Surtout d'argent, d'ailleurs. On parle. Non, mais c'est vrai, parfois, il faut persévérer. Donc, cette meuf, tu l'avais jamais vue, Gaëtan, ou tu l'avais déjà repérée dans le bahut, toi? Non, je l'avais jamais vue, c'était la première fois. D'accord. Mais elle faisait quoi dans le bahut? Elle était du bahut? Vous êtes beaucoup dans votre bahut? Non, ouais, elle était dans la cour. D'accord. Mais vous êtes combien dans votre bahut? Vous êtes beaucoup? 800. Ah ouais, ça fait du monde. Donc, tu l'avais pas repéré. Donc là, faisant ta petite promenade dans le bahut, tranquille. Ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre, exactement. Voilà, le cul de foudre, oui, pardon. Comme dirait Cédric. Et donc, donc cette meuf. Mais vous étiez tous les deux. Vous êtes croisés tous les deux. Elle était toute seule. T'étais tout seul. Non, elle était avec des copines, tu vois. Je passais à côté et puis j'ai repéré, tu vois. Ouais, elle t'en regardait les meufs ou pas? Non, pas du tout. Ah putain, regarde. Incognito. Incognito, ok. Et donc, cette meuf, t'as des renseignements sur elle? Tu sais comment elle s'appelle? Tu sais dans quelle classe elle est? Non, je sais rien du tout. Même pas sa classe, rien, même pas son nom. Ah, tu sais même pas la classe? Ah oui. Bon. Mais est-ce que, par exemple, avec les personnes avec qui elle était, t'en connais au moins une à l'intérieur de personnes? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Donc c'est tout. Ah ouais, il y a tout à faire là. Mais t'es en quelle classe, toi? Moi, je suis en première. Première. C'est peut-être des secondes, du coup. Ah, ça, peut être, ça, peut, ça peut être aussi être des terminales, Marie. Ouais, ou alors d'autres premières. Ouais, des ouais nouvelles, ou alors ouais. Des BTS, sûr, parce que des fois il y a des bahuts, il faut BTS. Comme, on est sûr, c'est qu'elle n'est pas en primaire déjà. C'est déjà ça, ouais. Ni au collège. Voilà, ni au collège. Non, mais sans connaître les copines et elles, c'est peut-être des nouvelles secondes, tu vois. Des nouvelles c'est secondes. C'est peut-être ça. Ah, bah oui, c'est les suppositions bah, oui. De Marie. Non, mais si tu l'avais jamais vu avant, c'est possible. Non, mais ou alors c'est une nouvelle première qui est arrivée cette année. D'accord. En tout cas, ça ne change pas le problème. T'aimerais faire quoi, toi? T'aimerais rentrer en contact avec elle, discuter un peu avec elle, tout ça? Ouais, essayer de rentrer en contact avec elle, quoi. Inviter, faire quelque chose, tu vois, mais... Ouais, alors que tu connais ni ses copines, ni elle, ni son prénom, ni sa classe, ni rien du tout sur elle. Non, rien du tout. Et alors... c'est quoi qui t'a attiré? Vous avez, je sais pas, échangé un regard? Son ou... cul, Marie. Ou elle était non, habillée vois, genre, c'est le visage, enfin, tu vois, genre, c'est... Je sais pas comment dire. Ouais, elle a un charme qui te plaît. Ouais, voilà. Bon. T'as attiré direct, ouais. Voilà. Bien joué, Marie. Ouais, ouais. Faut être attiré avant de tirer parfois. Marie, elle te fait des suppositions. Non, mais Marie mène l'enquête. C'est bien. Je mène l'enquête. C'est bien, Marie. On a un fond dedans, là. Tu participes. Et toi, tu t'envisages quoi, Gaëtan? T'en as parlé à des profs ou t'es à des potes ou t'as gardé pour toi? J'en ai parlé à un pote, ouais. Et alors, il t'a dit quoi, le pote? Il t'a donné des idées? Non, même pas? Non, même pas. Même pas. Bon, alors on va être obligé de s'y mettre, nous, hein, vous avez entendu. Soit t'as des vraies couilles et t'y vas direct, mais bon, moi, je sais que perso, j'irai pas. C'est ce que conseille 212 sur SMS. Ouais, bah, l'avoir. 212, ouais, il nous dit... Si t'as une bonne paire de baloches, bah, t'y vas, quoi. T'as rien à perdre, man. Bah, t'en auras tout dans la gueule, quand même. Bon, bah, je sais que je vais l'avoir, je vais bégayer et tout, donc... C'est la vie de 212, ah ouais, la vie de Farid aussi. Fonce direct. Ah, c'est pas évident, hein, quand même. Hein. Voilà, tu vois, fonce direct, il nous dit Farid. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous nous dites? Déjà, fais un premier contact et deviens son pote pour 10 foules le beau gosse. Bah, déjà, faut s'enseigner. Invite-la à boire un verre, et vérifie si elle bouffe à la cantine. Ah, à la cantine, tu peux te mettre à côté d'elle, tu lui invites à boire un verre. J'ai jamais vu à la cantine, par contre. Jamais vu la cantine. Tu vas à la cantine, elle y est pas. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Mais parce que la cantine, parce que moi, je sais que dans mon bahut, il y avait différents horaires suivant les, ouais, pareil. Les classes. Ouais. Ah ouais, t'es pas sûr que t'es pour au éviter même qu'il y a, qu'il y ait trop de monde au même moment. Exactement. Ouais. Genre, il y en a qui bouffent à midi, d'autres à midi et demi, ouais, ainsi même. De suite, quoi. Passe une annonce au micro du lycée. Oui, allô, allô, bonjour, ici Gaëtan de la première. Je recherche la jolie meuf. Mais déjà, est-ce qu'il y a un micro dans ton lycée? Oui, allô, allô. Je la connais même pas, alors, qu'est-ce que je dis? Bah, ouais, c'est ça, ouais. Je lance un appel. Vole-lui son sac et ramène-le lui en faisant semblant de l'avoir trouvé. Oh, super-héros. Beau gosse. Ça. Ah, c'est bon, ça, le message du super-héros marseillais. Ouais, du pote qui l'emmerde et tu viens comme un. Non, c'est pas mal. Monté, quoi. Rakim qui vient de nous laisser un message. Ouais, bah, du 13. La dernière fois que Difool a proposé cette méthode, ça a été un échec. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça a été un échec? Qui je me rappelle. Avec le scénario là, le truc, ouais, genre t'envoies un pote emmerder la meuf et toi t'interviens genre tel le chevalier blanc. Ah bah ouais. Tu vois, je trouve cette idée géniale. La dernière fois, je sais plus comment c'était passé. Il y a il s'était cassé le bras, l'auditeur. Oui. Ouais, c'est ça. Ils ont été trop forts en fait dans le scénario. Et... De quoi? Bah l'auditeur en fait, ça s'est très mal passé ta solution là. Bah moi je me rappelle que la solution avait marché ils étaient dans un bus et genre ils devaient genre bousculer le mec et tout et en fait il a bousculé la trébuchée, il était tombé et c'était plié le bras en deux. Ouais, c'est pas vrai. Ouais, et surtout le bilan c'est qu'il n'avait pas serré la meuf. Ouais, pas du tout. Il t'avait remercié d'ailleurs du foulard. Ah bah j'imagine j'espère. Bah c'est quand même la moindre des politesses hein. Ah bah ouais. Non parce que moi je me rappelle un nombre de fois. Non mais il y a eu des fois ça il y a eu une ou deux fois où ça a dû marcher. Bon, tu peux tenter ça. Non mais sinon ça c'est une autre idée, l'idée du sac volé du message de Marseille. Compliqué. Ouais, puis après, si avant que tu lui rendes, tu te fais choper parce que t'as volé le sac, tu vas te retrouver dans la merde. Mais bon, c'est une idée comme une autre. Non, ou alors, faut arriver masqué pour voler le sac. Et excusez-moi, j'ai fait une grave erreur, une erreur sur Astérix tout à l'heure, parce que je vois les messages qui sont arrivés en masse. Ce n'est pas Astérix qui est tombé dans la potion magique, c'est Obélix. Ah ouais, c'est Obélix. Ah ouais, bah oui. Excusez-moi, erreur de culture générale. Ah oui, tu te fais insulter. Désolé. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'en boire. J'ai vu plein de messages. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de boire de la potion magique. Très bien. Te rapport à un truc que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission. Alors, qu'est-ce que nous dit Callaghan? Sans doute un truc dégueulasse. Ah bah oui. Tu aurais dû sortir ta bite par la braguette pour te faire remarquer. Comme ça, tranquille. Une très bonne idée. C'est un peu direct quand même, non? Oh bah c'est une idée de Callaghan aussi, donc. C'est clair. On fait comme on peut. Merci Callaghan pour ta petite idée là. Bon, vous nous laissez vos idées justement au 41759 sur la piste Skyrock. Vous envoyez tout ça. Donc vous avez pigé un petit peu l'histoire de Gaëtan. Il a croisé une meuf. Il sait pas qui c'est. C'est pas en quelle classe elle est. Il connaît pas les potes. Il connaît rien. Comment il fait pour attirer son attention? Comment il fait pour la draguer? Et encore mieux que ça, parce que tu veux carrément la serrer. Comment tu fais pour la serrer, Gaguette? Après un coup de foudre. Exactement. Bah c'est ça, non. Qui précède généralement le coup de bite. Oui. En espérant, ouais. Merci pour les violons. Coup de foudre, coup de cœur, coup de bite. C'est comme ça que ça marche dans le love. Vive le love, vive Skyrock. On va revenir au prof là d'ici quelques instants. A tout de suite, Gaëtan, tu bouges pas. Ouais, je bouge pas, merci. reste avec nous. Les familles arrivent aussi. Le double appel. On va gérer cette histoire là d'ici quelques instants. Si vous avez des numéros d'ailleurs à nous laisser, vous voulez qu'on appelle, je sais pas, une copine, un copain, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous aimez bien, des voisins, des voisines. N'hésitez pas. Vous nous laissez leur numéro de téléphone. Ah, il faut que ça gueule là, quand même. Hein. Ah, tu veux du vénère? Ah bah ouais, il faut que ça soit quand même des gens nerveux. Ah, tu veux du nerveux. Tu veux pas du love dans le double appel, parce que parfois on a des familles qui sont tellement heureuses de se rencontrer qu'elles se donnent des petits surnoms d'amour, genre enculé. Ouais, mais ça c'est bien ça. Voilà, espèce de grosse salope. Ah, comme c'est mignon. Des trucs mignons alors qu'ils se connaissent même pas. Ouais, hein. Il fait enculé à un gros con. Bah. Bon, le double appel arrive sur Skyrock, donc les numéros vous nous les laissez sur le 41 759, sur l'appli Skyrock. Faites comme Drokan, comme Marion la célibataire, comme Vince, comme Aiden, comme Guilhem, comme Miley, comme Toto, comme Gaoul. Et comme tous les autres, Thomas aussi qui est là, Tishon qui vient d'arriver, comme Speedy Gonz. Vous nous laissez vos messages, ça arrive directement dans le studio. On salue également Idriss qui donne un conseil d'ailleurs pour Gaëtan. Ouais, sur Facebook, tout ça, t'as aucun renseignement sur elle, tu sais pas. Bah non, parce que je sais même pas comment elle s'appelle. Bah ouais, donc ah ouais, le Facebook, parce qu'il y a plusieurs messages. Il y a Idriss qui disait ça, mais il y en a plein d'autres qui nous ont dit ça depuis tout à l'heure. Bon, écoute, Gaëtan, t'as pas demandé à tes potes s'il y a pas un mec qui la connaissait dans le lot? Ouais, bah j'ai essayé, mais je sais pas. Non, mais il faut une bonne copine dans ces cas-là. Qui aille voir, tu sais, le petit groupe de meufs et tout, qui essaye de taper l'amitié. Moi, je suis jamais trop pour les envoyés spéciaux. Ouais, mais c'est chaud, ça. Ouais. Non, mais ce qui serait bien, ça serait de connaître quelqu'un qui la connaît et qui éventuellement te la présente à une soirée ou un truc, tu vois. Ouais, plutôt que d'envoyer quelqu'un en mission. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Gaëtan, sur les missions. Ouais, ça fait ouais mission infiltration. Hein? Oui, je t'envoie, tu parles. Puis après, les copines, elles sont là. Ah putain, t'as vu l'autre, il est trop con, il a pas de couilles, il envoie son copain. Ah non, mais non, fais pas ça. Et après, elle te montre du doigt, elles font. Fais pas ça, je parle d'une nana. Bon, à tout de suite Gaëtan, ne bouge pas, le temps d'écouter Alonso sur Skyrock. Allez, gros son d'Alonso, on écoute Binta. Et bon, on est en direct, hein, donc à n'importe quel moment vous débarquez ici 21h21. Et on vous rappellera exactement. Et 35 secondes. Et on fera un petit point sur les profs amochés. Et oui, on rend hommage aux profs aujourd'hui. Salut peut-être les profs qui nous écoutent ce soir, big up à vous. La journée mondiale des profs, c'était pour aujourd'hui. Et bien on fait ça sur Skyrock, n'hésitez pas. Témoignage, on aura d'ailleurs Aurélie dans un instant. Alexandre aussi, Alexandre à Strasbourg. Et Aurélie à Oman. Le pays de la choucroute pour Alexandre et le pays de la rillette. Bon appétit, bien sûr. Bien sûr. Pour Aurélie, Alexandre Aurélie, vous êtes bon là. Bon appétit, bien sûr. Yes. Aurélie salut. Aussi. Ouais. Ouais. Eh ben salut Aurélie, salut Alex. Vous bougez pas. Salut. Alonso et on y va. Alonso et allons-y. Pendant l'Euro, ils nous ont fait kiffer. Ils nous ont fait pleurer aussi. Et c'est fini. C'est fini. Portugal, champion d'Europe. Ils sont de retour vendredi soir au Stade de France. Match qualificatif pour la Coupe du Monde. France-Bulgarie. Bulgarie gagne tes places demain matin à 8h05 dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. The Morning Show. Kanye West. Your love is fade. I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up. I love the, I wanna, I'm trying to feel. I'm a rock. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. So est un étudiant brillant. Son frère, un caïd de Marseille. Moi je ramène les sous, toi tu ramènes ton diplôme. Quand son frère se fait descendre, So est prêt à tout pour le venger et découvrir la vérité. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus reculer. Chouf. Un film de Karim Dridi. C'est nous ici, tu as compris? Chouf, ouvrez les yeux, aujourd'hui au cinéma. Chouf. Avec Skyrock. Y'en a donné. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Écoute, hoche la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un journal de la Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. En concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Par le réalisateur de Evil Dead, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Qui est là? Ils sont venus braquer un aveugle, mais le piège s'est refermé sur eux. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Le meilleur film d'horreur des 20 dernières années, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Skyrock.

conseille de mettre... J'ai rarement vu une meuf aussi moche. Attendez, écoutez bien, parce que je vous conseille de mettre la main sur le zizi. Vous allez voir, ça va monter, ça va devenir tout dur. C'est quoi les dents? Parce que ça ressemble peut-être à une de mes fous. Non, mais déjà, elle avait les dents. Je pense que la meuf, elle te suce, elle t'épluche le gland, quoi. Ouais. Ah. Mais elle te l'épluche, les dents, mais les dents de devant. Bon, mais vas-y, continue, ça va. Pas loin d'être à l'horizontale. Ça monte, Romano. Et c'est une forme du visage, moi, bon, avec Cariole, nous on appelle ça des têtes de paix, mais. Têtes de paix. Ah, des têtes de paix. Quelle gueule a un paix? Ça veut dire. Parce qu'un paix de Cédric, c'est. Ça dépend des paix. Non, mais en fait, tu sais, elle a la tête, on dirait une goutte d'eau, quoi. Ah, ah ouais, comme. Ouais. Une tête en goutte d'eau. Ouais, une goutte d'eau, mais à l'envers, tu sais, c'est-à-dire qu'elle a le visage super fin en bas. Ouais. Et un peu gros. Comme les Bogdanov. Elle est toute frisée, mais chelou, tu sais, c'est des trucs à l'ancienne, genre elle devait se foutre des bigoudis, tu vois, elle était. On va dire les Bogdanov, mais sans le menton. C'est comme une comme une chèvre un peu. Alors moi la mienne qui avait Attends, mais c'est pas fini Marie. Elle avait des petites lunettes, c'était des culs de bouteille, mais c'est-à-dire que c'est déformé les yeux. Ouais. Et après elle avait elle avait des poils, mais genre ça faisait des. Là ça veut dire ouais aux pattes comme les mecs. Des bigoudis quoi. Et ben tu sais qu'elle était swaguée avant l'heure, c'était déjà une hipster. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on avait son mari en prof également, mais tout le monde se disait mais comment il fait pour la baiser. Eh ben il la baisait pas. Il était mieux. Ouais. Bon, c'était, il était moche. Non, mais être pire, c'est difficile. Non, mais comparé à elle, oui, à la limite, il méritait mieux, quoi. Tiens, ma prof d'anglais est possédée, nous dit LDD74. Ah, et puis je voulais saluer, elle est où, maîtresse? Ah, maîtresse, 23 ans. C'est ma fête aujourd'hui, je suis Eugénie, je suis professeur des écoles en toute petite section, et j'adore mon métier. C'est pas les pires, les petits, mais faut les supporter quand même, maîtresse. Bravo. Merci, maîtresse, on te salue, ma maîtresse. Oui, absolument, maîtresse. Ouais. Bon, c'est chaud, ouais. Vos messages sur les profs, on va y revenir. D'ailleurs, tiens, on a Aurélie qui est avec nous, on a Alexandre aussi qu'on va prendre au téléphone en direct de Strasbourg pour Alexandre et en direct du Mans pour Aurélie. Et puis tiens, je vous rappellerai la compile de ce matin parce qu'on a fait une petite compile des profs amochés dans l'actu. Ouais. On a retrouvé tout ça. Attention, il y a du lourd quand même. Et puis Gaëtan qui veut savoir comment draguer une meuf, il connaît pas son nom, elle est dans son bahut. Hein. Il connaît pas son prénom, il connaît pas sa classe, il connaît pas les copines, il connaît rien. Comment on fait dans ces cas-là? C'est vrai qu'on a rarement eu un problème comme ça. En général, il y a toujours quelqu'un qui la connaît, qui connaît son prénom, tout ça. Eh ben là non. Gaëtan, tu as mis la barre haut ce soir. Notre défi est de trouver le moyen de te mettre en contact avec elle. Et pourquoi il lancerait pas un appel sur Skyrock? Ça, c'est une super idée qui est revenue 2-3 fois là depuis tout à l'heure. Ouais, peut-être qu'elle écoute. Ouais, mais ouais, dire, ouais. Et que nous a laissé Gramou. Bonjour Gramou. Gradure était sur Skyrock tout à l'heure. Et là, on a Gramou. Et nous avons Gramou aussi qui nous écoute. Merci Gramou. C'est vrai, tu pourrais lui lancer un appel. Ouais, c'est vrai, c'est pas qu'on y ait pensé. Mais ouais, heureusement que vous êtes là, les auditeurs. Puis je dis 2-3, il y en a d'autres. Bonjour à Valou qui nous a laissé exactement le même message, qui lui disent à l'antenne. Bon, alors. Gaëtan, silence, tu t'exprimes. Silence. La France entière t'écoute. Chut. Tu es dans le 78, déjà, dis ta ville. Est-ce que tu veux que je joue du violon? Ouais, vas-y. Vas-y, orchestre, parle. Ambiance, toi. J'interpréterai un truc en freestyle au violon. Romantique, hein. Alors. Ah, mais bien sûr. Très bien. Non, j'ai pas trop envie de dire ma ville, quoi. Tu veux pas dire ta ville? Ah. Donc c'est dans le 78. C'est moins simple, mais bon. Les filles du 78, vous qui êtes branchées sur Sky actuellement. Tendez bien l'oreille. C'est toi. Tu sors que tout. Toi, jeune fille, que j'ai rencontrée dans le lycée. Oui. J'aimerais bien faire ta connaissance. Oui. Ah, c'est fini. Alors, comment elle était habillée? Ouais. Ah, parce que c'est assez vague, là, quand même, ouais. Oui. Bah normal, tu vois, genre jean, classique. Pull. Elle a pas un truc spécial, je sais pas. Elle est brune, elle est blonde. Alors, tu vois, les filles, déjà, des fois, elles ont des draps là sur le dos. Des draps sur le dos. Des ponchos. Ouais, ça c'est Mexique, ça. Une cape. Ça c'est en Roumanie, en Transylvanie, dans les châteaux de Dracula. Ouais. Non, mais c'est une étole. Ah ben Romano, ta copine. Je sais pas ce que c'est une étole, mais ouais. La gothique. C'est un châle en fait. Elle avait pas une cape. Une cape. Non, elle avait des. Elle arrivait avec sa cape. Oui. Tu sais les trucs un peu là. Je sais pas, tu. Des curés là. Tu sais les robes. Des soutanes. Non mais pas. Elle était plus habillée en curé. Non, mais c'était ma gothique qui était habillée en soutane. Donc soutane. Bah tu vois, elle aurait été habillée en soutane, ta meuf, elle serait reconnue tout de suite parce que c'est tellement rare. Ouais, c'est tellement rare. Donc elle a une espèce de cape. Je sais pas, elle a pas un bijou particulier, une quoi. Je sais pas, une coupe de veuche, les cheveux d'une couleur particulière. Elle est pas chauve, par exemple. Non, mais genre tu vois, c'est quelqu'un de lambda, genre tu vois, c'est d'accord, pas. D'accord. Ouais, elle est brune, elle est blonde. Elle a pas un piercing sur la gueule, un tatouage quelque part, non? Brune. Non. Cheveux longs. Des boutons, non? Cheveux longs. Ah, bon, déjà. Brune. Elle a les cheveux lisses, la miss. Gras. Lisse. La miss a les cheveux lisses. Ok. Mais elle est blonde, brune. Brune, il a dit. Brune. Elle est blonde ou brune? Elle est brune, Marie. J'ai brune. Déjà demandé, il m'a répondu. Est-ce qu'elle a des cheveux? Oui, elle est brune. Oui, et oui. Mais de quelle couleur les cheveux? Brune. Ça va être difficile. Donc plutôt noir ou plutôt blond? Noir. Plutôt noir. Ouais, laisse tomber, Marie. D'accord, très bien, c'est parfait. Ah, et puis, ah, c'est vague, hein. Petit message pour maîtresse Eugénie qui a laissé un message. Il y a Anus Romano qui nous laisse un message qui dit Eugénie, je fantasme sur les maîtresses. Non, c'est la soirée de l'amour. Bon, on va prendre des réactions des auditeurs et des auditrices de Sky si vous arrivez à la même chose. Genre, vous rencontrez une meuf, c'est pas qui c'est pas d'où elle vient, c'est pas dans quelle classe elle est ou dans quelle boîte elle bosse. Enfin, vous ne savez absolument rien sur elle. Comment vous faites pour engager la conversation? Comment vous faites pour vous faire remarquer? Tout ce que vous voulez, vous nous laissez vos messages. Et l'idée, il y a Ken qui vient nous laisser un message là. L'idée de voler son sac et de lui le rendre après, on l'a déjà donné tout à l'heure, Ken. Ouais, c'est qu'elle était pas si conne que ça, l'idée que j'avais. Non, c'est trop dangereux. Que j'avais volé à Farid, là, l'auditeur de Skyrock. Sinon, il y a une autre méthode. C'est, tu sais, genre au secrétariat ou tout ça, ou à l'accueil. Il y a pas genre le trombinoscope, tu sais, les photos de tous les élèves. Non, ça c'est, il y a que les surveillants qui ont ça. Ah ouais. Ah tu peux pas y accéder toi. Ah tu peux pas demander un tour. Et si tu couches avec un surveillant ou une surveillante, c'est pas possible. Non, mais des fois même si le mec il est sympa, tu vois, si tu entends bien avec un pion, le mec tu dis ouais, je suis intéressé par une meuf. Ouais, c'est clair. Tu montrer la photo quoi. Non mais normalement, je comprends pas sur Facebook comment t'arrives pas à la trouver en fait. Parce qu'elle j'ai pas le nom. Non mais avec les associations d'amis, c'est-à-dire que tu mets le nom d'une de ces meufs. Ah Samy, il est pas con, il veut faire une enquête. Non mais c'est trop facile. Ouais, mais je connais personne autour alors. Mais non, mais tu connais bien quelqu'un qui pourrait être potentiellement ami avec elle. Et après avec les... Ouais, mais bon, j'ai mis 800 personnes, je vais pas les faire. Papa, on arrête l'émission, excuse-moi, Samy, on arrête l'émission. Gaëtan aussi, il y a de l'argent qui coule. Il y a un bout d'argent là. Ça y est, Romano, je suis en train de ranger, j'ai pris un café, je suis en train de ranger 2 euros, 3 euros dans mon portefeuille. Ah, tu m'as payé un café, c'est gentil. Ah non. Ah, j'ai oublié, dis donc. Bah, si, si, mais j'en ai un, donc c'est que t'as dû payer, hein. Ouais, et j'en ai payé un pour moi aussi, Zifoul. C'est gentil, merci. Il a régalé. Et la tête de Diffoul qui a les yeux. Il n'était pas au courant. Avec une débile. Et t'entends ces escrocs. Pour la suite, j'ai une bouteille de champagne. Champagne? Ok, ça roule. Pour 2 euros, de tout. T'as vu ça un peu comme ils sont, c'est des voleurs. Et on nous dit, il y a un peu la méthode de Samy, là. Il y a Aliane qui nous dit, il y a des spotted dans presque tous les lycées sur Facebook. C'est des groupes où tu l'as décrit et le publie. Comme ça, tu la retrouves. Mais oui, les spotted. Merci. C'est qui a envoyé ça? C'est Aliane, mais il y en avait d'autres qui l'avaient mis aussi. Je dois faire ma déclaration sur le truc du lycée là. Tu vas t'afficher devant non, tout le monde. Non mais en gros, tu passes un message comme quoi tu recherches la meuf, tu vois. Mais y a pas un groupe, ouais. Ouais, mais tu le sais. Un spotted. Ouais. C'est ça. Bah c'est un moyen de la retrouver. Non mais pour venir au pion, pour toi ton idée, Romano, il y avait un message de Paris anti OM. C'était d'aller demander dire lui, il a eu la même, il a demandé directement à un pion. Non mais oui, c'est le pion qui est parti voir la meuf et qui lui a dit à lui, il trouve mignonne. Et bref, c'est qui a rangé le coup en fait. Non, ça c'est pire. Le pion après il passe, vas-y, non. J'aime pas trop envoyer un messager, surtout un pion. Non mais par contre, non, le truc qui a marché, c'est que si le pion est sympa, lui il peut te dire son. C'est la meuf, ouais. La meuf, tu vois. Et au final, il y a rien à foutre. Bah oui. Ouais, au final, ouais. Moi, je ferais ça, moi. Bon. Moi, je sais que je serais pion, à moins que ce soit une tête de con, que je suis pas saqué, il vient me voir, je le recale, mais. Non, mais tu vas voir le. Si c'est un mec couille. Qui est plutôt sympa. Tu lui dis un faux nom. Ouais, tu dis, ouais, c'est elle, elle s'appelle. Elle s'appelle Gérard. Vas-y, attends. S'appelle Georgette. Tu l'envoies une vieille meuf. Tiens, pipe, quoi. Tu choisis la meuf la plus moche que tu as eu. Non, mais tu prends le pion cool, il y a toujours un pion cool. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. J'espère que vous en avez un bien cool, moi aussi. Ouais. Bon, bouge pas, Gaëtan, on y revient tout de suite. On va juste faire le double appel avant et puis après on accueille Alexandre qui nous a dit bonjour de Strasbourg. Aurélie qui nous a dit salut du Mans. Et puis Sam aussi, là, c'est pour. Ah non, Sam, il appelle pour toi. On le prendra aussi, Gaëtan, bouge pas. Donc Sam, 17 ans à Paris, qui doit être là. Salut Sam. Yes. Ah. Salut. Ouais. Salut Sam. Et tu voulais demander, Romano. Ouais, est-ce que. Parce que là, pareil, on nous dit. T'as été voir sur le spotted de ton bahut. Est-ce que tu es allé voir le spotted de ton bahut? Je sais pas ce que c'est, moi. Sur Facebook, en fait, c'est des pages qui sont créées. Par exemple, ton bahut, c'est vrai, ce que disait Samy maintenant, quasiment tous les bahuts ont une page avec, avec les élèves actuels, les anciens élèves. Je peux retrouver. Et pour un peu, il y a une photo qui a été publiée, elle est dessus, et si elle est identifiée, voilà, tu la dis. Ouais. Pas pour aller voir, ça. Ouais. Ah, c'est pas con. Tu tapes le nom de ton bahut sur Facebook. Je note l'idée. Enquête. Et t'as pas, je sais pas, des photos que tu peux trouver de tous les mecs du bahut. Faites pas des photos par classe. Enfin, vous les avez peut-être pas faites, Bah non. Non, en plus, les photos de classe, c'est genre mai et tout. Ouais, c'est ça, c'est en fin d'année, moi, c'était aussi. Ah ouais? Moi, c'était au début, moi. Toujours au début. Moi, c'était, là, c'était fait, quoi. Ouais, pareil. Et après, nous les vendaient bien cher. C'est clair. Ouais, salaud. Ouais, 20 euros la photo. Ah ouais, putain, non, mais c'est vrai qu'ils se gavent. 20 balles la photo. S'emmerde pas, quoi. Bon, on reste au bahut avec. C'est la pochette cartonnée. Ouais. Avec les témoignages sur les profs, parce que c'est la journée mondiale des profs, on ne pouvait pas louper ça sur Skyrock, on a commencé ce matin très tôt dans le morning. Eh bien, on va continuer ce soir. Ah, faut que je vous fasse ma compile avec les profs super amochés dont on a parlé ce matin. Et puis, donc on aura Alex, on aura Aurélie aussi pour témoigner là-dessus, et puis tous les autres et tous les messages que vous nous avez laissés. Mais tout de suite, double appel. Et t'es comment, ta chatte est comment là? Non mais dis donc, il sait qu'il me parle de ma chatte là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Et dis donc, et je te signale que je suis sur écoute, la gendarmerie surveille. Hein. Ouais, le double appel de Default sur Skyrock. Oui, allez, salut et banzai. Hein. Et banzai. Ça passe le jingle. Les familles du double appel vont être appelées dans toute la France maintenant. Merci pour tous les numéros que vous nous avez laissés. J'en vois qui défilent. Bonjour Police 17. Bonjour Police 17 qui nous a laissé deux numéros qu'on va peut-être appeler maintenant. Je sais pas si Samy les a sélectionnés. Peut-être t'en as un paquet, dis donc. Ouais, j'en ai pas mal. Ah, merci beaucoup. Merci à Ricou aussi qui nous a laissé un numéro de téléphone à appeler dans le Nord. Bah, qu'on mettra en contact avec peut-être le numéro que nous a laissé Adeline juste en dessous. Là. Ouais, on peut même mettre en contact des gens qui habitent pas du tout dans la même région. Oui. C'est possible. Ouais, absolument, oui. Absolument. Je vous présente Patrick. Ah, oui, comment vas-tu, Patrick? Ça va bien, Patrick. Bah, très bien, là, bon. Oui, oui, bah, bon. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Patrick? Qu'est-ce que tu fais, ouais? À cette heure-ci, tu t'éclates. Décalotes complètement. Tu décalotes. D'accord. Mais... Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Oui, mais pourquoi faire? Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Non, pourquoi? Je suis en train de masturber, là. D'accord, Patrick. Très, très bien. Donc, bah, moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. Patrick, donc, il pourra entrer en contact avec comme famille. D'habitude. Le mec passe la vie à poil. Hein, c'est ça. Alors, ça sonne. Chez qui on va? Chez André et Eric. André et Eric. Allô? Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Bien. Bah, très bien, là, bon. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Bah, je sais pas, là, ça sonne de... Bah, moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. Comment? Je suis en train de m'assurer, là. Allô? Allô? Deux, trois doigts dans le cul. Allô? T'es en train de te faire baiser ou pas? Oui. Ah ouais, je suis à poil, là. Allô? Ah, ils sont partis. Ah, les deux? Ils sont partis. Ah, ils sont tous partis. Ah, on attendait qu'une sonnerie, même. Ils sont partis, les deux. C'est pas grave, Samy. Vas-y, balance la sauce. Balance la sauce. Ouais, vas-y, moi aussi je vais te balancer de la sauce. Là, on part dans l'ode. Non, Cédric, balance la sauce, ça veut dire balance les appels dans l'ode. J'ai pas les prénoms. Sauce blanche. Allez, on va dans l'ode. L'ode. Ah, c'est l'ode. Allô? Ah. Attention. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? Mais c'est un canular ou... Pourquoi? Parce que mon téléphone sonne, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure m'a dit que c'était pareil, je comprends pas, là. Eh bien, moi aussi, là, vous venez de juste de m'appeler. Mais non, mais j'ai appelé personne, hein. Ah, bon, donc il doit y avoir un souci, il y a quelqu'un qui s'amuse à envoyer des... Téléphone. Parce que là, vous êtes à Palage, sur Carcassonne. Hein. Et oui, comment vous le savez? Non, moi, je suis de Palage. Non, parce que là, ça vient de téléphoner, maintenant. Mais moi aussi, je suis à Palaja. Et moi aussi, ça fait trois fois que mon téléphone sonne. Hein. D'accord, et bien moi, ça fait la deuxième fois. Mais vous êtes quel opérateur, vous? Ah, mais je suis aucun opérateur, moi, je suis... Non, mais je suis habitant, moi. Votre téléphone, il est sur quel opérateur? Ah, France Télécom. Là, je suis chez mes parents, hein. Mais moi, je comprends pas, je suis free, donc... D'accord. Donc, je comprends pas. Oui, ben alors je pense qu'il y a une boîte qui doit envoyer des appels chez l'un et chez l'autre. Alors. Parce que moi je vous ai pas appelé, ça vient juste de sonner là. Hein. Attends. Moi non plus je vous ai pas appelé. Bon, eh bien écoutez. Allô? Ah, mais maintenant il y a une autre personne qui parle en même temps, vous l'entendez ou pas? Allô? Ah oui. Oui, comment vas-tu? Tout à fait, oui. Tu vas pas être déçu du voyage. Qui me dit comment vas-tu? Non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Vous l'entendez? Oui, je l'entends, oui. Tout à fait, oui. J'entends, oui, non, mais... Décalote complètement. Mais c'est une bande, c'est pas possible. Ouais, mais écoutez, je vais vous quitter. Bon, écoutez, je raccroche, je comprends rien, là. Ouais, je suis à poil, là. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. T'es en train de te faire baiser ou pas? T'es en train de te faire baiser ou pas? Ah, Patrick! T'es en train de te faire baiser ou pas? C'est bon, on a compris. T'es en train de te faire baiser ou pas? Patrick, on peut plus là. T'es en train de te faire baiser ou quoi? Rappelle-les, parce que je trouve qu'il y a un bon contact, ils sont sympas. Ouais, ça marche bien. Ils habitent dans la même ville. C'est quoi? C'est dans le sud-ouest? Dans le côté de Carcassonne, ils ont dit. Il y a un fluide. Un Carcassonne, ça doit être une boîte de cassoulet. C'est la boîte de cassoulet, oui. Opérateur. J'ai frit, j'ai rien compris, moi. Quand tu as frit, tu as rien compris. Et France Télécom, ça n'existe plus. Non. Ah, non, bon, non, c'est l'ancienne orange, quoi. Ouais, les PTT. Ouais. Les PTT non plus, ça n'existe plus, hein. Faut le dire aux familles. Ça n'existe plus tout ça. Bon, on y retourne. Bah allez, vas-y, allez. C'est reparti. Hein. Allez, c'est reparti. Deuxième coup de fil. Alors là, ça va être la panique dans leur tête. C'est, bah, écoute, il y a des chances. Ah, il doit y avoir une boîte qui met le coup de téléphone. Vas-y, vas-y, appelle Samy. Allez, on y va. Ça sonne pas. Ah, si, ça sonne. Voilà. Oui. Allez. On est reparti dans l'Aude. Ouais. La boîte. Trop fort le double appel, je sais. Allô. Allô. Allô. Oui, vous êtes qui là? Ben, moi, je suis Patrick, hein. Oui, ben moi je suis Serge si vous voulez. Ah, Serge. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben moi je suis Patrick. Hein. Allô? Mais c'est la dame de tout à l'heure. De nouveau mon téléphone vient de sonner. Eh ben moi aussi, j'entends le monsieur qui arrête pas de me dire je suis Patrick. Oui, voilà. Mais moi aussi, non mais je comprends rien. Je cherche de milieu là. Mais c'est quoi ce truc? Je ferai une pipe au champagne. Pardon? Non, mais ça va pas, en plus c'est des obscénités. Bon, écoutez, je raccroche et je vais débrancher parce que c'est infernal. Hein. D'accord. Non, en plus, pour dire des obscénités pareilles, je sais pas ce qui se passe. Oh, mais hein. Moi je suis désolé aussi parce que j'entends la même chose. Et oui, je me doute, bon, mais alors là, vraiment, je comprends rien. Je fais mon coin, quoi, voilà. Bon, écoutez. Allô? Bon, écoute, t'as fini là d'en perdre le monde, hein? Bah, devine. Ouais, c'est bon, hein. Allez, ciao. C'est bon. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Tiens. T'arrêtes un peu d'appeler tout le monde, là, on se retrouve tous dans la même communication, là. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? C'est Cédric. Ah, vous êtes pas Patrick, vous? Non, pas du tout, là. Mais il y a un monsieur qui appelle Patrick et il veut faire des pipes à tout le monde, là. Il m'encule, je le suce. Oh là là, allez, bon, on va arrêter. Il est en train d'enculer ou pas là? Le caca c'est oh bon. Oh là là, allez, oh. Putain, l'enchaînement quoi, mais. Ah, il a tenu le choc, il était super. Ah, ouais. Ah, il est gentil le Serge, c'est ouais. Serge. Ah bon, t'arrêtes de dire des trucs au téléphone. Hein. Ah, il veut faire les pipes à tout le monde. Et l'autre, il était traumatisé. Il dit des obscénités. Elle a pas réussi à dire obscénité. Ouais, elle a galéré, ouais. Des obscénités. Et le monsieur Serge, il était mort de rire lui. Ouais, t'es content Serge. La dame était un petit peu choquée, le monsieur mort de rire. Cédric qui est venu là-dedans, là. Eh oui, Cédric. Enculé, il suce. Ouais. Très bien. Oui. Le caca, c'est bon. Je sais, Cédric. Ah. Le caca, c'est bon. Tintin. Super, merci. Merci, Patrick. Merci pour les numéros. Bon, évidemment, on n'a pas appelé tous les numéros que vous nous avez laissés, mais on les garde en stock et peut-être ce soir, si on a le temps, parce qu'il est 10h15, donc on a encore plein de temps à passer ensemble. Et ça va être super. Et ou alors demain soir, ou de ces prochains soirs, pour les numéros que vous nous avez laissés, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, ils ne sont pas tombés dans l'œil d'un chauve. Ah non, c'est clair. Voilà. Bon, les profs, on s'en occupe tout de suite, parce qu'il y a Alexandre qui doit passer en speed en plus. Ça fait un petit moment qu'il nous attend, on va le prendre. Même chose pour la belle. Elle est où la belle? Ah, la belle Aurélie, elle est là, je la crois. Belle. Tu es la belle Aurélie? Oui, je suis là. Salut ma chérie, c'était sympa les familles, t'as vu? Ouais, c'est normal, ouais. Absolument, oui. Eh oui, Aurélie, j'ai un truc à te demander. T'es comment? Oui. T'as chaté comment là? Ah, putain, mais alors lui. Eh, dis-nous. Eh, dis. Et on aura. Et on a Alexandre. T'es là, Alex, hein? Ouais, je suis là. Alex, c'est toi qui es pressé. Donc, on te prend en speed. T'as 26 ans, t'es à Strasbourg? Ah ouais, c'est ça. Salut Strasbourg, salut. Coucou. Les auditeurs de Sky à Strasbourg, les saucisses également qui nous écoutent et tout le reste. Alors Alex, on revient au prof, ah oui, puis j'ai ma compile qui est là, tiens. On revient au prof chelou, puisque aujourd'hui c'était la journée mondiale des profs et on a décidé de fêter ça avec les profs amochés. Et donc toi, y en a un paquet. Tu en as eu des profs amochés, ça t'a laissé des souvenirs toi Alex? Ouais, moi c'était au collège en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au collège? C'était une prof d'art plastique. Une prof d'art plastique. Elle était, ouais, on était en cours. On est venu en cours et là on voit que la prof en fait elle était rincée quoi. Ah, elle était bourrée. Elle était bourrée. Mais bourrée pompette. Alors parce qu'elle avait sa bouteille dans le sac quoi et de temps en temps elle allait derrière. Il y a une petite salle derrière la grande salle là, et elle prenait un petit coup là dans le goulot tranquille. Oh. Ah ouais quand même, parce qu'on a eu une Assim qui nous laissait un message, lui il avait une prof qui sentait l'alcool mais de la bouche. Mais elle n'était pas bourrée. On a eu des profs bourrés dont vous nous avez parlé. Mais alors toi, c'est vraiment une bourrée de chez bourrée, quoi. Ah bah, elle était bien. Et le meilleur là, c'était au moment où elle nous dit bon les jeunes, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la queue-le-le dans le couloir. Quoi. Voilà. Ouais. Et après, on va danser tous la chenille tous ensemble. Et c'est ça. Et donc on était tous contents là. Bah on n'avait pas cours alors. Hein. Elle était plus en mesure de faire cours. Mais non, elle faisait juste la fête là. Il n'y a pas quelqu'un de l'encadrement du bahut qui vous a vu en train de faire la queue le dans les couloirs et a trouvé ça un petit peu bizarre? Bah, le CPE en lui-même quoi. Et alors le CPE, il a dit quoi? Il était pas content, quoi. Il nous a gueulé dessus, mais nous on a dit, nous on fait ce que la prof elle nous demande. Ah oui, vous avez raison, vous êtes de bons élèves. Bon, la prof, elle a passé un mauvais quart d'heure. Bonjour, je suis le CPE. Vous avez dû halluciner, l'autre qui vous dit, vous sortez. Il est tombé de haut, quoi. Et on va commencer par la queue leu, après on va faire une partout. J'imagine Marie, prof. On a les serviettes, tu sais. Prof. Mais Marie, tu serais jamais sobre. Prof, hein? Ouais. Non mais toi, genre autant en début d'après-midi, t'es rincé, quoi. Et parce qu'il y a eu, il y a eu l'apéro, et puis il a prenu le digestif, et entre les deux, on a bu du vin pendant le repas. Bah, ça, c'est quand même la moindre des choses. Hein. Salut les élèves. Faut quand même s'hydrater. Alors aujourd'hui, on va faire cours d'anatomie, je vais vous montrer une chatte. La mienne. Regardez comme elle est bien belle. Regardez ma boule. C'est quand même chelou d'avoir un prof qui est comme ça. Non mais j'avais un prof d'allemand, des fois il arrivait, il était pas allumé complet, mais tu sentais qu'il avait un peu de mal, tu vois, il avait un peu de mal à parler et tout. Moi, le midi, en fait, dans mon bahut, moi, il y avait un resto dans le bahut pour les profs, et en fait, ils ont droit au vin. Ouais. Des bouteilles. Ah bah oui, et l'alcool, il était pas cher, en fait. Par exemple, je veux devenir professeur, c'est votre lycée. Ah non. Par exemple, le Ricard, c'était à peine 50 centimes d'euros. Marie, faut que t'ailles de. En fait, c'était un truc militaire et dans les trucs militaires, dans les bars militaires, ils ont, puis ils ont pas le droit de faire de bénéfices, ils sont obligés de vendre au prix. C'est financé par la France. Ah ouais. Qu'ils achètent. Donc en fait, c'est vraiment pas cher. Ouais. Et donc le mec, il arrivait, tu sentais que Moi, j'avais un prof carrément, tu sais, chaque prof avait sa salle et dans son bureau, tu sais, dans son bureau, dans les tiroirs, il avait de l'alcool. Ah ouais? Ouais, il avait des bouteilles, ouais, il buvait en secret dans la classe, quoi. Ouais, mais ça existe. J'étais étonné par le nombre de messages qu'on a eu là-dessus, ou des profs qui puaient l'alcool, ou des profs qui étaient bourrés, comme toi, un peu, Alex, même chose. Hein. Ouais, bah. Et tu l'as eu? Ils essayaient de noyer leur problème, quoi. Hein. C'est ça, dans l'alcool. Mais tu l'as eu toute l'année, il s'est pas fait virer. Ouais, bon, à partir de ce moment-là, elle venait plus souvent, je pense qu'après, elle a dû avoir un bad, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a eu un problème. Après, c'était le CPE aussi qui l'a. Je pense qu'il lui a mis. Il l'a mis à l'écart du système. Peut-être une petite cure de désintox ou un truc comme ça, là. Je sais pas. Éventuellement. Bon, écoute, c'est pas mal tout ça. On a Aurélie aussi qui est avec nous. T'es là, Aurélie? Ouais. Oui. Bon, t'es obligé d'y aller, Alex, parce que je sais que t'étais en. Et il y a moyen de gratter un t-shirt, hein? Oui, on va t'envoyer ça à Strasbourg. Tu vas représenter Skyrock à Strasbourg. 96 FM pour nous écouter à Strasbourg. Exactement. Les Strasbourgeois, envoyez-nous des messages aussi au 41. Merci, mon pote. Et content de vous avoir retrouvé. De rien, de rien. Strasbourg a déjà compris qu'il fallait voter Romano. Et Strasbourg a déjà compris qu'il fallait écouter Sky. On est dans le futur. Ouais, c'est bien, les gars. Et ouais. Depuis que Sky est arrivé à Strasbourg. Vive Strasbourg. Salut, Alex. Ciao. Ciao, ciao. D'ailleurs, on a eu nos premiers gagnants à Strasbourg déjà cette année pour les 1500 euros. Les premiers auditeurs qui ont répondu Skyrock quand on les appelle et qu'on leur parle radio, téléphone, c'est comme ça que ça marche. Bravo Strasbourg. Et d'ailleurs, tiens, envoyez 1500 au 7-20-20 parce que vous envoyez maintenant et on vous appelle demain matin. Ouais, c'est clair. Et oui, ça va très vite. Skyrock vous offre 1500 euros toutes les demi-heures. Juste avant d'aller en cours, Aurélie, t'es plus en cours toi aussi? T'es encore en cours? Si, je suis à la fac. T'es à la fac, c'est encore des cours. Hein. Bon courage. Bon courage à toi. Alors, t'as 20 ans, t'es au Mans, et donc qu'est-ce qui t'est arrivé toi? En fait, moi, c'était en primaire, donc ça remonte à longtemps quand même. Ouais. Mais on avait un prof plutôt dégueulasse. Bon, je vous fais le portrait déjà. Il venait tout le temps, que ce soit en hiver, en été, il venait tout le temps en claquettes, ses pieds nus dans ses claquettes, avec ses pieds dégueulasses. Comme Mac Miller un peu. En hiver, comme Mac Miller, sauf que Mac Miller lui a mis des chaussettes. Quand même. Stock. Ouais. Voilà. Et en fait, c'était souvent, il nous demandait nos affaires pour faire des trucs. Enfin, il nous demandait nos règles, ciseaux et tout ça. Et une fois, il m'a demandé, il me dit, oui, je peux t'emprunter ton compas. Et ah, tout, c'est toi que j'ai lu. Ah oui, le message. Avec pour se décroter les ongles, là. Oui, c'est ça. Ah, espèce de porc. T'as pas entendu, j'ai lu tout à l'heure le message, ton message. Ah, j'ai pas fait gaffe, je devais déjà être. C'était au standard avec moi. Ah, quand il a commencé à se décroter les ongles, t'as pas eu envie de lui reprendre le compas ou de lui enfoncer dans la main? Dans le cul. J'étais petite, quoi, donc je pouvais pas faire grand chose, mais on était tous un peu gênés. Ah oui, c'était il y a un moment, ouais, ok. Oui, c'était en primaire. Ah oui, d'accord. Mais il avait les ongles noirs, non? Ouais. Non mais même qu'il est, t'as senti les ongles n'importe comment, tu sais. Il lave toi les mains déjà. Non mais et les pieds. Non mais les pieds, c'était les ongles de son compas à lui, quoi. Et c'est souvent, il prenait même nos ciseaux pour se couper les ongles. Ouais, de tu peux pas me prêter des ciseaux, je vais me couper les ongles des pieds. Et il faisait ça tranquille, il était assis sur sa table, il mettait le pied sur le bureau, et nous on était là, on faisait nos exercices et on l'a Aurélie, tu peux même mettre tes ciseaux, je vais me couper les poils de la bite aujourd'hui. Et tu l'avais raconté à tes parents ou pas? Ah oui, bah oui, tout le monde est au courant dans mon entourage. Tes parents, ils avaient réagi comment? Ils avaient dû halluciner, non? Ah oui, bah oui, mais bon. Tout le monde était au courant, et personne ne disait rien. Ouais, il y avait une année, bon, ça c'était un prof cool. Quoi, c'est cool, ça dépendait des fois, mais on avait une table de ping-pong dans la salle de cours. Ah ouais? Ouais, alors ça, je sais pas pourquoi. C'est spécial. Est-ce quoi, que Romano, la salle de cours n'était pas un grand, grand endroit avec des tribunes autour et des paniers de basket ou des cages de handball dedans? Non, je sais pas, parce qu'en fait, on avait une salle de cours qui était... En fait, la salle de cours de Romano, c'était un gymnase. Non, c'était au collège, elle était immense et au fond de la salle, il y avait une salle de table de ping-pong. C'est cool, ça. Et on avait un prof de français. Son truc, c'était, bon, aujourd'hui, je vous fais interro ou pas. Il prenait un élève, il disait, ouais, si tu me bats, il n'y a pas interro. Si je te bats, il y a interro. Donc, le cours commençait par une partie de ping-pong. Ouais, c'est ça. Bon, on faisait pas un match, genre, tu sais, c'était pas en 3-7 et tout ça. Ouais, rapide. On faisait en 5-6 points et nous, on encourageait notre pote. Bon, une fois sur deux, on se faisait baiser. Non, mais c'est marrant, ça. Ouais, mais au Saint-Terco, on jouait au ping-pong, tu vois. Ouais, pas mal. Il s'entraînait, les man. Ouais, mais ça va, oui. Si jouer au ping-pong avec un prof, viser les yeux, comme ça, ça limite, il file à l'infirmerie après, vous avez une matinée de rab. Non, par contre, j'avais un autre prof de français, c'était un peu plus tard au collège, lui, il venait avec une balle de tennis, et quand tu répondais mal, il te l'achetait dessus. Ouais. Bon, en primaire, comme toi, Aurélie, moi, j'avais un prof qui visait les élèves quand ils parlaient trop, et un jour, je vous ai déjà raconté, c'est ah, ça. Ah oui, oui. Il visait avec quoi? Avec une éponge. Et un jour, tu sais, mais les éponges dures, pour la craie, tout ça. Les brosses, ça s'appelle. Ouais, voilà, c'est ça, Romano. Merci. Oui, avec le truc, mou, et le truc en bois au-dessus. Ouais, c'était en plastique, je crois. Le truc en plastique. Bon. Non, mais c'était en quelle année, ça, man? Ça date un peu, j'étais en primaire. Quand tu parlais un peu trop, il te balançait le truc dessus. Moi, il me l'achetait dessus parce que je parlais tout le temps. Et j'ai vu qu'il me l'avait acheté dessus. Je baisse ma tête comme ça. Et à ce moment-là, la meuf qui était derrière pousse du bas, se met à chialer. Dans sa tronche, quoi. Drame au bahut. Attends, mais ça peut être dangereux. Et mort de rire. Ah oui, ouais. Bon. Du coup, tu t'es pris dans le nez, ton éponge? Non, c'était juste une porte. Non, c'était une porte de Quick, du coup, il voit pas les portes. Elle était transparente en verre. Bah ouais, mais tu sais, maintenant, elles sont toutes transparentes, c'est pas pour autant que tout le monde a ton nez. Moi, logiquement, quand je me déplace, les portes s'ouvrent devant moi. Pas ce jour-là. J'avais tapé l'esquive, là, Aurélie. Tapé le bib. Ah oui, puis notre petite compile, je sais pas si t'as entendu ce matin, c'était à 9h05, la compile, c'est tous les matins dans le morning. Non, j'ai pas écouté. Alors, ce matin, un prof bien taré. Alors, des profs bien tarés, on a fait une petite compile. Du monde entier. Bon, on a eu des profs qui, par exemple, un prof qui a fait, le numéro 1 de la compile, c'était l'américain, là. C'était même une prof américaine qui a été suspendue parce qu'elle avait fait un exercice de maths un petit peu bizarre. Alors, je vous lis l'énoncé. Si vous avez ça en maths, je suis sûr que ça va vous plaire. Ça va vous aider à progresser en maths. Marie, ça devrait te plaire. Ouais. Voici l'énoncé du problème. Dwayne est proxénète. Il a 3 prostituées. Si les services de chacune d'elles coûtent $85, combien de clients doivent-elles servir pour que Dwayne ait $800 par jour pour acheter de la cocaïne? Bah voilà. Non, mais elle est tarée. Un bon problème de maths. Bon, elle s'est fait virer, la pauvre. Ah bah, tu m'étonnes. C'est pas mal. Il y avait une prof aussi. Non, mais tu sais, bon, en soi, mais je suis sûr que les élèves, ils seraient plus intéressés si c'était des trucs. Bon, peut-être pas des trucs de pute, mais. C'est pas mal. Non, mais des trucs qui concernent, tu vois. Parce que ils te parlent de trucs, t'en bats les couilles. Au moins, là, bon, c'est un rapport à la vie, quoi. Un prof qui s'est foutu la honte aussi, toujours aux États-Unis, c'était en Californie, un prof de maths qui avait oublié d'éteindre son rétroprojecteur alors qu'il regardait des photos coquines. Non, mais ça a dû arriver en France aussi, obligé. Ouais, obligé, ouais. Toute la classe en a profité, pas mal. En France, il y a eu une prof qui s'est trompée, qui a envoyé un selfie à poil de elle à des élèves au lieu d'envoyer à son mec. Oh merde, putain. Ça aussi, c'est pas mal. Et sinon, c'est en Hollande, ça, je crois. Hein. Un élève qui s'était endormi en plein cours, le prof, énervé, pas content, prend l'extincteur incendie et se met à asperger l'élève. L'élève qui était asthmatique, se fait une crise d'asthme, finit à l'hôpital. Oh merde. Pays-Bas. Donc, des profs tarés, on en a pas mal. Tiens, toujours aux Pays-Bas, une prof de SVT qui pourrait expliquer l'anatomie à ses élèves. C'est carrément foutu à poil avec... Mais elle n'était pas à poil. Hein. Elle avait juste une combinaison avec toutes les parties du corps. Ouais, en fait, la combinaison, elle était imprimée avec le squelette et les organes. Voilà, les organes. Ah ouais, il y a plein de t-shirts comme ça, ouais. Comme le squelette que t'as dans les salles Oscar, là, il s'appelle. Exactement, Oscar. Ouais, putain, ouais. Vous avez pas entendu au Texas? Il s'appelle partout Oscar. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Au Texas, il y a une prof d'anglais qui a mis enceinte son élève de 13 ans. Bah, c'est bien. C'est mignon comme histoire. Et ouais, prof d'anglais, elle a été mise enceinte. Elle a été mise enceinte par son élève de 13 ans, ouais. Ah ouais, putain. Merci pour le message, Dex, sur SMS. Il y a eu l'histoire, aux États-Unis. La prof et l'élève. Elle est en prison et tout, et après ils se sont remis ensemble, ils ont fait des enfants. Ouais, plein d'enfants partout. Bah, tu vois, Romano, avec tes profs, t'aurais pu faire des petits trucs comme ça. Ah non, mais moi j'ai jamais eu envie. Toi qui étais tellement obsédé par le sexe que tu ne faisais plus d'études, tu serais sorti avec une prof, je sais pas, par exemple, ton prof œil de lynx. Et bah, peut-être que t'aurais été bon cours.

that's a far cry. I come alive in the fun time. I'm the competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you done. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Skyrock, Romano, Gilles Gland, tout irrité, Diffoul. Écoutez Skyrock, ça me détend le soir. Cédric. Ah, c'était trop, j'étais tout seul ma gueule. Marie. Ah bon, j'ai vu la nana qui s'est brûlé l'anus là en faisant un P. Samy. Combien Marie la photo de T1 et Karim. Karim est là aussi, t'es prêt ouais, Karim déjà... Diffoul Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Ouais, on est là, Radio Libre en direct au 01 53 40 30 20 avec Rihanna qui arrive. This is what you came for. Still the attention. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Salut les filles. Non, mais ça va pas, non. Et Pamela va chanter. Bicou les boys and girls. Ouais, Rihanna qui arrive avec This is what you came for, qu'on va écouter tout à l'heure sur Skyrock. Eh bien, bah dans moins d'une demi-heure, on se fait un petit riri. On l'a pas écouté cette semaine en plus. Riri arrive. Rihanna. Rihanna. Avec ses dreadlocks. Avec, putain, ouais, la gueule. Qui lui arrive au cul. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai pas vu sa nouvelle. Ce matin, on a, dans tous les matins, on a le loser du jour, la loseuse du jour, le winner ou la winneuse du jour, c'est à moins 10 de 8 heures. Ou les winners, les Ce matin, c'est la coiffeuse de Rihanna qu'on a élue loseuse du jour parce qu'elle lui a fait un truc. Elle fait des dreads. Moi, j'aime bien les dreads. En plus, je trouve ça mignon. Mais alors, des dreads. C'est moche, là. Qui vont... Ah, bah ouais, c'est moche. T'en as pas une qui a la même taille. Ça lui arrive au trou du cul. Enfin, c'est. Mais c'est un truc. On dirait qu'elle a un poulpe sur la tête, la pauvre Riri. Ah, donc, la loseuse du jour, c'était la coiffeuse de Riri. Mais c'est manqué. Ouais, mais elle est quand même winneuse parce que 1 900 $ par jour. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça, c'est vrai que. Elle a gagné quand même. Là-dessus, je veux bien lui faire n'importe quelle coupe de merde. Pas de problème. Si elle veut des poils de cul sur la tête. Je me les arrache quoi. 1900 euros par jour, elle gagne la coiffeuse de Rihanna là. Eh ben, on aura du Drake aussi. I need a one dance. Got a Hennessy in my life. One more time. I go. Higher powers. I fall on. I need a one dance. On aura du PNL. Bah tiens, PNL, j'ai choisi pour vous. Hier, on s'est mis ce soir, ce sera je suis QLF. On a fait écouter ça à Mac Miller, hein, elle a bien kiffé. Hein. Et puis le ghetto phénomène et Jul, et d'ailleurs des places pour Jul à gagner avant la fin de cette soirée, avant minuit, écoutez bien. C'est ça. Ma maman, il m'en faut, hein, Romano. Ah oui, beaucoup. Ghetto phénomène et Jul aussi à retrouver, on se mettra avant 11h. Les potes de Jul, on les salue, ils étaient venus à la place ou pas? Il reste de la place où? Pour les sons. Tu voulais quoi? Bah moi j'aime bien MHD là à Kelenta. Ouais moi aussi j'aime bien. Et la version de Joe j'adore aussi. Alors MHD t'aimes bien. Ce soir c'est ton jour, la cosse fait démarrer, on est tous dans la foule. Place pour LAV son jour maintenant. Demain LAV son jour. Ah demain matin ou demain soir. Pas de problème. LAV son jour, c'est le nouveau Gims, enfin le nouveau Niska avec Gims en featuring dessus. Et ça c'est MHD, mais on terminera avec MHD. Hey, ah, prochain qui nous demande le dernier Booba. On l'a mis lundi, mais on se le remettra, le dernier Booba. Moi, j'écouterais bien Andale. Non, mais on a plus de place là. Non, tu veux pas. Non, mais j'aime bien Andale, on l'a mis hier. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Andale, c'est Sadek et Gradure. C'est ça. Ouais, la Gradure qui était d'ailleurs tout à l'heure dans Planet Rap, le Gradure. Ouais, on s'est mis hier, on se le mettra demain aussi. Enfin bon, vous nous demandez des sons, on se les met, on se fait plaisir. C'est tous les soirs, c'est Radio Libre, c'est en direct sur Skyrock, c'est avec vous tous et vous toutes. Des réactions sur les profs, on a encore, mais d'abord, on va s'occuper des conseils de drague pour Gaëtan. Parce que depuis une heure, il y en a eu des messages pour Gaëtan. Ah, plein. Putain, sur les profs aussi. Hein. Gaëtan, direct du 78 et 16 ans. Donc tu veux pas nous dire ta ville pour rester discret, mais tu as rencontré une meuf qui avait les cheveux lisses. Ouais. Les cheveux bruns, qui étaient habillés classiques et que tu n'avais jamais vu dans le bahut. Vous êtes 800 dans le bahut. Hein. Ouais, et coup de foudre. Et t'as croisé là, blam, coup de foudre. Et ça, voilà, c'est. Exactement. Coup de foudre dans ta gueule, quoi. Bim, bom, bum. Voilà, coup de foudre. Coup de foudre. Non, mais surtout, ouais, tu la connais pas, tu connais pas son nom. Non. Enfin, bon. Alors, c'est... que faire dans ces cas-là pour draguer? Alors, il y a ceux qui sont partisans de la méthode super directe. Chris qui nous a laissé, un message. Je me suis dit, si je vais direct, c'est ce que je lui dis, quoi. Alex aussi, c'est vrai, bonne question. Déjà, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Hi. C'est... Parce qu'elle est jamais toute seule, tu vois, il y a toujours des gens à côté, alors. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les copines. Ouais, non. Putain, qu'est-ce que c'est que ce relou, là? Regarde. Non, mais ouais. Va pas te prendre une crampe devant tout le monde. Ouais, c'est possible. Vrai. À éviter. Faut la prendre à l'écart. Mets un jogging et tu bandes et tu la croises et tu lui montres. Bon, c'est bien ça, dis donc. Non, méthode. Ça, c'est super, la méthode pas de Foued sur SMS. Ouais. Merci Foued. Histoire de faire traquer le reste de l'année. Foued du 6-9. Salut Foued du 6-9. C'est la meuf, elle soit un peu populaire dans le bahut, elle connaît vachement de monde. Ouais, en plus, ouais. Elle est un peu cramée sur toute l'année. Ou alors, elle va voir le CPE. Ouais, putain, il y a un obsédé sexuel, il me bande son zizi, il est tout dur. Ouais, le mec est en train de bander. Il est tout dur, son zizi, sous son jogging. T'as pas envie de montrer ton Non, fais pas ça. Non. Dommage. Alors, il y a Sam qui voulait te donner des conseils. On va le prendre. Sam de Paris et 17 ans. Salut, Sam. Salut, Sam. Salut, les filles. Salut, les filles. Coucou, les boys and girls. Coucou, les boys and girls. Coucou, les boys and girls. Alors, Sam, qu'est-ce que t'avais comme conseil? Parce que toi, il t'est arrivé la même chose, là, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il m'est arrivé. Après, je sais pas. Moi, par exemple, c'est une fille en fait, qui était dans mon ancien lycée, en fait. Mm-hmm. Et en fait, ma cousine avait une amie. Mmh. Et cette amie-là connaissait cette fille-là. Et donc, du coup, par le biais de ma cousine, j'ai pu parler avec cette fille. Ouais, donc toi, t'as cherché quelqu'un qui la connaissait pour pouvoir rentrer en contact. Exactement. Toi, d'après c'est toi, ça. Personne ne la connaît, Gaëtan. Bah, peut-être, mais bon, faut que je le trouve, faut que je le cherche. Ah, mais renseigne-toi auprès de tes potes. Ouais. Après, sinon, si personne ne la connaît, moi, je te donnerai une technique, c'est est-ce que tu fumes déjà? Non. De la drogue, on parle, bien sûr. Je suis un sportif, moi. Non, cigarette, je parle cigarette. Ah, pardon, excuse-moi. Mais des cigarettes, pas de drogue, alors. Parce que, par exemple, si elle la fume, tu peux lui gratter une clope, lui parler un petit peu avec elle, etc. Quoi. C'est ouais, mais bien... le système de taper une clope, pas, en plus. J'ai l'impression que ça fait chier tout le monde. C'est quelqu'un qui arrive, dès que quelqu'un te demande une clope, t'as l'impression que c'est un relou. Hein, Romano, t'es relou, hein? Bah non. Bah attends. Ce matin, là. Non, mais ce matin, en fait, Romano, non, c'est vrai que t'es pas relou, tu demandes pas, toi. L'autre, il avait ses grosses... Enfin, ses grosses mains, non? Ouais, c'est toute petite. C'est toute petite main dans mon paquet de cigarettes. Je fais, qu'est-ce que tu fais, Romano? Rien. Je demande rien. Quelles font tes mains? Bah alors, tu vois, je suis pas un relou. C'est pas moi, c'est mes mains. Non, mais je suis pas un relou, puisque, tu vois, je t'interromps pas ni rien, je me sers, je te fais pas chier, tu vois. Non, c'est vrai, mais tu me voles. Et ça, c'est pas bien. Le vol, c'est mal. Bah par contre, moi, viens me gratter dans la rue, je dis toujours non. Ouais. Ça, c'est le début d'une embrouille, en général. Quelqu'un qui vient de gratter une clope, c'est une fois sur deux, t'as début d'une embrouille. Ouais, mais moi, je dis non, moi. C'est trop cher. Voilà. Non, trop cher. Donc, l'idée de la clope. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Demande un renseignement. Tu lances la converse. Genre, si t'as les cheveux longs, tu lui demandes un élastique, genre t'es en galère. Ah, Guilhem, 23 ans. Non. T'as pas les cheveux longs? Oui, tu peux pas le faire. Je vais demander, est-ce que si, genre, je veux la voir, si tu pourrais friter un chouchou? Alors, vas-y, redis, j'ai pas entendu. Genre, je vais la voir, je la prends à l'écart. Ouais. Et je lui demande, je lui dis que j'ai déjà croisé et tout, que j'aimerais bien faire sa connaissance et que je prends son numéro. Viens, on va aller dans un coin sombre. J'ai quelque chose à te demander. J'ai quelque chose à te montrer. Après, tu sais que les méthodes directes, si toi t'as eu, tu vois, si elle, toi t'as kiffé sur elle et qu'elle, elle a kiffé sur toi, une méthode directe, ça marche. Ouais. Après, au moins t'es fixé tout de suite. Si elle a pas kiffé, ça marche pas. Après, il y a toujours la méthode des soirées, tu vois. S'il y a une soirée avec des potes. Ah, mais comme tu la connais pas, tu vas pas arriver vers la meuf. Ouais. Quoique, on fait une soirée au bahut. Je sais jamais. Ouais, tu veux pas venir, t'as l'air sympa. Donne-moi ton nom, je te rajoute sur la liste. Sur la guest list. Ouais, donc ouais, c'est vrai. Je te fais rentrer VIP. Et après, t'attaques, tranquille. Bah, tu sais, il y a Michael. Bon, tout à l'heure, nous, on avait dit que ça nous plaisait moyen comme méthode, mais Michael. Vas-y, Michael. Lui, il nous dit, moi, c'est un pion qui est venu me voir pour une meuf à qui je plaisais. Résultat, je suis resté 7 mois avec. Bah, tu vois. Comme quoi? L'idée du. Moi, on n'aimait pas trop cette idée, toi non plus, t'aimais pas trop Guette. Un messager comme ça, ça fait le mec qui veut pas les voir, quoi. Moi, j'aime pas non plus, ça fait le mec, oui, c'est ça, exactement ça. Moi, franchement, je reste sur la méthode de base, c'est d'aller voir un pion avec qui tu t'entends pas trop mal, de lui dire, ouais, j'ai perdu une meuf, est-ce que t'as pas moyen que tu de voir les photos pour avoir son nom, quoi. Comment elle s'appelle, voilà, tout ça, tu demandes. Ou alors, il y a le truc de Facebook, là, Spotted. Ouais. Spotted, oui. Pour la localiser dans ton bahut, tu vois. Le Spotted vole lui son carnet de correspondance pour récupérer son numéro. Bah, super. Ça va avec l'idée de vole lui son sac et rend lui en disant tu l'as trouvé. Genre, elle a l'impression que tu lui rends service alors que c'est toi qui es à l'origine de ses problèmes. Chaud, ça, si tu te fais choper, c'est chaud. Si tu te fais choper entre le moment où tu le voles avant de lui rendre, là, oui, il y a un problème. Ouais, te prendre pour un dingue. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ça peut te poser des problèmes. Hein. Ah, c'est vrai, on lui dit, c'est vrai que c'est pas con non plus. Mmh. T'as regardé, sur Smax, les trucs comme ça, si la meuf elle est pas dessus. Ah. Tiens, tu mets la géolocalisation pour un peu. Exactement, j'ai vu les messages. Elle est pas dessus. T'as regardé, bien joué. Je suis sûr, non, j'ai pas regardé, mais je suis sûr. C'est les gens que tu croises et tout, là, ouais. Ouais, sinon, il y a le tapli, à peine, là. Ouais. ASPN. Moi, j'ai une méthode. En fait, des gens que tu croises, ça t'envoie des trucs comme quoi tu les as croisés. Exactement. Ouais. Dolce Gabbana qui nous dit, moi, j'ai une méthode pour serrer une meuf. C'est assez simple. Il suffit de sortir toujours une grosse liasse de billets de ton portefeuille. Et tu vas voir, elle va venir te voir. Ouais, c'est toute démichetonneuse. N'importe quoi. Non, mais avec certaines, ça marche. Ouais, mais bon. Ouais. Non, mais, si ça marche avec elle, Je vais faire un test, j'ai tiré de l'argent. Pas à cet âge-là. J'ai tiré de l'argent tout à l'heure. Ouais, bah, y a pas d'âge pour michetonner, hein. Alors. Vas-y, fais un striptease, Romano. J'ai tiré un peu d'argent. Ah putain, attends, je vais me mettre à poil. Tu dirais qu'on passe un moment ensemble, dit full. Et t'as vu, ça marche. Tu veux pas que je te montre mon petit zizi? T'as vu, ça marche, Gaëtan. Il y a combien? Je sors une liasse de billets, là. Romano aussi, l'argent. Au moins 300 balles, 300, 400 euros. Non, j'ai 300 euros. Ah bah ouais, bah il y en a, ça va. Ça va, il y en a, ils vivent. Non, mais il y en a, ils connaissent pas la crise. Je tire une fois par mois, 300 balles. Une fois par semaine. Non. Une fois par jour. Vous êtes fous. Bon. Donc, cette idée, elle est pas mal. Il y en a qui pèsent. Celui-là. Ouais, mais faut la retrouver. De toute façon, tu la retrouveras maintenant. 300 euros, c'est même pas mon salaire mensuel, alors. Ah, l'autre, t'en mets n'importe quoi. C'est normal, c'est moi qui prends tout. Bon, c'est Sam, pas mal ta méthode, Sam. Et donc, toi, t'es sorti avec elle. Sam, et tu. Ouais. Ah. Sam, donc, tu es sorti avec elle. C'est ça, ouais. Donc ça marche. Adrien, il est là. Tiens, on va le prendre avec nous en direct de Palaiseau. T'es là, Adrien? Ouais, je suis là, l'équipe. Bienvenue à toi. Salut, Adrien. Salut, Adrien. T'as 19 ans, toi, et à Palaiseau. C'est ça. Palaiseau, c'est 91, c'est ça, non? Ouais. Parce qu'on a offert aussi 1500 euros dans le 91. Je me demande si c'est pas ce matin. J'ai entendu ce matin. Si, il me semble que c'était ce matin, ouais. Eh ouais. C'est tombé plusieurs fois dans le 91, hein, les 1500 euros depuis la rentrée, là. 1500 euros pour le 91 ce matin. Malheureusement, c'était pas toi. Et non. Ah, écoute, ce sera peut-être. Eh ouais, c'était pas toi non plus, Romano. Je sais bien. Eh ouais. Ça retombera peut-être, peut-être demain matin. Soyez là demain matin, entre 6h et 9h. Magnifique. Ouais. Et 1500 euros, c'est beau. Ah, magnifique. Alors, quelle est ta méthode, Adrien? Le petit conseil que tu peux donner à Gaëtan. Et après, je vous expliquerai ce qu'on va faire pour le clash de la drague de ce soir. Romano a une idée géniale. Waouh. Je crois que c'est même pas moi qui l'ai eu d'ailleurs. Ah non, c'est moi. J'ai une idée géniale. Non, quelle question. Ça ne peut être que du full. Je suis bête, moi, de penser que d'autres membres de l'équipe peuvent avoir des idées géniales à part moi. C'est quand même un truc. Mais franchement, Ah, comme je suis modeste. C'est clair. Hallucinant. Et intelligent ce soir. Alors, Adrien, tu es intelligent, mais on a quand même besoin de méthode pour Gaëtan. Heureusement que tu es là. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? Bah, moi, c'est un truc tout bête parce qu'en fait, ça m'avait arrivé. Donc c'est tout bête, mais c'est tout bête comment? Ça t'était arrivé. Bah, comme Cédric. Ouais, non, comme Marie. Intelligent quand même. Dur. Quoi? Non, je sais, il y a Marie, elle comprend rien. Ouais. Complètement la ravache. Dis-nous. Non, mais en gros, tu vois, genre... En gros, comment? Comme Cédric ou comme Marie? Ouais. Mais lâche-moi la grappe, toi. Non, ouais. Lâche-moi en vrai, la genre, grappe. Je voyais qu'elle fumait devant le lycée. Mmh. Du coup, je suis allé lui taxer son feu. Et du coup, après, je lui avais demandé son prénom, son nom, tout ça. Et après, j'ai pas fait le gros charreau qu'à regarder sur Internet, Facebook direct, le soir même. J'ai attendu un peu, j'ai fait quelques jeux de regard, tout ça. Après, au final, genre une semaine après, je l'ai invité sur Facebook, on a parlé. Mmh. Et vas-y, après, au final, j'ai appris qu'elle avait un mec. Ah, yeah. Du coup, j'ai pas perdu mon temps. Au final, j'ai serré sa pote, quoi. Ah bah voilà, ça t'a quand même amené à la pote. Un plan B. Pas mal, c'est déjà mieux que rien. Ouais. Non mais c'est vrai. Que rien, franchement, en plus ça a été belle tout ça. Franchement, il y a. Mais t'as dit un truc pas con, parce que tout à l'heure, tu sais, on parlait de la cigarette. Demander une cigarette, c'est vrai, c'est toujours, c'est synonyme un peu d'embrouille. C'est pas bon. Par contre, demander du feu, ça passe. Ouais, bah c'est ouais. Vrai. Parce que le pire, si lui il fume pas après, il peut dire que c'est pour un pote ou un bail comme ça. Ou l'heure. Non, non, c'est bon. Vrai. Oui. Je tape une petite cigarette exceptionnellement pour ce moment-là, mais enfin bon, s'il peut éviter, c'est pas plus mal. Mais Ouais, non, mais après, si t'allumes la clope et que tu tousses comme un con, si t'as jamais fumé. Ah ouais, t'as l'air con. Ça, t'es pas servi pour un connard. Tu as dit, tu peux être marrant en disant que c'était juste une excuse pour te parler. Oh, et là, genre. C'est idiot. Bah, c'est toi, ouais, mais j'ai très, quand même. Oui. Si t'as pas l'habitude de fumer, ouais, oui, tu vas c'est pas clair. Un connard. Lohan, il nous propose, lui, Lohan des Yvelines, qui a comme toi, Gaëtan, elle est dans le 78, qui nous, qui propose de demander carrément une capote. Pas mal. Non, mais. Plutôt que de demander une cigarette, Greg nous propose de demander une pipe, ça peut être. Bah voilà, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est bien ça. Non, mais jamais de la vie. C'est pas... bah, attends, on reste dans le tabac, Marie. On reste dans le tabac. Ouais, pipe, cigarette. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Ouais, lui demander de l'aide pour des cours, ça s'est revenu à plein de reprises, mais que tu sais même ouais, pas. Ouais, mais je sais pas aller en quelle classe. Tu es en seconde et que tu lui demandes de l'aide. Ouais. Et toi t'es en première, donc t'es en première. T'as l'air con aussi. Bah tu passes pour un idiot. Ouais, tu demandes clair. De l'aide d'une seconde, mais enfin bon, pourquoi pas. Chercher le regard de la meuf, croiser le regard, les yeux de regard, ça marche. C'est le message de Funzy qui nous dit cherche le regard de la meuf et chercher le regard de la meuf, ça marche. C'est le message de Portugal Represent, Portugal RPZ. Portugal. Salut Portugal RPZ. Viva Portugal. Oui. Bon bah écoute. Bah après, mais en plus tu vois, genre une fois qu'il allait la voir la première fois, ouais. Après faut quand il la croise le matin ou je sais pas quand, faut qu'il lui fasse la bise, tout ça comme si se parlait depuis longtemps, tu vois. Ah, tout de suite comme ça, pam. Non, mais genre, en fait, tu vois, il parle avec elle, une fois qu'il lui a demandé son feu ou je sais pas quoi, il parle un peu avec elle. Ouais, genre, faut vite enclencher derrière, en fait, faut pas laisser le... Ouais. Ouais, voilà, il lui dit salut, ça va. Ah oui, et puis genre, à partir du lendemain, il peut lui dire bonjour, il est claqué la bise. Ouais, genre, tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Oui, parce que si tu la connais nulle part, et là, t'arrives, tu lui tapes la bise, et ben, viens. Ça le fait pas, non. Mais t'es qui, toi? Demande-lui un peu de blush ou de rouge à lèvres pour te refaire le maquillage. Ah, super, quelle bonne idée, ouais. T'es métro sexuel, tu lui dis ouais. Un peu de parfum aussi. Tu n'as pas un peu de. Mais t'aurais pas vu de parfum parce que je pue. Parfum de meuf. J'ai eu sport, je pue, mais c'est incroyable. Bon, tu vas faire quoi, Gaëtan, après les conseils d'Adrien, après tous les messages qu'on t'a lus, les conseils de l'équipe, les conseils de Sam également? Qu'est-ce que tu vas. Comment tu vas gérer l'histoire? Bah, je pense soit je vais demander à des potes voir s'ils la connaissent ou pas, ouais. Soit je vais porter mes couilles. Ah, tu prends l'idée de porter. Il y en a plein qui nous ont dit porter les couilles, non, mais y aller directement. Ouais. Non, mais par contre, prends-la à l'écart. Hein. Ouais, genre tu vois, je lui demande, je lui dis si je peux lui parler 30 secondes et tout. Et puis... Ouais, pourquoi pas, hein. Écoute, tiens-nous au courant, en tout cas. C'est intéressant ta story, parce que c'est vrai qu'on avait rarement eu quelqu'un que vous connaissiez pas comme ça dans un bahut, et comment faire pour l'aborder. Ouais, mais regarde quand même sur Facebook et tout ça, là. On va te suivre, voir l'évolution du truc. Oui, on te suit. Okay. Oui. Mais après, c'est chaud s'il envoie un pote à lui, hein. Non, mais ça, je sais pas. Non, j'ai un pote. Non, je pense que je vais y aller tout seul. Ouais, je fais primaire. Imagine la meuf, et après, elle est attirée par son pote et tout, Non, puis faut pas faire ça, tu passes pour un con. Ouais, en plus. En primaire, ça passe. Ouais, il est amoureux de toi. En revanche, une copine, si elle peut se faire copine avec les copines, tu vois, au moins l'enquête, quoi. Pour avoir des renseignements, mais pas pour faire messager voilà. À ta place. Moi, j'aime pas les messagers. Non, clairement pas, non. Et sinon, il y a Bifle qui nous laisse un message. Salut Bifle, très beau pseudo. Pourquoi pas aller la voir, lui dire je connais rien de toi, mais hier j'ai appelé Sky, la radio, pour savoir comment t'aborder. Et juste derrière, tu discutes, t'enchaînes. Et si tu lui plais, je pense que ça va la faire sourire. Ouais, et si tu lui plais pas, tu seras fixé tout de suite. Ouais. Voilà. Ah oui. Tu vas le voir. Oui, de toute façon, dans toutes tes techniques, tu seras vite fixé. Hein. Et il y a Popopopo Yomax qui nous donne une petite solution. Tu fais le mec qui bégaye un peu, genre qui est timide, parce que la timidité, ça marche. Tu lui fais salut, tu veux voir ma batte de baseball. Ouais, ça sent faire exprès, je pense. Hein. N'importe quoi. Bon, c'était l'idée de Popo Yomax, là. Bon, eh bien, écoutez, s'il y a d'autres idées, tu restes à l'écoute, Gaëtan, on en reparlera. Hein. Ok, pas de problème. Et puis, de toute merci façon, beaucoup. On prendra les nouvelles et on t'envoie le t-shirt Skyrock. Les ok, merci beaucoup. Donc, tu le mets au bahut, les filles. Si vous voyez un mec dans le 78 au bahut avec un t-shirt Skyrock. Et ouais, c'est moi. Et c'est lui. C'est Gaëtan. Même chose pour toi, Sam. On t'envoie le t-shirt Sky à Paris, à la maison. Merci, Sam, du coup. Ok. Fil. Et puis, pour Adrien. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Vas-y, fais tout péter. Passe donc. Passe. Ok, je fais une dédicace à Maxence, Jules, Jeanne, Tanguy, Thomas. Et puis voilà. Très bien. Et ben, écoute, bisous à tout le monde. Moi, je peux passer un petit message. À tout le monde. Message, vas-y aussi, ouais. Merci à Marie de m'avoir pris à l'antenne. Et puis, courage à Cédric. Et bon établissement à lui. Exactement. Ah bah c'est cool. Cédric, bon établissement, ouais. Qui va bien, il a tout. À part sa clavicule cassée, ça va mieux. Et ses quatre côtes. Et ses quatre côtes, il a une petite chiassouille, mais ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Il est sorti de l'hôpital hier. Ouais. Okay. Par contre, la chiasse, il l'avait encore. Ça, oui, non, mais la chiasse, je pense que c'est à vie. Hein. Ouais, les médecins ont dit, ça, on peut rien faire pour vous. C'est dans vos gènes. Le seul mec qui a une chiasse chronique. Ah, c'est ça. Bravo. Les ouais. La chiasse perpétuelle. Ouais. Eh ben, merci à vous. Merci, Adrien. Merci, Sam. Et bis à toi, Gaëtan. Merci beaucoup. Et bon courage, et on suit. Et enfin, news. Bah tiens, dans un instant, on va rester au bahut. Si vous avez des souvenirs de profs complètement amochés, si vous avez des profs complètement amochés actuellement, vos témoignages arrivent. On aura Kenny. Il est en internat. Ouais. Non, on cartonne sur les internats cette semaine. Kenny, il faut le prendre tout de suite. Ouais, parce qu'il y a le pion là qui. Il y a le couvre-feu. Ouais. Ouais, parce que lui, Kenny, ils ont fait une blague à un de leurs profs venant d'un autre prof. Ok, bah tu vas nous. Bah, Kenny, on va te prendre tout de suite comme ça tu sais. J'espère que ça sera un peu plus clair que ce que vient de nous dire Marie. C'est pour ça qu'on va le prendre, Romano. Il a fait une blague à un prof d'un autre prof, oui. Des cousins du. Une blague. Salut Kenny. Coucou. Oui. Salut Kenny. Et dans un instant, je vous explique ce qu'on fait pour le clash de ce soir. En l'absence de Cédric, il y a quelqu'un qui va être chargé de représenter Cédric contre Romano. Attention. Kenny, dis-nous pour les profs là. Alors, il y a deux semaines. Ouais. Mais il y a eu un petit problème. Non, c'est pas un problème. C'est le prof, il s'est endormi dans son bureau. Ça, c'est cool, ça. Parce que si vous le laissez bien dormir, vous êtes tranquille au moins pendant 2-3 heures. Ouais, c'est clair, le mec ronfle. Mais dans son bureau, comment? C'était pas en salle de cours, c'était dans un bureau, la salle des profs, quoi. Non, c'était genre à 17h, on avait fini les cours avec lui. Ouais. Genre, il est remonté dans son bureau. Mm-hmm. Et puis, il y a un de nos profs qui nous a dit qu'il s'est endormi directement parce qu'il était tellement pété et tout. Tellement quoi, pété? Crevé. Ouais, voilà. Ouais, il devait être pété. Nous, jusqu'à... Ah non, c'était pas à 17h. Je crois que c'était juste... Comment? Je ne comprends absolument rien. Je comprends que Marie n'ait rien compris. J'avais bien compris, moi, au début. Trompé d'heure. Ah, écoute, et alors c'est... Oui, c'est pas très important, mais c'est un petit en fait détail. Ils ont fini. Bon alors, je résume pour le moment ce que j'ai compris du début de l'histoire. Oui. Ils ont fini les cours. Le prof est remonté dans son bureau et le prof en fait s'est endormi dans son bureau. Là, il y a un autre prof qui est venu voir Kenny et ses potes, qui leur a dit "Oh, l'autre, il est en train de dormir." Oui. On en est resté là. Et la suite. Mais c'était pas 17h, mais 16h40. Voilà. 48. Précisément. Ouais. Et 24 secondes. Voilà, oui. Alors. Et genre, il s'est endormi. Donc on en était resté là. Oui, il est resté jusqu'à 20h, on va dire jusqu'à 20h ou 21h, 20h, je sais plus. Le mec s'est fait une bonne sieste quand même. Hein. Ouais, voilà. Et puis, il s'est endormi. Et puis, à la fin, je sais pas, il y a eu un réveil, on a eu un test d'alarme. Ah, incendie. Exercice incendie, ouais. Non, on fait souvent ça en début d'année. Ouais. Un réveil en douceur, tu vois. C'est... Mais lui, il le fait en pleine nuit. Et en fait, il s'est réveillé au moment où il a entendu l'alarme. What the dieu. Et puis en fait, il s'est réveillé, il a dit « Mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Et puis, genre deux secondes après, dans l'internat, nous, on avait entendu une voiture partir. Mais on ne savait pas si c'était le directeur, parce que lui aussi part un peu plus tard. Mm-hmm. Oui, parce que je baisse ma secrétaire. La secrétaire, oui. Bobonne. Et après, je retrouve Bobonne. J'en peux plus de Bobonne, donc ça doit arriver, ça, en plus. Oh, c'est clair. Bah oui. Et puis, voilà. Et puis le lendemain, il y a un de nos profs, il vient, il nous fait « Ouais, hier... Ben, le prof s'est endormi dans son bureau et tout. Donc, dès que vous allez la voir, genre, après la pause, vous allez faire tout semblant de dormir sur la table. Et puis, en fait, on s'est tous endormis, on a rien dit quand il est arrivé. En fait, il devait écrire un truc au tableau. Et là, il s'est retourné et tout le monde était couché sur la table. Ouais, voilà. Et puis, en fait, quand il s'est retourné, il l'a mal pris. Il a dit « Ah ouais, vous faites comme ça. » Ah ben, sortie de copine. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Franchement, remercie l'autre prof qui t'a donné l'idée. Hein. Trop bonne. C'est vengé, quoi. La blague, dis donc. En fait, après, il y a le directeur, il était au courant avec la secrétaire, donc ils sont arrivés au même moment. Et ils ont dit « Ouais, mais en fait, c'était une blague. » Et au bout d'un moment, le prof, il s'est senti con, en fait. Humour. Et l'humour de prof, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. C'est super. Eh bien, merci Kenny. Tu salues tout l'internat pour nous. L'internat à Angoulême. Salut l'internat. Et salut le pion aussi qui est à ta recherche. Ne le cherche plus. Il était sur Skyrock, Kenny. Salut Kenny. Bise. Salut. Salut à toi. Et vous aussi, vous voulez passer, vous nous appelez, vous nous passez un coup de fil. Et dans un instant, pour le clash de la drague. Alors, l'idée géniale que j'ai eue. Ah, bah tiens, attends, juste un truc. Oui. Courage aux beaux gosses. Oui. De Diffoul, le meilleur. Parce que ce soir, ils ont un exercice attentat entre 1h et 3h du matin. Où? Dans le bahut. Ah ouais? Ah non, mais à l'internat, c'est ça. C'est genre évacuation. Exercice incendie, nous, c'était en pleine nuit, vers 3-4h du matin, ils réveillaient tout le monde. Ouais, nous pareil, ouais. Et rassemblement, tu sais, au point de ralliement pour au cas où il y a un incendie ou quoi que ce soit. Et tu sens en chemise de nuit. Enfin, avec les couvertures et tout. Ouais. Regarde, Romano, j'ai préparé un chapeau. Un chapeau bleu-blanc-rouge. Wow. Ah ouais. Et dans le chapeau bleu-blanc-rouge, j'ai mis les noms des membres de l'équipe, sauf toi.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Rihanna et Calvin Harris, This is what you came for. Diffoul, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Un came for, c'est comme les caméras porno dont on parlait hier. Ouais, ouais, les réseaux, la Bazooka, mes compagnies. Oui, c'est ça, came for. Pour faire des shows. Rihanna, Calvin Harris, tout à l'heure, Ghetto Phénomène et Jul, PNL aussi à écouter, du rap français, du rap de Marseille, du rap, de, du rap parisien, la région parisienne. 91 PNL, non? Ouais, c'est ça, ouais. 9-1. Et puis du Drake également, alors ça vient carrément de l'autre côté de l'Atlantique, du Canada. Drake a écouté avant minuit. Et on a promis aussi du MHD à écouter, tiens. On se finira la soirée avec MHD tout à l'heure. Et du Jul a gagné dans la roulette, n'oubliez pas. Et là, Romano, il est avec son chapeau, il va faire un tirage au sort. J'étuille. Oui, parce que ce soir, nous allons clasher. Clash de la drague, est-ce que les familles sont prêtes? Ouais, chaud bouillante. On a testé les familles, on a repéré des familles qui répondent dans l'annuaire et dans toute la France. Non. Et avant ça, il faut trouver un adversaire à Romano ce soir, car je vous rappelle que Cédric a toujours sa clavicule cassée. Ouais, puis là, il doit être en train de ronfler. Oui, comme un bon Cédric. Comme un bon goré. Ah ouais, exactement. Bon. Et donc, faut le remplacer ce soir. Qui va... C'est bien, ça fait du changement dans le clash, j'aime bien. Qui va jouer? Moi, ouais, j'aime pas trop le changement, parce que la dernière fois, je me suis fait baiser à cause du changement. Je préfère autant garder Cédric. Je t'avais baisé, ouais, c'est vrai. Ouais, bon, avant, je vous avais bien baisé, à deux, à ouais, trois. Mais je t'avais baisé. Alors, attention. Karim, il est content parce qu'il a gagné un clash vendredi ouais. dernier. Ouais. C'est bon. Le premier que t'as gagné. Ouais. Non, on avait gagné une fois avec Jackie et Michel. Ouais, bah ouais, on t'avait gagné. L'équipe Samy, Karim, ouais. T'avais déjà battu. Jackie Michel, rappelle-toi. Ouais, Michel, il y a combien de temps hein? Il y a 6 mois. Oui, la dernière fois que le Belge s'est pas réveillé. Ou... Même pas, c'est à 4 mois, je crois. Ouais, bien sûr, c'était il y a une semaine. Ouais, c'est à 3 jours. De merde. Alors. Attends, le tirage est en live sur les réseaux sociaux, comme ça, il n'y a pas de. Ouais, alors, Facebook Live et Periscope. Pour que vous puissiez vérifier qu'il n'y a aucune tricherie. Alors, je vais montrer les petits bulletins, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Tu montres les petits bulletins. Donc, il y a 4 petits bulletins avec un bulletin. Écrit. Il y en a un, Diffoul. C'est moi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est toi. Ouais. Je les mets en boulette. Putain, il est beau ton bulletin. Toi. Mais bien sûr, c'est le plus beau. Il y en a un deuxième, c'est Marie. Marie, ouais. Magnifique. Marie. La belle Marie. Magnifique. Hop. Le troisième, il faut filmer le bulletin parce que sinon, il n'y en a aucun intérêt. Ah, Karim est le troisième. Troisième bulletin. Donc ça, c'est bon. Karim, et celui qui t'a battu, je crois. Hein. Là, on va voir s'il y a. Oui, bah une fois, ouais. Bon, ça arrive. Hein. Et dernier, Samy. Voilà, c'est bon. Que j'ai bien baisé. Ouais, c'est bon. Mais Karim, je l'ai bien baisé aussi plusieurs fois avant qu'il me baise. Alors donne-moi le chapeau, Romano. Je vais le secouer pour pas qu'il triche. Je tuille. Hop là, ça tuille. Comme ça, tuille. Je le fais les yeux fermés, comme ça, il n'y aura pas un truc, t'as repéré un butin. Romano ferme ses yeux à lunettes. Voilà, je ferme mes yeux. À lunettes et tu tires au sort ton adversaire. Profitez-en pour me toucher. Oui. Alors, attention. Attention, j'ai tiré le bulletin. Il a tiré le bulletin et qui va jouer contre toi? Attention, je l'ouvre. Oui. Suspense. Bah, il a déchiré, quoi. Non, j'ai pas déchiré du tout, Marie. Non, il est moche, le bulletin. Ah, bah, c'est toi, Marie. Ah non! Aïe, merde. Oh là là, le pire de ce qui pouvait arriver, Romano. Oh, la Marie dans le clash de la drague. Bon. Vous pouvez m'arriver à moi même. Aïe, Marie, je Marie, voilà. Tant pis. Ah oh, non. Bon, bah, Marie contre Romano, ça c'est du match ce soir. Eh, Romano, est-ce que t'es en panique un peu ou non, il est content là, regarde. Non, mais Marie a des fans, hein. Alors, faut trouver une méthode pour Marie, puis on va le faire tout de suite le clash, parce qu'il est quand même en quoi 11h-20 déjà. Bah ouais. Et ouais. C'est genre, je l'aurais bien fait en mode Pamela, mais bon. Bah tu peux, hein. Ah, c'est bien ça, vas-y, ouais. C'est un clash de femmes, alors. Bah ouais. Premier clash de la drague où il y a des filles. Ah, il faut que j'appelle Pamela, parce que je crois qu'elle est en train de se faire toucher dans les... Par Romain des réseaux sociaux, ouais. Non, je crois qu'elle veut pas. Ah merde. Vas-y Marie, tu es trop puissante, nous dit Nonouille. Ouais, bah, t'y crois toi. Jul nous fait raison de plus pour voter Romano. Mort de rire. Désolé. Merci. Marie. Sympa. Trop fort, Marie, super. Pour Yellowman76. Trop fort Marie contre Romano. Clash exclusif. T'as raison, clash exclusif. Momo. Salut Momo. mot pour ton message. Bonjour les réseaux sociaux. Vas-y, Mario. Ah, c'est Facebook Live. Bonjour Facebook Live. Skyrock FM pour te suivre sur tous les réseaux. Snap, Facebook, tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu regardes, Romano? Non, mais je regarde les cœurs qui apparaissent. Quand j'apparais, il y a beaucoup plus de cœurs. Ouais. Attends, je disparais, tu me dis s'il y a des cœurs. Bonjour, je disparais. Allez, plus rien là. Et là, je reviens. Oh là là, les cœurs. Mais tellement il y a de cœurs, on voit même plus l'écran. Ah, on voit des cœurs. Ah, c'est la folie. Ça sort du téléphone. Ah, des cœurs. Eh, fais gaffe, Romano, je vois les messages qui arrivent. Regarde. Soso, 19 ans, je vote Marie. Alex, attendez qu'elle joue. Alexandra du 83, à fond derrière la Marie. Jibi du Sénégal, 26 ans, je vote Marie. Marie va te baiser, petit chauve, message de Loïc. Allez, Marie, pour El Blanco. T'as, il me faut de la force, je flippe. Ouais, PSG 77. Ah, ça va, Marie, tu joues. Face à toi. Si, elle joue sa vie. Le clash de la drague, c'est jouer sa vie à chaque fois. J'ai l'impression que. Ça va, je vais dormir cette nuit. Hein, ah, bah, j'espère. Mais... Bah, avec tout ça, je serais bourré, donc j'ai pas senti. Olive d'Espagne. Ah, non, ça c'est pour toi, Romano. Toute l'Espagne te soutient, Romano. Ah, oui, j'ai ma team espagnole, c'est vrai. Hey, grave. Hey, viva Espagne, fille. Hey, chica, chica, chic. Aïe, aïe, aïe. Chica, chica, chic. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Bon, on va. Ah, bah, vas-y, Marie, trouve une méthode et puis on y va. Hein. Tu l'as ta méthode, Marie? Je pense que je l'ai, ouais. Surtout, je rappelle Cédric qui vient de m'appeler. Ah, bah. Mais trop tard, Marie. Non, mais Marie, trouve ta méthode. Ça y est, je l'ai. Ah, t'as ta méthode. Ah, ouais, ta méthode du Cédric. Mais tu sais qu'on ne comprend absolument rien ce que tu dis, Marie. Non, c'est depuis le début. Cédric vient de m'appeler, c'est pour ça. Non, on comprend rien, mais. Tu sais, Marie. J'ai ma méthode. Elle te sort des mots, méthode, Cédric, téléphone, hier. Non, mais j'ai eu direct ma méthode. Je l'ai. Alors, ta méthode, Marie, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, j'ai le dos bloqué, je suis toute seule et il faudrait qu'on me débloque un peu le dos. Pas mal, Marie. Ah, c'est bien ça, ouais. Pas mal, la méthode. Pas mal. Elle va tous s'écharmer avec sa voix. Romano, tu vas perdre ton clash. T'as tout le. Romano, attention, hein. Attention de quoi? Enfin bon, il y a Toshi qui nous dit Romano contre Marie. Bon bah c'est plié, c'est sûr qu'il va gagner à 86%. Non, pas sûr. Bon, on verra de toute façon. Bon, allez Romano de Boston, les States sont avec toi. Yeah nigga. Salut Diego. Yeah nigga. Yeah nigga. Ah, parce que le matin on a un Américain avec nous. Ouais. Des infos. Ouais, l'Américain. Ah, ouais. Attends, un Américain de Vernon. en Normandie. Mais ouais, c'est lui. Hey, yeah man. Hey, yeah man. C'est bling bling. Ah ouais, c'est ça. Yeah man. Alors, Marie, elle a sa méthode, Romano, la tienne. Moi, j'ai des hémorroïdes, j'ai mal au cul, il faudrait me les lécher. Pourquoi faire? Bah, pour calmer la douleur. Calmer la douleur, bah attends. Il existe des crèmes, sinon. Non, mais je préfère les méthodes bio. Ouais, bio. C'est bio avec la bouche. Ouais. Allez, attention, ça va être un carnage. Parti. Pauvre Marie nous dit FND du 21-19 ans. Allez, c'est parti. Pamela est là ou pas? Bonsoir. Ah, c'est toi qui as des hémorroïdes. J'ai une grappe de raisin au cul. Oh. Ah ouais, désolé. Je me suis tellement fait enculer. Tu sais que c'est de saison. Oui, je sais, mais bon, c'est les vendanges. C'est les vendanges. Ah, c'est ma grappe. Faut lui vendanger le trou de balle à Pamela. Ah oui, vendangez-moi tout ça. Ouais. Donc, pour la première fois, un clash 100% fille dans la radio libre. C'est parti, Marie. Pamela, je te laisse la place. Et merci, Romano. Romano, ça te fait pas chier de laisser la place à Pamela? Non, mais Pamela, c'est une pote. C'est bien un match de filles. Ouais, entre nous. Ouais, c'est clair. Allez, on y va, on commence par la je Marie. Je vais tirer les cheveux. On appelle, Pascal, Marie, pour commencer. Pascal, première famille tirée au sort et qui va participer au clash de la drague. Et il a de la chance, Pascal, il va avoir la Marie au téléphone. Et voilà. Ça, c'est trop sexe. Ça n'a pas de prix. Ouais, faut s'y allez, Marie. Fou, les messages, c'est de la folie. Allez, merci. Hein. Alors... Pascal est là. Allô? Oui. Allô, Pascal? Oui. Bonsoir, Pascal. Comment ça va? C'est Marie au téléphone. C'est? Tu m'entends? C'est Marie au téléphone. Dis-moi, j'habite pas très loin de chez toi, j'ai un gros problème, je suis bloquée du dos et je voulais savoir, parce que je suis toute seule, je voulais savoir si tu pouvais me débloquer le dos. Est-ce que je peux venir? C'est qui? C'est une de tes voisines. Je voulais savoir si, si je pouvais venir chez toi pour que tu me débloques le dos. Marie, comment? Bah, Marie. Marie-Marise. C'est quoi ce pseudo? Marie-Marise, laisse-lui faire son pseudo qu'elle veut. Mais j'aurais juste besoin, en fait, que tu me détendes le dos. Est-ce que c'est possible que je vienne la vie fait chez toi? Je connais pas. Désolé. Bah, c'est pas grave, mais comme ça, je viens et puis je. Je connais pas. Je connais pas. Désolé. Je te détends la bite. Et puis après, je te détends la bite. Ah, c'est bien. Après mon dos. J'arrive tout de suite. Bonne soirée. Voilà. Mais non, mais je viens. Ah bah merde alors. C'est râteau, ça, quand même. J'arrive. Putain, tu représentes bien Cédric. Non, mais il est parti. Merde. Pascal, je crois qu'il s'en bat les couilles. Il est parti. Mais merde, il est parti, Pascal. C'était pas mal, Marie, tu sais. Ouais, bah j'essaye. Hein. Oui. Il était pas réceptif, malheureusement. Non, pas franchement. Voilà. Ma Marie m'appelle, je lui fais un massage du trou du cul. Très bien pour lui débloquer le dos. C'est gentil, ouais. C'est très gentil, Fares, sur SMS. Romano, à toi. Non, ah, Pamela, pardon. Possible. Allô. Oui, bonsoir, Joël. Oui. Oui, bonsoir, excuse-moi de te déranger, c'est Pamela, une de tes voisines. Allô. Pardon. C'est Pamela, une de tes voisines. C'est-à-dire. C'est-à-dire, j'habite au bout de la rue. Et j'ai un petit problème ce soir, je peux te demander un petit service? Dis-moi. En fait, je t'explique, j'ai des hémorroïdes au cul, est-ce que tu pourrais me les lécher pour que ça aille mieux? Oui, ok. Je peux passer te voir dans 5 minutes? Mais bien sûr. Eh bien, j'arrive et tu me lécheras les hémorroïdes. Oui. Et après, on s'enverra en l'air tous les deux. Mais bien sûr. Oh mon Joël, tu m'excites la chatte. Oui. Tu m'excites, ma grosse chatte poilue. À tout de suite, mon Jojo. Prépare ta bouche, Joël. Bisous. Et voilà. Putain, Pamela. Du métier, Pamela. Pamela, un serrage pour Pamela. Bon, j'ai failli dire que j'avais une bite. Oui, j'ai failli te planter. Mais Joël, ça lui a pas posé de problème. Un serrage pour Pamela. Bon, pas de serrage pour la Marie, pour l'instant. Non. Allez, pourquoi Marie, parce que t'étais pas mal. Je mets un deuxième tour en route. Allez, deuxième tour. Et on appelle donc, au hasard, qui donc? Chez Sandrine. Ah putain, une meuf. Ouais, bon, la et après vous pourrez appeler Cédric que je l'insulte. Oui okay, et on aura Cédric qui arrive d'ailleurs dans un instant. Justement, je vais l'insulter. Pourquoi tu veux l'insulter? Bah parce que le mec il fait sa baltringue. Bizarrement il se réveille une fois qu'on a démarré le clash. C'est vrai. Allô. Allô. Sandrine. Oui allô. Allô. Y a quelqu'un qui va. Oui allô. Allô. Bonjour madame Sandrine. Oui, non, je suis Sandrine. Allô, secours, j'ai besoin de toi. Bah Sandrine ne répond pas. T'as de la chance, elle a pas répondu. On passe à notre autre coup de fil. Chez Guy. Guy. T'avais dit avec une fille, elle va être jalouse. Allô Guy. Bonsoir. Allô. Pardon. Oui. Oui, bonsoir, j'aurais aimé parler à Guy, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De Marie. Jalouse. Écoutez, il y a un problème là, parce que j'ai eu un monsieur tout à l'heure qui m'a demandé à parler à Guy. Ah, oui, bah c'est pas moi, je suis une fille, moi. Même oui, si j'ai une voix masculine. Oui, un monsieur qui m'a demandé à parler à Guy, c'était de la part d'Alain. Ah, non, mais moi, c'est Marie. Ouais. C'est un peu talent. J'aurais besoin de lui parler. Mais il n'y a pas de Guy chez moi. J'ai une. Ah, il n'y a pas de Guy. Bah, t'as pas un mari? Comment? Tu n'as pas un mari? Non. Ah, bon, bah alors, peut-être que je peux voir avec toi. C'est quoi ton prénom? Non, mais moi, je te le donne pas. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Écoute, non, simplement, est-ce que je peux passer te voir? En fait, j'ai le dos bloqué. J'habite pas très loin. Et j'aurais besoin d'aide. Il y a quand même un moment de flottement. Je peux venir? Est-ce que je peux passer là tout de suite? Mais dis-lui, je passe te bouffer la chatte. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire là? Ah bah c'est une histoire. J'ai vraiment besoin de toi et si tu me débloques le dos, je te lèche. Désolée. Au revoir. Ah bah au revoir alors. Eh ben dis donc. J'aurais tenté. C'est vrai qu'en même temps, bon, t'as pas une bonne, la meuf est au bout du rouleau. Ouais, c'est clair. Déjà, je crois que t'as abordé un sujet sensible. Non, je n'ai pas de mari. Ouais. Bon, malheureusement, je me suis pas fait déglinguer depuis 15 ans. Depuis 1999, personne n'est rentré dans moi. J'ai des croûtes et des toiles d'araignée. Ça s'est cicatrisé au niveau de mon vagin, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas si la meuf, c'était l'ambiance chez elle. Je suis mal tombé. On l'appelle Gérard. Gérard pour Romano. Pardon. C'est pas possible, ça, c'est pas Romano. Mais fous ta perruque aussi, moi. Je te confonds avec Romano, dis donc. Je mets ta chapeau. Mets ton chapeau bleu, blanc, rouge. Waouh, belle gosse. Oh, t'es sexy comme ça, on dirait Walker et Sasha Changers. Ah, ou Madonna, l'ancienne. Ou Madonna, oui, c'est ça. Donc Gérard, ça sonne chez Gérard. Bonjour. Ah, vous ça répond pas chez Gérard. Tu vas chez qui? Vas-y, chez Honoré. Honoré. Eh ben dis donc. Un prénom qui sent la jeunesse. Hein, il sent la... Non mais, il y a peut-être des Honorés qui nous écoutent. Hein. Ouais. C'est un prénom un peu anti-Renois. Ah ouais, il y a plein de Timal qui s'appellent Honoré. Ah non, ouais. Allez, j'espère qu'il sera chaud comme les Timal. Ah oui. Allez, c'est parti. Attends, et qu'il a une chance. Grosse bite. Ah, parce que Pamela adore les grosses bites. Voilà. Bon, Honoré, je crois qu'on est tombé sur pas un Timal, mais un vieux. Oui, parce qu'à cette heure-ci, Honoré... Qui dort. Il dort. Alors, attention, après Honoré... Un petit prénom sympa. Après Gérard, qui sait qu'on est... Fais-nous rêver, Samy. Cédric, mais c'est pas le nôtre. Cédric. Cédric, mais c'est pas le nôtre. Très bien. Oh, Cédric, j'ai pas un autre. Pourquoi tu veux pas Cédric? Oh, ça me rappelle l'autre boudin, là. D'ailleurs, il arrive, Cédric, Pamela. T'es contente? Oh, quelle est contente. J'en ai perdu mon chapeau. Que d'émotions. Urgence Sopala. Urgence Sopala, pourquoi? Putain, j'ai renversé de l'eau partout. Ah, c'est en vomissant, ça, ouais. Sopala. Là. File ton pull. Vas-y, donne ton pull. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Donne ton pull, voilà. Allez, merci. Faut nettoyer, après on va tomber en panne. Parce que la table de mixage, je n'aime pas trop les trucs électriques, c'est bizarre, c'est pas l'eau. Hein. Sur la table de mixage, c'est juste à côté. Allô. Très bien. Allô. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Carole. Oui. Comment vas-tu? Cécile. Oui, comment tu vas? Oh, je t'avais pas reconnue. Ouais. Ah, je parle tout bas, là. Ça va, et toi? Ouais, bah écoute, ouais, ça va. Je voulais te demander un petit service. Dis voir. Un truc, j'ai chopé des hémorroïdes. Ouais. Ouais. Est-ce qu'éventuellement, je voulais te demander, tu pourrais me les lécher? Pour me faire du bien. Je n'ai jamais osé te le dire, mais tu m'excites bien. Mais c'est qui? C'est Cécile. Qui ça? Céline. C'est moi. Hein? C'est moi. C'est qui? Mais c'est Céline. Allô? Allô? Ah, tu sais que t'as rigolé comme Marie, c'est Marie, je dénonce. Vas-y, on fait un troisième tour ou pas? Non. Non, bah vas-y, rappelle. Non. On rappelle? Vas-y, allez, vas-y. Bon, allez, on rappelle. Ça, juste... C'est con, je viens de me faire coacher par Cédric. Ah bah écoute, c'est peut-être pour ça que t'as foiré, Marie. Bah... Allô? Cécile? Mais qui roule? Qui roule? Ah bah non, elle répond pas. Elle est en... J'ai eu un blocage de la gueule. Demain, quand j'ai eu la fille, j'ai le visage qui s'est figé d'un coup. Oui, t'as eu un blocage. Enfin, c'est Pamela plutôt qu'elle visage qui s'est figé. J'ai eu une paralysie faciale. Ah oh ouais, dingue, c'est hein. Clair. Oui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mort de rire, nous dit Grazouille. Mort de rire, l'appel pour Jules. Là, en tout cas, sa pote Cécile a une voix chelou quand même. Et demain, elle va voir Cécile autrement, la meuf. Tu vas voir. Cécile, elle a la voix de Pamela, merde. Alors, on comprend pourquoi Marie t'a un peu galéré. Ah donc, ouais, soyez indulgents avec la Marie parce qu'elle s'est fait coacher par Cédric, qui est avec nous d'ailleurs et qui est en ligne, je crois. Allô, ouais. Allô, déchets. Bonsoir, c'est déchets. Mais là, mais Marie, je t'ai dit, fallait plus. Bah, toi, ouais. Genre, ouais, donc la prochaine fois, Marie. Je vais vous montrer, moi. Je te donne un conseil. La prochaine fois, tu. Alors, je ne suis pas les conseils de Cédric. Alors, Cédric, grosse baltringue, comme par hasard, on se réveille en plein milieu du clash. Mais vas-y, passe-moi une famille, je t'ai dit. Non, mais là, c'est trop tard, on va pas faire 10 clashs à la suite. Hein. Alors, par contre, vous allez voter, parce que le clash, c'est bien sûr la méthode, après les appels, et après, vous qui prenez le contrôle. Et qui votez pour celui ou celle que vous avez préféré. Et ce soir, plus précisément, pour celle ou celle que vous avez préféré. Ah ouais. D'un côté, la Marie, avec Anti-Paris, qui vote pour Marie. Et de l'autre côté, Pamela, avec PSG 77, qui est très parisien, là, dites-donc. Ah ouais. Qui vote Romano. Non, il ne faut pas voter Romano, il faut voter Pamela. Pamela ou Marie, ce soir? Oui, ce soir, mes amours, votez Pamela. Oui. Moi, dès le premier coup de fil, j'ai serré, je me fais laisser j'ai par Joël. Oui. Et ensuite, on fera l'amour sauvagement. Pour ça, votez Pamela. Votez Pamela. Votez Pamela. Elle est en train de chercher un slogan, mais elle ne l'a pas trouvé. Votez Pamela, c'est les lettres pour écrire le prénom. Bah, votez Marie, je suis avec Cédric. L-A. Ah, Marie. C'est pas bon d'ailleurs. Marie est avec toi, Cédric. Je suis avec Cédric. Tu me soutiens, Cédric. Eh ben, raison de plus pour voter Romano. Non, votez Marie, elle est Pamela. Votez Pamela. On dirait que Marie, ça va retourner dans, je crois. À vous de voter, 41-7-5-9. Dégage le boudin. La allez, piste votez Marie, la famille. On t'a pas demandé merci ton Cédric. Avis, ta gueule, quand on est en retard, on parle avis, pas. Moi, votez Marie. Oui, c'est vrai. Enculé. Ouais. Je lui ai demandé son avis. Cédric, team Marie. Ah, t'as demandé son avis? Bah oui. Bah c'est vraiment un avis de merde qu'il donne. Pamela d'un côté, Marie de l'autre, à vous de voter 41-7-5-9, je vous le disais. L'appli Skyrock aussi, à vous laisser vos messages. Et puis dans 5 minutes, il est quelle heure? Ouais, bah jusqu'à 11h vous votez, il est 22h54, vous avez même 6 bon, minutes. Bon alors, Cédric, tu comptes revenir ou pas? Bah, viens me voir à la maison ma chérie, je vais te faire un petit câlin déjà. Ah, elle est partie. Ah, bah, elle a disparu. Non, elle est partie. Elle s'est barrée, là. Mais elle est partie, mais en courant. En courant. Elle a même perdu sa perruque. Pamela, ta perruque, viens vite. Oh merde, remets-la moi. Bon, les résultats du clash dans un instant. Préparez-vous. Cédric, des nouvelles dans un instant. Et puis, je vous avais promis ce soir à gagner FIFA 17. Ouais. Eh bien, on vous offre votre FIFA 17 car Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et premier sur FIFA 17 aussi. Yes. Vous voulez gagner FIFA 17. Ah bah tiens, ça va être bien pour ceux qui écoutaient le morning bientôt ce matin. À 6h20, on en parlait. Je vais vous faire écouter un gars qui est en pleine forme, qui est content comme tout, qui écoute du son et qui chante sur le son. Qui c'est? Vous me dites qui c'est au 41. Ah, c'est 7, un peu 5, l'invité mystère du soir. C'est ça, c'est un peu comme dans le morning. L'invité mystère du soir à découvrir tout de suite au 41-759. Footballeur. Et hein, sur l'appli, ouais. Bah vous en profitez pour voter pour Marie ou pour Pamela. Votez Pamela. Et vous Pamela. Nous dites c'est Marie. Qui est l'invité mystère? Écoutez bien. It's coming, do you feel it? It's coming. C'est qui? Be crazy. Be crazy. I love this game. Yeah. I love this game. C'est un peu son slogan là. I love this game. I know you're starting to all smiling. Yes. That's what I want. Oh, smiling. Tout le monde est content. You know how much I love this game, no? Yeah. Right. Be happy. Be happy. N'oublie pas. Poum, poum, poum. It's coming. Do you feel it? It's coming. Woo, woo, woo. Poum, poum, poum, poum, poum, poum. T'as pas la version italienne? Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Qui c'est? Il est content, hein? Oui, il est content. Be crazy. Be crazy. Yeah. I love this game. I love this game. C'est un footballeur. Qui est notre invité mystère ce soir pour gagner FIFA 17? Vous envoyez vite vos messages. Qui c'est donc? Qui c'est donc? 41759 est sur l'appli. Vous laissez vos numéros de téléphone et on vous retrouve dans un instant. Ce n'est pas Lionel Messi, ce n'est pas Zlatan qui fait poum poum poum. Zlatan il ferait pas poum poum poum comme ça, il ferait poum poum poum poum poum poum poum poum. Lui c'est différent, c'est poum poum poum poum poum poum poum poum. Allez, bon réponse très vite. Il sera pas là vendredi d'ailleurs. Allez, c'est un joueur d'équipe de France qui sera pas là vendredi. Poum poum poum. D'ailleurs, des places à gagner dans le morning. Poum poum poum. Ça c'est pour France-Bulgarie dans le morning. Et tout de suite, FIFA 17 à gagner. Bonne chance à vous. La réponse dans un instant et vous tous en direct. Radio Libre 01 53 40 30 20. Le nouvel iPad mini a gagné tous les soirs pour le meilleur freestyler de Planet Rap. Pour la sortie du film Chouf. Moi je ramène les sous. Toi tu ramènes ton jukebox. Viens gagner ton iPad mini en rappant dans l'émission rap numéro 1 en France. Planet Rap, 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Chouf. Et retrouve Chouf le 5 octobre au ciné avec Skyrock. Eh oh, tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Concert. Skyrock. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Je te parle de mes rêves. Le phénomène Nekfeu. C'est Nekfeu sur Skyrock. Choisis encore Skyrock pour son prochain concert à Paris. Nekfeu. C'est ce bon vieux feu. Le beau gosse du rap français. Le 1er décembre en concert Skyrock à l'Accor Hôtel Arena de Paris. On verra bien. Merci. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Full radio libre 21h minuit sur Skyrock. Non, c'est là c'est Jules là. Ah pardon. Oui, c'est pas étonné, la mama maïwa, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. T'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus ce que je dois faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Je sortais de la songe, cabré dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour ti. Espèce d'abruti, parle pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai pas les données. Il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Je redouterai pas. Allez, c'est reparti sur Skyrock. On va découvrir notre invité mystère, l'invité mystère qui fait poum poum poum poum. Skyrock, Difool. J'ai fait de la boxe cet après-midi, vous savez que ça m'a canalisé, je suis de super humeur. Ah ouais, bien sûr. Romano. Ah, t'en rêves, mon cochon, hein. Cédric. Et moi, je suis un gros con parce que dès que mon aiguille. Enfin. Pourquoi tu me dis pas que des conneries? Ça fait un moment qu'on te le dit. Marie. Salut tout le monde. Samy. Mais ouais. Même les meufs, elles font roi cutane, elles peuvent plus mouiller de la charte, je crois. Et Karim. Mais tu sais qu'un jour, je l'ai vu, lui aussi, je l'ai rendu fou. Difool Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Eh ouais, on est ensemble tous les soirs sur Skyrock. Faut pas louper le rendez-vous, hein. Non, on le loupe jamais. Radio Libre, 21h, minuit, en direct. Et attention, attention, il fait poum, poum, poum, poum, poum. Il va vous permettre de gagner ce soir votre FIFA 17. Ouais, il est là et il fait faire poum, poum, poum. Vas-y, invité mystère. Allez, envoie du son. Chante, man. Vas-y, DJ. Il est content. Il est content, en tout cas. She's crazy. Yeah. I love this game. I love this game. Poum, poum, poum. Alors. It's coming. Do you feel it? Qui c'est qui fait poum, poum, poum, poum, poum? On a avec nous Jimmy en direct de. De où d'ailleurs? Du 08. Salut Jimmy. Ah. Salut l'équipe. Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Alors, les Ardennes à l'honneur. Jimmy, t'as 20 ans et tu as reconnu celui qui fait poum, poum, poum, c'est. Patrice Evra. Eh oui. Ouais. Wow, wow, wow. Bravo, t'as gagné FIFA 17. J'ai pas gagné l'iPhone. Non. T'es un malin, toi t'écoutes trop le morning. Mais dans le morning, ouais, tu peux gagner l'iPhone. Non, non, c'était le FIFA 17, mais beau cadeau, hein, poum, poum, bah, poum, c'est poum, déjà poum. Pas mal. Bah ouais, bravo. Bah ouais, bravo à toi. Merci. Et vous êtes plein à avoir trouvé la bonne réponse. Et ceux qui étaient à l'écoute à 6h20 ce matin le savaient déjà. Parce qu'on l'a écouté à 6h20, il nous a ambiancé le morning, il nous a mis de bonne humeur, Patrice Evra. Ouais. Eh ben, voyez, je le préfère comme ça que quand il est aigri, Patrice Evra. Ah bah, c'est mieux que quand il cherche sa taupe. Je te préfère quand tu es heureux, Patrice. Je t'aime bien heureux comme ça. Ah, tu votes Pamela, toi? Merci, mon chéri. Je te suce ta bite. D'accord, Pamela. I love this game. Eh, mais il fait ça sur quoi? Sur Facebook? Non, sur Snap? Sur Instagram. Non, il est sur Insta. Ouais. D'accord. Ah. Là, il était sur Insta. Il s'est filmé le matin, comme ça, il a dit good morning à tout le monde. Hello everyone. Good morning. It's me again. It's me again. Et là, après, l'ambiance, poum, poum, poum. Patrice Evra, qui sera pas là vendredi parce qu'il veut tester des jeunes Didier Deschamps, mais vendredi, nous, on suivra le match des Bleus et demain matin, on parlait du morning. Demain matin, entre 6h et 9h et même à 8h moins 5, on vous offrira vos places pour aller voir France-Bulgarie. C'est déjà tombé ce matin. Ouais. Et ça retombera demain matin. Je veux bien, je veux bien. Ah bah, demain matin. Toi, tu veux tout gagner. Ah ouais, toi. C'est clair. On sera le gratteur. Jimmy, il veut tout. Tu fais quoi, je veux Jimmy? Tous les jours aussi. Ah, c'est bien, Jimmy. Ouais, c'est cool. Nous aussi, vous on arrête pas d'écouter Sky. Vous cool. Changez pas et. Hein, et voilà. Ah, on sort à la fin. Non, c'est pas voilà. Non, mais comparé à d'autres qui changent. Ouais, c'est vrai, que Romano, je lui ai dit parce qu'il voulait se faire mettre des cheveux. Bon, attends, c'est pas. Hey, attends, je lui ai dit, Romano, tu cartonnes déjà comme ça. Ah oui. Pourquoi te faire mettre. Surtout Difool. Pourquoi te faire mettre Difool, magnifique. Ah ouais. Magnifique. C'est le maître, Difool. Mais moi, les cheveux, tu sais, c'est pas dit que j'en remette pas un jour. Non, mais ça, vraiment, je pense que ça fera perdre ton sexapile. Ouais, ok. Ouais. D'ailleurs, on va voir si t'as gardé ton sexapile ce soir. Mais moi, j'ai pas joué ce soir. Hein. Oui, mais t'as soutenu Pamela. Ah bah oui, bah je suis de la team Pamela et de la team Romano. On se soutient mutuellement. Donc on va voir si Pamela a gagné. Si vous venez d'arriver, on a fait un clash de la drague entre Marie d'un côté, qui a eu quelques problèmes pour séduire les familles. Ouais, bah ouais. Des Marie-Marise. Bah, ouais, parce que le problème, c'est que Cédric, une fois de plus, a fait la grosse baltringue. Ouais. Parce que le mec dormait et bizarrement, disons, pur hasard, le mec se réveille une fois que le clash a démarré. Genre là, bon, je viens de me réveiller bizarrement. Oh, bah, j'avais trop peur de Romano, je voulais pas faire ouais, parce que déjà lundi, je me suis fait piner. Jamais de la vie. Ah, Cédric. Mais jamais de la vie, j'ai peur de toi. Bah écoute, dans ce cas-là, réveille-toi à l'heure. Pas là, baltringue. T'as rien à foutre de la journée, t'es pas foutu de te réveiller à 9h du soir. Ah, le jour du clash en plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon bon Cédric? Alors Cédric, tiens, comment c'est va louche. Comment va ta diarrhée? Bah, j'ai encore la diarrhée, mais. Il a passé une semaine à l'hôpital pour se faire soigner. C'est dingue, Cédric, ça. Non, mais je comprends pas, je crois que je vais les rappeler. Non, mais il y a un problème. Mais t'es sûr que c'est dans des hôpitaux que tu vas? Non, Romano, c'est des cliniques vétérinaires. Non mais ouais, non mais il y a un problème. C'est-à-dire ils te laissent sortir, non, mais en fait. Non, ils m'ont dit le transit il va se remettre petit à petit. Mais ouais, ils te connaissent pas. Se remettre rapidement. Ouais, quoi. Mais fallait leur expliquer que t'avais déjà une chiasse continuelle depuis des années. Mais j'aurais dit. Pour ça ils m'ont dit là faut consulter justement. Très bien. Là, j'ai reconsulté un autre. Ah un oui, autre c'est là que tu vas te prendre le tuyau dans le cul, ouais. Mais ouais, voilà. Ouais. Consulter, mais comment? Con comme c'est. Non, non, non. Bon, bravo en tout cas Jimmy. C'est parti direction les Ardennes. Merci beaucoup. T'es où dans les Ardennes? Charleville, Sedan, t'es où? Charleville-Mézières. Charleville-Mézières. Eh bien, un FIFA. Tout le monde connaît, bien sûr. 17. Bah, bravo. Oui, à côté de la Belgique, pas loin, dans le Nord. Charleville dans les Ardennes. Charleville-Mézières. Et donc, un FIFA qui file à Charleville. Et vous aurez peut-être votre FIFA aussi. On essaiera d'en faire un autre avant minuit. Bah, c'était beaucoup. Qui le serial killer de vers chez vous, là? Hein? Comment? Non, mais il y avait un mec, là. Ah, ouais. Bah, c'est Marc Dutroux. Ah. Il faisait la Belgique, la France. Ah, Fourniret, voilà. Vous avez de dès qu'on parle de Charleville, c'est pour des mauvaises choses. Ouais, c'est sympa, ouais. Oui, des crimes pédophiles. Oui, c'est, ouais. Fourniret, ouais, c'était. Fourniret et Marc Dutroux, même pas. Ouais, les deux. Bon, bah, écoute, tu les salueras pas pour nous, mais en tout cas, on salue toutes les Ardennes et on t'envoie ton jeu à la maison. Merci, Jimmy. D'accord, merci. Salut, Jimmy. À bientôt. Bien joué. Ciao, ciao. Alors, Cédric, comment va? Je suis là. Tu veux les résultats du clash? Vas-y, moi, je soutenais Marie. On va voir si tu as... Ah, merci. A priori, tu devrais faire la différence, Cédric. Ton soutien, à mon avis, pèse lourd dans la balance. Ah bah, il pèse lourd. J'espère, ouais. Bah, très lourd, normalement. Les résultats du clash de la drague, je vous les donne... C'est pas vrai. Je vous les donne tout de suite. Voici les résultats du clash de la drague. Aïe. Je sens qu'il y en a un, il va se faire baiser, quoi. Une. Un ou une, ouais. Tu fais plus la différence entre les garçons et les filles. Karim, il y avait deux filles ce soir. Ah, il y avait deux filles, ouais. Une, ouais. Ce soir, les belles gosses étaient sur Skyrock. Mais Romano, il est trop malin. Il a fait jouer Pamela, comme ça, s'il perd, c'est pas lui. C'est ça, ouais, exactement. Je suis complètement schizo. Pas mal, la fin. Il est pas con. Bah non, mais c'était marrant, fille contre fille. Alors, premier clash 100% fille. Voici donc les résultats du clash. Marie-Marise, d'un côté. Pamela, tout court, de l'autre. Oui. Il y a encore là, l'autre en ligne. Oui. Ouais, je suis là, ma chérie. Elle est là, oui. Elle est partie. Tu veux faire un petit bisou? Je suis pas là. Ah non, elle me dit qu'elle n'est pas là. Non. Elle est partie. Non, elle vient de me dire qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, non. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle ne veut pas te parler. Elle n'était pas là, qu'elle avait envie de dégueuler aussi. Elle avait envie de chier du cul. Ah, chier du cul. Ah, je crois que je vais vomir de l'anus. Ah non, dégueulasse. Alors, résultat du clash. D'un côté, Marie. Il dégoûte. De l'autre, Pamela. Victoire ce soir avec 60% des voix. Vous pouvez l'enlever dans la tête, je suis vraiment dégueulasse. Attends, Cédric, je suis obligé de te laisser quelques secondes parce qu'il faut que je garde Pamela pour lui donner les résultats. Elle va vomir. Est-ce qu'il peut arrêter de souffler également? Arrête de souffler dans la tête. T'es en train de te branler ou quoi? Ouais, c'est clair. Mais non, n'importe quoi, connard. Pamela, 40%. Oh merde. Maryse, 60%. Ouais, victoire de Marie ce soir. Oh merde, je me suis fait baiser. Tu t'es fait baiser, mais ça en général ça te plaît. Hein. Ah oui, merci les teams, merci la team Cédric, merci ma team. Bravo Marie. C'est cool, putain, merci. Bravo, Marie. 60% Marie. Mais t'es sûr que tu comptes bien parce qu'on voit pas les mêmes votes. Hein, bah, si. C'est pas moi qui compte. Ouais, bah justement. T'es un vrai connard au niveau du comptage. Va commencer à râler, tu parles là, à qui? Bah, Romain des réseaux sociaux. Là. Romain des réseaux sociaux, Romano, il t'a dit t'es un vrai connard au niveau des. T'es des gros. 40%, Pamela, bah, non, des dents. Est-ce que tu penses que le soutien de Cédric a été décisif? Bah oui. Ah, je crois non, que c'est non, ça, non ouais. Mais Marie, non, mais soyons réalistes. Je pense que c'est pas grâce à Cédric que t'as gagné, sinon je pense que toi-même t'aurais pu perdre. Grâce Marie, à sa team, c'est grâce merci à ton talent. À vous tous. Bah, c'est ça. Ouais. Bah, ouais, enfin, le talent, oui. Bon. Alors, merci à vous tous, en tout cas. Wesh, Marie, t'as gagné. Bravo, message de Blue. Bravo, Marie, pour Chef 75. T'es la meilleure pour Cortez. Bon, bah, moi, je vais aller me faire sauter. Aurel, t'as géré la Marie. Et Pamela va aller se faire sauter pour fêter sa défaite. Bah, évidemment, oui, pour me consoler. Oui. À coup de sub. Bon, bah, écoutez. Oh, merci, c'est cool. Ah, bah, Pamela, je te ferai plus jouer. Hein. Pourquoi tu veux plus la faire jouer? Elle a perdu. Bah, pourtant, elle a serré. Hein. Bah, ouais. C'est dingue. C'est... Bah, ça arrive. Hein. Comme quoi, c'est les votes qui décident vraiment de tout. Merci pour tous les votes. J'ai gagné pour Cédric. On en parlait l'autre soir, c'est les statistiques, hein, mois d'octobre. Non, mais mois d'octobre. Bah, quoi, le mois d'octobre, du con, lundi, t'as joué, t'as perdu. Hein. Donc, ouais, les statistiques. C'est le début, là. Bah, ouais, en fait, je perds quand t'es pas là. C'est fou. Ah, hein. Ouais. Cédric, reviens vite. T'as fait combien de clashs, Cédric, depuis le début de l'année? Je sais pas, plus d'une dizaine. T'as tout perdu. Non, mais Karim, il en a fait un tout seul. Il a gagné. La Maryse, elle en fait un comme Pamela. Boum, elle gagne. Non, mais. Attends, il en a fait plus de 10, on en a à moins 20-30. Ah, ouais, c'est vrai que tu t'en es pris des branlés quand même. Non, mais sur les 30, j'en ai gagné, connard. Ah, non, depuis la rentrée, t'as pas gagné un. Hein. Zéro, on a fait les comptes. Ah non, toujours ah ouais, pas. Zéro, toujours pas. On peut mettre ça sur le compte de la clavicule cassée. Ouais, non, mais attends, début septembre, il avait pas la clavicule pétée. Hein. Non, c'est vrai. Bah, si, le 8 septembre. Fin août non plus. Hein. Ouais, ben, je sais pas. C'est pas. Tiens, il y a Mathieu Delormeau, je voudrais te faire coucou. Picou les boys and girls. Ouais, c'est ça, ouais. Coucou. Salut les filles. Tiens, on a une idée d'une nouvelle rubrique dans l'émission, Cédric, parce qu'on adore les nouveautés. Ouais. Tout le temps, on met un peu de nouveautés dans l'émission pour changer un petit peu des trucs, c'est marrant. Ouais, hier, on en parlait pendant que t'étais pas là. Donc, et on a trouvé que t'avais relativement le feeling déjà avec Mathieu Delormeau. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, ah si, ouais, vous dites bonjour à peu près pareil. Kikou les boys and girls. Salut les filles. Kikou les boys and girls. Salut les filles. Et donc... Et... Ah bah attends, c'est pas fini. Et on pensait inviter une troisième personne, si on sait que t'es fan, c'est Jerem Star. Ouais. Et on va vous proposer de prendre un bain tous les trois et nous faire une petite chronique dans l'émission. Ouais, mais bah, bien sûr, ouais. Tous les soirs. Le problème, c'est que Jerem Star, je crois que c'est toi qui avais le feeling avec lui. Non, non, mais t'inquiète, je t'ai mis en contact. Attends, je lui ai envoyé un tweet, je lui ai dit, ouais, il y a Cédric qui va aller dans ton bain. Ah ouais, ouais, allez, non, c'est bon. Vas-y. Et dis-lui, mais pas trop d'eau, par contre. Dis-lui qu'il va lui faire un bain de boue. Ouais, bien sûr. Mais il va péter dans le bain. Ça, dans ton bain. Oh là, je vais faire des boules. Ça fait des boules quand je fais des paix. Ça, je lui écris direct. Donc, une nouvelle star. Non, mais c'est toi qui t'avais invité dans son bain, t'as ouais, ben, j'étais pas tranquille. Moi, j'ai décliné l'invitation, je t'ai mis sur le coup, Cédric. Nouvelle rubrique dans l'émission, donc, Mathieu Delormeau, Jerem Star et Cédric dans le même bain. Oh, puis putain. Vous discutez de la vie, le truc, vous parlez de ouais, plein vous de racontez choses. Un peu vos histoires, tout ouais. Ça. Ah, ouais, bah ouais, grave. Tu te fais masser la clavicule, etc., et etc. Tu lui envoies un message, là, Romano? Ouais, ouais, ouais. Attends, je lui envoie un message. Vas-y, t'as un foot, toi, quoi. Comme ça, il va être. Cédric. Le Belge rêve de venir dans ton bain. Ouais. Ne mets pas trop d'eau. Voilà, voilà, c'est bien ça. Pas trop d'eau. Le Belge remplira avec ses matières. Voilà, c'est pour Jerem Star. Remplira la baignoire. Avec. Avec. Ses matières. Ah, mais quand toi, Cédric a un peu de respect quand même. C'est une star, c'est Jerem Star. Et quand on a invité, on refuse pas. En il a star dans son nom. Et donc ça sera pas mal comme nouveau moment de l'émission. Picou les boys and girls. Mais oui, mais toi aussi, Mathieu, tu pourras faire le truc là. Très bonne idée, super l'idée du bain. Ah bah tu vois, regarde, mort de rire le message. Ça plaît beaucoup, hein, vraiment, Cédric. Là, à mon avis, t'as le buzz du ça siècle. Est, c'est parti, ah ouais, là, Cédric. Ouais. J'attends la réponse. Et avec un peu de chance, t'auras Gilles Verdez et Nora Malagré qui feront un petit commentaire dans l'émission. Ça sera super intéressant. Je suis mal à ma baignoire. N'en touche pas à mon poste, tout ça. Mathieu Delormeau, ne touche pas à mon poste. C'est sûr qu'ils vont en parler. Ah, bien bah sûr. Mathieu, si tu nous écoutes, kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Salut les filles. Et avec Cédric, je pense qu'on a vraiment le moment culte qui arrive bientôt. Ah oui, ça. Culte, c'est clair. Culte ou cul ou les deux à la fois. Voilà, Cédric, c'était la bonne nouvelle qu'on voulait t'annoncer ce soir. Qui m'invite, j'y vais pas. Hein. Mais Cédric, tu arrêtes de faire ta star maintenant. Ouais. On te fait des. On lance ta carrière là. Mais ouais, là t'auras un buzz là. Là, tu. Abuse. Un buzz, ouais, t'auras un buzz. Un buzz. Un buzz. Un buzz. Voilà, on va avoir du buzz. J'adore. Ah, mais assure, Cédric. Merci. Non, mais j'y aille, toi, je te filme. Bah oui. Non, ça va aller. Non, mais c'est bien. En plus, les vidéos, c'est très très bonne idée. Ouais, parfait. Cédric, tu n'as pas l'air d'être seul. Tu es avec un copain peut-être. Non. Comment tu sais? Non, mais, suis du mytho, il y a quelqu'un derrière toi. Bah oui, on t'a oh entendu. Non, il y a quelqu'un dans moi. Ah, d'accord, bah il a bien du courage. Ouais, c'est pour boucher le cou, sinon ça coule. Ça cule. Ça cule, pardon. Ça cule. Ouais. Bon, bah voilà, une très très bonne idée. C'est un nouveau truc qu'on a lancé, c'est bien ça. Et le HDMI de la PS4 qui n'a pas tort. Mmh. Vois le beau côté des choses, Cédric, comme ça au moins tu seras propre. C'est vrai. Bah, mais ça va, j'ai un bain chez moi, je peux me laver. Non, Jerem Star, il a une plus grande baignoire. Ouais. J'ai comparé, j'ai pris les mesures. Pour ceux qui connaissent pas Jerem Star quand même, parce qu'il est pas non plus internationalement connu, ce garçon. Déjà, il ressemble à Samy. Voilà. Casse-toi, toi, vas-y. C'est le sosie de Samy de Marseille. C'est folle ou quoi, toi? C'est Jerem Star, alias la Vermine. Oui, c'est ça. Il reçoit des mecs dans son bain, il fait des interviews. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est un mec, qui fait des interviews des immenses stars de la télé-réalité. Ouais, dans son bain. Ouais, et dans son bain, et il a avoué que parfois il pissait dedans, hein. Ouais, quand il reçoit des gens, Cédric, super. Mais t'es malade, quoi. Je sais, je vais pas dans son truc. Mais tu vois, bah, c'est tu pas un truc, c'est un bain. C'est un bain, c'est un bain. Voilà, lui, il pisse, toi, tu chies. Vous êtes fait pour vous entendre. Vous êtes complémentaires, tous les deux. Complémentaires, ça va être super. Bon, bah voilà, on a trouvé un nouveau. T'as oublié un mot, Romano, dans ton message. Ah. T'as oublié haut. Ne mets pas trop le Belge. Ah ouais, attends, je vais le corriger. Pas grave. Il va comprendre. Tu vois, Cédric, ça y est, c'est lancé. On te tient au courant des nouvelles. Mais je vais pas dans son truc, t'es malade, toi. On t'entend plus, Cédric. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais pas dans ton truc. Le problème de standard, je ne sais pas ce qui se passe, Cédric. Il y a trop d'appels. Je sais pas. Marie, elle veut y aller en plus. Non, mais pour voir. Oh, bah, je vais y aller pour filmer, moi. Moi, je vais en vidéo. Moi, je préfère. C'est Ouais, forcément. Quand même moins risqué, l'histoire. Là. Bon, Cédric, bon courage. On te reparle demain matin ou demain soir, hein, quand tu te réveilles. Est-ce qu'une date de retour est prévue pour le moment? Bah, le 12 pour l'instant. Je vois le médecin le 12, donc ça se trouve le 12, je suis avec vous. Eh bien, on espère, Cédric. Croisons les doigts. Bah oui. Et on achète une baignoire pour le 12. Ouais. Voilà, une petite baignoire, fin de mission, ça va être la folie. Et on te demande de mettre un maillot de pièces parce qu'on a peur de voir tes seins. Non, faut rien mettre du tout. Tu rentres à poil, Cédric. Bah là, tu rentres en slip de bain là-dedans. Ah, t'as peur de bander? Ah. Bon, tu mettras un slip, tu pourras l'enlever quand tu veux, là. Bon, bah, très bien. Ah, il y a une vidéo qui déchire, c'est avec Amine Morito, nous dit Samir. Ah, Morito, c'est celui qui fouette les meufs, ouais. Jerem Star, il le fouette dans le bain. Ouais. Ah, putain, il s'est foutu la honte. Je sais pas, vous connaissez Morito? Ouais, moi, non. Je connais, moi. Moi, je connais à boire, mais... Oui, non, évidemment. Le cocktail, ouais. Trop bon. Le cocktail Mojito. Non, Mojito, c'est un mec, en fait, qui fesse les meufs. Donc, il lance des appels sur tous les réseaux. Il trouve des meufs et après, il les fesse. Il les fouette un petit peu. Et ouais. Il les filme. Et le mec s'est fait traquer, mais comme jamais, il s'est fait traquer par plein d'autres mecs qui lui disaient, ouais, t'as pas honte de faire ça, tout ça. Bah, c'est clair. Et après, il s'est retrouvé dans le bain de Jerem Star. Ouais. Et Jerem Star, ça, c'était la honte. Mojito, si tu nous écoutes, ça fallait pas faire. Hein. Jerem Star. La fouetter. Ah ouais, le fouetter. Il était ouais. Là, je te fouette, allez, bah, ouais. Je te fouette. Non, pas cul nu, mais il était à côté de lui dans le bain et Jerem Star, il avait un fouet. Dès que l'autre répondait mal, il le fouettait. Oh mon dieu. Il l'appelait Vermine, il lui disait, je te fouette, Vermine. Je fouette, Vermine. Mojito, c'est lui, là, écoutez bien. Bah, c'est des salopes parce qu'elles se respectent pas. Voilà. Donc, Mojito, il parle des meufs de penser, avec lesquelles il prend rendez-vous, là. Vaut mieux que je fouette. Avec un fouet ou une ceinture Gucci. Une ceinture Gucci, parce qu'il a quand même la classe. Ouais, des il une fausse, avec bien des sûr. Fausses ceinture Gucci. Elle ne mérite pas la vraie Gucci. Parce qu'avec mon sexe, bah, voilà, après, elle va tomber dans le coma ou là, tu vois. Voilà, ouais. On comprend, Mojito. Ah ouais. Bah, Mojito, il m'a bien fait rigoler, moi, avec ses conneries, là. Surtout quand il était dans le bas Jerem Star. Et crois, je suis Jason Derulo, tu vois. Non. Oula, ça, Jason pas Jason Derulo. Mais ce qui est hallucinant, c'est que les meufs, elles y vont, elles savent ce qui va leur faire. Ouais, mais elles y vont normal, ouais. Ah, mais il y a Dana qui aime ça, bah oui. Après, de là, filmé. Mais tu sais qu'il les fouette pas qu'avec des ceintures, hein, c'est avec tout et n'importe quoi. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire, il peut prendre, je sais pas, avec son téléphone, il lui tape le cul avec, une bouteille, il lui tape le cul avec, une serviette, tout gros. Ouais. Les elles savent. Traceuses, tout ça. Ouais, tu les trouves sur Snap, elles viennent me voir, tout ça. Non, mais c'est vrai, il va comme ça et après il fouette. Et je fouette les femmes. Voilà, on a pigé, Mojito. Hein. Bon, pour tous les sadomaso de mon Snap, elle a des beaux pieds ou pas? Oh là, la démonstration! Mais il a eu des galères, lui, il s'est fait traquer par des mecs, il s'est fait même poursuivre par des mecs, il s'est fait taper aussi. Il s'est fait cogner aussi. À la foire du trône, non? Non, pas à la foire du trône, c'était. Non, à la foire du trône, il voulait le taper, mais il y avait les keufs. C'était à Aqua Boulevard aussi. Et même dans la rue, un jour, il a fait un périscope. Un jour, il a fait un périscope et des mecs, ils l'ont cherché dans la rue et ils l'ont trouvé, ils l'ont tabassé un peu. C'est Mojito. Merci, Mojito. Là, c'est quand il est parti. C'est un délire, là. Ah ouais. Mojito! Ouais. Bon, alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? On a Johan avec nous. Pourquoi on parlait de Mojito d'ailleurs? Bah, c'est lui. Pour le bain. Pour le bain de Jerem Star. On attend les nouvelles de Jerem Star. Non, mais attends, t'inquiète, les nouvelles vont être plus rapides que prévu. Ah. J'ai dégoté son numéro de téléphone perso, donc je vais lui passer un petit coup de fil. Vas-y, on l'appelle en direct, Romano. Ouais, mais attends, j'ai quand même lui demandé s'il est dispo. Bon, on peut lui demander en direct, on lui dit s'il est pas. Comme vous voulez. Allez Romano, donne-nous ton numéro personnel. Non. Comment t'as réussi à champion? Bah tiens, tu devines. Ah Romano, t'es allé faire un petit bain ce week-end? Ouais. Je suis allé prendre un bain chez lui, j'ai une galère d'eau. Vas-y, appelle-le. Donc Cédric, t'es encore là? Ouais. On appelle Jérém pour Jérém. Cédric, t'as un truc dans la bouche, ça s'entend. Je te le dis, conseil d'amis. C'est ton copain. Mets ton maillot, le Belge. Ouais. Ah, il répond peut-être pas au privé aussi, la Vermine. Ah, parce qu'on dit. Ah, mais c'est pour ça, je vais venir, tu vas lui demander quoi. Appelle-le en parallèle, Romano, vas-y. Et mets-le au haut-parleur, comme ça on en profite aussi. Ça, elle aura ton numéro, ce sera mieux pour organiser. Ça va, le mec, c'est pas sadique. Bonjour, Jérém Star. Et pas joignable. Tu ne perds rien pour attendre, Cédric, rassure-toi, on lâche pas l'affaire. Ouais, non. On est sur le dos. De toute façon, t'inquiète, à un moment ou à un autre, ça va arriver, Cédric. On lâche pas l'affaire. Bon, reste à l'écoute, on en reparle avant minuit, là, sur Sky. Il y a Johan qui est avec nous en direct ce soir. Johan, 18 ans, et à Alençon. Salut, Johan. Salut. Coucou. Salut, et je dirais même plus. Salut les filles. Salut les filles. Alors Johan, ça va bien et toi, tranquille? Tranquillement, nous aussi. Tiens, Pamela est partie, dis donc. Ouais, elle est partie se faire sauter pour se consoler de sa défaite. Ah oui. Ah bah, il y a toujours moyen de se consoler, c'est pas grave. J'ai beau démarrer. Coucou. Elle a fait 60% Marie face à Pamela. Ah ouais, je suis fière. En faisant de la merde quand même. C'est fou. Hein. Ouais, mais je suis fière. Ouais, mais t'as fait de la merde. Pour Pamela, c'est pété le cul. Bah ouais, en plus, c'est Pamela. Ah bah oui, tiens, au passage. Alors, dis-nous, Johan, pourquoi tu nous appelles? Ah, parce que toi, j'étais embauché au McDo. Oui. Alors, comment c'est de bosser au McDo? C'est la galère. Ouais, il y a trop de monde. C'est du boulot quoi. Il vaut mieux parce que s'il n'y avait pas de monde, il n'y aurait pas de. Il n'y aurait pas de boulot. Il y aurait pas de boulot. C'est ton premier boulot? Comment? C'est ton premier boulot? Ouais. Ah ouais. Ton premier boulot au McDo. Tu fais quoi au McDo? Tout? Justement, je fais des poubelles, je nettoie les tables et tout. C'est la merde. Voilà, est-ce que tu peux me les récupérer parce que j'ai faim? Miam miam. Tu les mets de côté. Ouais. Mais Cédric, là, il bouffe une bite. Ouais, ça fait la même chose. Parce que j'ai compris, il est avec un copain. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, Cédric. Mais casse-toi de là, je suis en train de manger. Voilà, j'avais un copain dans la... J'étais en train de manger mon copain. Je bouffe la teub. Je le grignote. Et j'aime ça. Oh ouais, ça m'a trop manqué. Ça faisait longtemps. Je voudrais un hot dog du McDonald's. Donnez-moi un hot dog. Donc toi, t'es au McDo et qu'est-ce que tu fais au McDo alors? Que les merdes, les poubelles, tout ça? Ouais, et puis je voulais savoir, parce qu'au début, la meuf du recrutement m'a dit « Ouais, tu seras pas là et tout, tu te prépares les commandes et tout », et au final, elle m'a mis là, en fait. Mais ça fait combien de temps que c'est normal, combien c'est normal, ouais. Là, ça fait deux week-ends que je fais là. Ah, bah c'est pas, ah, ouais, c'est tu bosses que le week-end, t'as bossé deux week-ends, mais je pense que petit à petit, tu vas changer un peu de, ouais, de statut, quoi. Bah, wow. J'espère, mais je voulais savoir si d'autres gens, ça leur a fait ça, en fait. Alors, vous avez bossé dans des fast-food, McDo, Quick, Burger King, KFC, KFC, tout ça, vous nous dites comment ça se passe. Est-ce que, ouais. Non, mais souvent, au début, tu fais des trucs pourris. Moi, quand je suis arrivé à Skyrock, je gravais des CD, s'il te plaît. Bah, écoute. C'est mieux que de faire les poubelles. Non, mais je regrette pas. Je regrette pas, mais en soi, ouais, mais c'est claqué un peu. Je passais mes journées, je gravais des CD, tu sais, je faisais pause pour changer de plage. Et je gravais le même CD toute la journée. Et ça pendant 8 heures de travail. Ah, c'est vrai, ouais, tu commences. Là, mais au début, j'étais content parce que j'étais à Skyrock, tu vois, je découvrais, je voyais les studios, je voyais des foules qui étaient magnifiques. Mais tu m'as pas parlé au début. Bah non, parce que. T'as vu se planquer. Bah non, c'est pas. Non, mais il était tout petit, se planquait pas. Non, mais c'est pas que je me planquais, mais tu sais, je vais pas arriver. Raser les murs. Non, mais moi, quand j'arrive dans un endroit, tu vois, je me fais discret, je vais pas arriver, j'allais pas te taper dans le dos. Alors, dis foule. Ça, t'étais discret. Hein. Ouais, mais tu vois, moi, avec ta taille, tu m'aurais pas tapé dans le dos, tu m'aurais tapé sur les fesses. Ouais, voilà. Non, mais moi, je sais pas, j'aime pas qu'on me le fasse, donc quand j'arrive dans un endroit, je connais pas, je me fais discret, et au fur et à mesure, Il a failli dire, je me fais tout petit. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il est petit de base, donc. Bah oui. Ouais, mais tu vois, moi, j'aime pas les gens qui arrivent, genre, tu les connais pas. Ouais, tranquille. T'as l'impression que, ouais, les mecs, ils sont un peu sans gêne. Tiens, il y a plein de messages. Vous êtes plein à avoir bossé au McDo ou au KFC, là. Tiens, je vois le message de Vivino 78. C'est une pression de fou au McDo. Mais t'as encore plus de pression, à mon avis, quand tu vas te retrouver derrière les caisses, hein. Bah, ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a plus vraiment de caisses maintenant. Ouais, j'ai vu. Tu commandes une borne et après il te prépare la bouffe et ou même il y a une meuf qui se trimballe dans le resto et qui prend les commandes avec une bah tablette. Voilà, et je fais ça aussi de temps en temps. Ah bah là c'est vrai, tu m'as en contact avec des clients, moi. Ouais, c'est ça. Bah en plus vu que je suis en bac et tout, ça correspond. Non, mais t'as raison de faire ça. Ça te permet de gagner un petit peu d'argent et puis bon, c'est pas un boulot. Il y a pire comme boulot. Hein. Et quand ouais. Je vois les potes qui sont au McDo. Bah de toute façon, ouais, bon, toi, tu sors les poubelles, mais de toute façon, il faut bien qu'ils le fassent, quoi. Bah ouais. Tu leur fais des hamburgers, des cheeseburgers ou des fishburgers gratuits ou pas? Mais je peux même pas. Tu peux même pas. Ah ouais, mais moi, non, si je veux manger, moi, faut que j'aille dans la salle, j'ai pas le droit de prendre n'importe quoi, rien que pour moi. Ouais, c'est vrai que les équipiers, tu les vas manger en salle, ouais. Ouais, attends. J'ai pas le droit de sortir. Alors, je travaille à McDonald's, nous dit Alex M, 18 ans, je peux l'aider et l'informer. Allez, c'est ton numéro, on va t'appeler. Tiens, je te le passe tout de suite, gros. Bah, vas-y, balance. Scooby qui dit, je bosse chez McDo, je peux témoigner. Original, 23 ans. Scooby, il a 30 ans. Original, 23 ans. Je travaille à McDo. J'ai bossé à McDo pour Quentin. Appelez-moi. On pourra pas appeler tout le monde, mais c'est bien d'avoir tous vos messages. Sympa d'appeler. Et de laisser vos messages. Non, mais c'est vrai que c'est pratique parce que par rapport aux horaires, quand tu fais, t'as des cours, la fac ou quoi que ce soit. Ouais, ils s'arrangent pour, Ouais. Franchement, ouais. Ouais, c'est sympa. Legend Killer, du 65, qui fait, je t'ai fait au McDonald's aussi. Vivino, le KFC. J'étais en BTS, MUC alternance. Et je fais pratiquement que nettoyer les chiottes. Ah, KFC. Et McDo, même combat. Parisien. Non, mais après, c'est un taf. Hein, il faut qu'il y en ait qui le fassent. Bah, il y en a qui salissent les chiottes, faut bien qu'il y en ait qui les nettoient. Ouais. Imaginez Cédric qui va manger un hamburger. Ouais, et surtout. Un hamburger. Cédric qui chie. Après, c'est une taille juste pour vider les poubelles, moi, ça me dérange pas. Oui, tout dépend combien de fils aussi. Attention, c'est le même tarif que les autres. T'es payé comme les autres. Ah oui. Tiens, j'ai commencé directement en cuisine au McDo et quand ils m'ont mis en salle, je me suis embrouillé avec. Tu t'es embrouillé avec qui? Avec le manager. Ah, t'étais mis dans les cuisines. Mais le problème. Les managers, ils sont stressés, les managers. Mais déjà, toi, Joanne, le problème qu'il y a, c'est que, admettons, ils te mettent en cuisine, t'es incapable de faire un hamburger. Bah, en fait, ils donnent des fiches de préparation. Oui, mais bon, tu sais, de servir du matériel, les friteuses, les bordels. Ça va pas être très compliqué. Ouais, mais t'as pas encore été formé là-dessus. Non. Ouais, donc ça va peut-être venir au fur et à mesure. Bah ouais, c'est tout neuf, ils là. Ils me l'ont dit, mais pas tout de suite. Bon, attends, on a Alex, on va le prendre, là. Alex de Paris, salut Alex. Coucou. Salut tout le monde. Salut à toi, Alex. Salut Alex. Je travaille chez McDo, je peux l'aider et l'informer. C'est toi qui as laissé le message, tu es donc Alex M. C'est ça. On s'est trop éclaté au McDo, on s'est fait des potes super sympas, le manager était cool. Bah tu vois, le message de Polo, là, qui vient de nous laisser un message. Alors ils font comme ça au McDo, j'ai fait ça aussi. Après ils vont lui faire confiance, il travaille bien, il bougera en cuisine. Polska 91 150 21 ans qui nous dit ça, qui a testé aussi le McDonald's. Et le Burger King, qui c'est qui a testé? Moi je suis au Burger King. T'inquiète pas, après ça va changer, c'est Kinou, 22 ans là. On t'embrasse Kinou. Bisous bisous. T'as de la chance, tu rentres dans la vie active, te plains pas déjà. T'as pas fini mon gars, vieux Manu, 29 ans. Enfin vieux Manu, 29 ans. Ah, moi j'en ai 2 3 ans de plus que toi, tu penses ça va. Ah non, mais t'as 29 ans du coup. Hein? T'as 29 ans. Ah bah on a le même. Ah bah t'as oublié. Après je me plains pas, c'est moi qui ai téléchargé de ta faute. Ouais ouais, mais c'est bien, tu peux te faire des sous. Moi je trouve que tu fais bien. À la limite, tu nous appellerais, ça ferait 2 piges que t'es chez McDo et tu nous dirais, ouais, je fais les poubelles, bon ok. Mm. Là, ça fait 2 week-ends que tu taffes, bon, c'est pas. Non, mais parce qu'au début, ils m'ont dit que je faisais pas ça, donc j'ai trouvé ça bizarre et tout, donc. Ouais. Alors, en tout cas, faut pas mélanger les deux. Hein. Si tu fais les poubelles, faut pas que tu fasses en même temps la bouffe. Ouais, il faut se laver les mains. Il faut se nettoyer. Ouais, ouais c'est ouais. Ça. Alors, Alex, toi, t'as testé le McDo. Tu bosses encore actuellement ou t'as fini? Alex, Fan. Ah oui, tiens, Alex, je te mets à l'antenne. Excuse-moi, Alex, ouais, tu parlais dans le vide. Ah ouais, c'est bon. Tu parlais tout seul. Ouais, moi, ça va quasiment faire un an là, fin octobre que j'y suis. Et, à Paris, tu bosses? Ouais, c'est à Levallois, donc c'est à côté. Ah ouais. J'irai te voir un jour. Bah, c'est de, je sais pas, c'est devant le Sud-Ouest. C'est gratuit? Ah, le centre commercial, Ouais, c'est devant le centre commercial. Vernet Roudin. Ouais, mais je vous sais, c'est gratuit ou pas pour nous? C'est gratuit. Pour nous, c'est pas gratuit, donc, Si on vient, tu peux faire un truc. Ah ouais, cousin. Ouais, une petite classe, il y a un verre d'eau, il y a pas. Ouais, un verre d'eau, ouais, et une paille. Je voudrais un hot dog. Une paille et une serviette en papier. Un hot dog avec une grosse saucisse. Ouais, mais j'en veux le hot dog. Ils sont bons les hot dogs. Ouais, ils font les hot dogs maintenant. Ah ouais, ouais. Je savais pas. Je savais même pas. Ouais. Bah là, il y a la pub qui passe à la télé là. Okay. Non, mais c'est difficile pour vous parce que vous avez genre des points pour prendre un sandwich ou je ne sais quoi. Tu peux pas offrir comme et ça. Dans mon McDo, ils sont assez radins donc. Romano, t'as acheté des McDo à Paris? Non mais après moi je trouve ça normal. Tu sais, t'as un resto, le mec, tu vas. Non mais. C'est compté. Moi je suis patron par exemple. Dis-nous ce que tu ferais si t'étais patron de la chaîne McDonald's dans le monde. Déjà, je pense que tu augmentes les tarifs, c'est pas assez cher. Non, parce que s'il faut faire du volume. Ah donc t'augmenterais pas les tarifs? Non, je laisserais les tarifs. Même pas de 10 centimes, ce sont pas. Non, au contraire, ils baissent, ouais. Ouais, ouais, mais parce qu'il y a tellement de concurrence, c'est obligé de s'adapter. Ouais. D'accord. Vu qu'il y a vachement de volume, de vente, je laisserai les tarifs. Par contre, au niveau des employés, ils payent plus. Déjà, j'en prendrais peut-être moins. Mais c'est bordel, il y a la queue. Il y a encore plus. Bah, non, les gens, ils commandent aux bornes. Bah, c'est de la merde, les bornes, il y a encore plus la queue, je trouve. Ouais. Je mets que des bornes. Et sinon il y a ceux qui sont avec les tablettes. Tablettes. T'as jamais vu ça? Ouais. Ah ouais, ils viennent dans la queue. Ouais, c'est pratique ça quand même. Je trouve ça à vite. Et par contre au niveau des repas, c'est normal que ce soit pas illimité. T'as quoi? Dans mon McDo c'est 6 points. T'as quoi? T'as un menu quoi? Par exemple, il y a aucune cohérence. Par exemple, un Royal Cheese, ça va être 3 points, ça va être le même nombre de points par exemple qu'un Big Mac. Mais c'est 6 points par tranche horaire que tu travailles? En fait, tu fais midi 18h, ouais. Tu as une petite pause, admettons, à 14h de 30 minutes. Ouais, et là, tu as le droit de bouffer. Et là, tu as 6 points, ok, d'accord. Et quand tu finiras à 18h, tu as un autre repas. Ça va, attends. 12 points, ça. Ah, donc ça, déjà, okay, Romano, tu supprimes. Tout le temps, tu fais des horaires comme ça. Ouais, moi, je te foutrai un point, tu vois. Oh, un point, dans la gueule, mais dans la gueule uniquement. Et il est en bas. Non, mais à un point, t'as quoi? T'as rien, quoi. En point, t'as l'hamburger, t'as... Ah si, quand même, l'hamburger à 1€. Ouais. Et vous les jetez au bout de combien de temps, les hamburgers et tout? C'est 8 minutes? 8 minutes, je crois. Pas un quart d'heure? De quoi, non, comment? C'est moins, non? C'est 8, combien de temps les gardes? Ouais. En fait, on a... quand tu cuis la viande, par exemple... parce que moi, c'est un McDo spécial, en fait. On fait pas des sandwichs à l'avance, on fait à la commande. Et ça, ouais. C'est mieux, ça. Ah ouais, bah oui, c'est mieux. Donc, du coup, on a moins de pertes. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cuit des viandes. On les met dans des espèces de je sais pas comment dire, de trucs chauffantes. Ouais, des armoires chauffantes. On les time 20 minutes, en fait. Et au bout, c'est ça. On les time 20 minutes, et au bout de 20 minutes, le truc sonne. Ah, c'est 20 minutes. Pour nous dire que la viande est bonne, et donc on les jette. Moi, j'ai un système. Non, mais c'est juste la viande. Je regarde ce que vous avez dans le truc. Juste la viande, ouais. Dans le truc chauffant, et je prends uniquement ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, je vois s'il y a des Big Mac. Le truc chauffant, c'est le truc où il y a tous les hamburgers. Ouais, c'est ça, ouais. Tu regardes ce qu'il n'y a pas. Et pour l'avoir bien frais, le machin, pour qu'il soit prêt spécialement pour toi, tu prends un truc qu'il n'y a pas. Ouais, et en général, si tu prends un double fiche. Il n'y a jamais. Ouais, il n'y en a jamais. Et le double fiche, il est super bon au McDo, le double fiche. Ouais, je vous connais les deux. Ouais, il est bon, ouais. J'adore le double fiche. Et les vrais aussi. Marie, elle vous connaît. Allez, je suis qui vous êtes. Ça y est. Non, mais tu sais, à chaque fois, ouais, si le truc est pas chaud, et les deux, ils demandent à faire un truc minute. Ah, bah bon, en même temps, c'est normal, quoi, tu vois. Ouais. Quand ils ont traîné 20 minutes, ils sont pas bons. Ouais, c'est ça. C'est comme si le mec il te récupère l'hamburger dans la poubelle. Tu vas lui dire, ah non, je crois que je vais prendre un autre. Moi, je le prends. Ah, Cédric, je mange la poubelle. des mots doug. Donnez-moi donc la poubelle entière. Oh, ouais, il y a des hot doug. Oui, il y a des hot doug. Des hot doug. Mais juste sinon, pour répondre à ce que je posais dans l'auditeur, Joanne, c'est Joanne. Ouais. Joanne, ouais, sur le fait qu'il change pas de poste, c'est tout à fait normal. Enfin, en tout cas, pour ma part, dans mon McDo, tous les nouveaux qui arrivent, en général, ils les laissent au même poste pendant quelques semaines. Ouais. Et pour que déjà ils s'habituent à ce poste-là. Il n'y a pas qu'une liste, ça va évoluer, ouais. Ouais, c'est normal. Mais ouais, normalement, après, ouais, en fait, surtout quand t'es un garçon, tu passes aux cuisines, tout ça, donc normalement, ils ne s'inquiètent pas, quoi. Juste qu'il fasse son taf pour l'instant bien, ce qu'on lui demande, et après, il passera sûrement en cuisine, il fera des sandwichs, tout ça. Donc, t'évolueras. Ouais. C'est comme dans toutes les boîtes, hein, il y a une évolution qui se passe. Ouais, bah, d'abord, il est censé tout savoir faire. Normalement, il est. Vas-y, vas-y. Il est censé tout savoir faire parce que normalement sur son contrat, si, enfin je sais pas comment ça se passe sur lui, mais sur son contrat il est équipier polyvalent, donc il doit savoir faire aussi bien la pièce, la cuisine. C'est quoi le moins relou? Le moins relou, c'est d'être en cuisine, non? T'es tranquille au moins? Non, parce que quand il y a du monde de fou, c'est galère de. Franchement, c'est peut-être pas mal de vider les poubelles. Ouais, en fait. Ouais, bah limite, ouais, quand t'es en période de rush et qu'il y a du monde et qu'on dit va vider la poubelle, t'es content. Ah ouais, d'accord. T'es tranquille. Ouais, mais reste aux poubelles, deviens chef poubelle. Ah bah sérieux, bah attends, c'est le truc le plus cool. Manager poubelle. Et t'es payé comme les autres. Ouais. Je taffe chez McDo depuis presque 3 ans maintenant. Si t'es au lobby, donc c'est les poubelles, le lobby, ouais, c'est ça que vous appelez. C'est ça, ouais. Si t'es au lobby, c'est que t'es pas top top. Maintenant, il a fait 15 jours, lui. Bah c'est, oui. C'est vrai que si t'y restes 3 non, ans. Mais 15 jours, et en plus, t'as travaillé que les week-ends. Donc au final, tu as été quoi, 4 jours ouais, en. C'est clair. C'est, ouais, ils vont pas te foutre direct. 4 journées, c'est normal. Ouais. Mais, mon gars, ils sont direct rentrés en cuisine. J'ai pas compris. Mais parce qu'ils avaient peut-être une expérience. T'as dit quoi? Les autres gars. Ils sont direct rentrés en cuisine. Mais parce qu'ils avaient peut-être déjà une expérience, tu vois, c'était pas leur premier boulot. Dans un autre McDo, tout ça. Ouais, ou dans un autre restaurant, ou, tu vois. Tiens, Intermarché, c'est même chose. Cop Nord Saint-Etienne, 20 ans, dit, moi quand je suis rentré à Inter, je jetais les poubelles, appelez-moi si vous voulez. Il n'y a pas de sous-métier, d'idée de stop, moi je suis retiré. Ah non, mais c'est clair. Ouais, ouais. Sous-métier, c'est pas une question de sous-métier. Non, mais c'est une question de. En revanche, toute la bouffe qui c'est comme Romano, par exemple. Quand t'es rentré à Skyrock, tu gravais les CD, t'as dit que t'étais content. Est-ce que si aujourd'hui, même si on n'utilise plus de CD, admettons aujourd'hui, tu continues de graver des CD. Ouais, non, mais j'ai. Non, mais depuis 15 ans. Mais j'aurais pété un câble, mais. En plus, bon. On les jetterait du coup. Non, mais ça serait. Non, mais c'était une manière. Moi, c'était une manière de rentrer à Sky, tu vois. J'étais en stage, j'étais content. On m'a dit, ouais fais grave. Ça. Bon, je trouvais ça cool. Oui, après, on m'aurait dit, au bout de 2-3 ans, on m'aurait dit, bon, tu vas encore graver des CD. J'aurais dit, déjà, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je veux bien vous faire des clés USB si vous voulez ou mais oui mais après faut que ça évolue mais bon toi après il y a pas à t'inquiéter t'as fait 4 jours en 15 jours c'est tout neuf alors Marie tu avais un coup de gueule à passer je crois. Non mais je disais simplement toute la bouffe qui part à la poubelle ouais ça me rend folle récupère-la pour ton fils non en plus les repas du dimanche avec ton fils et ton père et la famille on ressent le McDo non mais vu comment la rentabilité du truc elle est calculée je suis pas sûr qu'il y ait tant de pertes que ça à McDo tu vois vu comment c'est timé le truc tout est calculé j'ai commencé par les poubelles et je suis manager aujourd'hui Ramsès qui nous envoie un message de 23 ans dans le 94 oui, c'est ça, ouais. Il a raison Samy hein. Parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a un truc qui est jeté tu vois on a un papier en fait où on note les pertes et après c'est calculé pour le lendemain du coup ils calculent à peu près le nombre de pertes qu'ils font à bel but oui c'est d'en vendre plus que t'en mets à la benne ouais dès que ça c'est une faillite comme les boulangeries comme tout tu vois oui non mais ouais toute façon tout est calculé les restos ils savent combien ils consomment ce qu'ils vont avoir comme perte s'intégrer au prix c'est de l'économie quoi c'est bien calculé à McDonald's c'est bien foutu quand même cette histoire ouais y a pas que en général tous les business c'est bien calculé tous les trucs alimentaires y a plein de gens qui disent ouais la malbouffe tout ça moi j'aime bien McDo vive McDonald's tiens Alex t'as des petites anecdotes t'as passé combien de temps au McDo toi bah du coup là, comme j'ai dit ça va faire un an fin septembre d'accord donc là tiens encore ça fait un an t'as des anecdotes des clients à la con ou un boss à la con ou un truc qui est arrivé en plein McDo des clients chiants y en a toujours tu vas nous raconter en cuisine mais bon ou alors des collègues des collègues un petit burger qui est tombé par terre d'amour. Tiens tu vas nous les histoires d'amour du McDo on en reparle tout de suite il y a Clément qui veut donner des conseils aussi pour le McDo et pour toi Johan Clément on va le retrouver en direct du 94 encore. 94. Clément, t'es là? Ouais, je suis là, équipe. Tu bouges pas en s'ambiance la soirée. Tu es équipier, PNL. McDo? Ouais, j'ai fait équipier, ouais. Tu as été équipier. Voilà. Eh bien, PNL arrive tout de suite sur Skyrock et toi juste derrière. Pendant l'Euro, ils nous ont fait kiffer.

je sais pas pourquoi je déraille. On voyage, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille, je sais pas pourquoi je déraille. PNL sur Skyrock, je suis QLF. Diffoul, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Il y a Para, on dit tout à Radio Libre sur Skyrock. Para qui laisse un message. Diffoul, tu pousses un coup de gueule contre Apple, mais tu dis que McDo c'est cool. Bah, moi j'aime bien McDo, oui. Non, Apple, j'ai poussé un coup de gueule parce qu'ils nous prennent pour des cons, c'est trop cher. Je serais curieux de savoir combien coûte un téléphone. D'ailleurs, tu l'avais fait l'année dernière dans le morning, Romano. Mais je crois que c'était 60 ou 70 euros. Ça coûte pas cher, hein. En sortie d'usine. Sortie d'usine en Chine. Ah ouais, 150. Coûte pas cher. Bon. Moi, je ferais plutôt confiance à Romano parce que c'est quand même le spécialiste de l'argent. Non, non, et puis alors, juste, bon, je m'en fous, hein, j'ai pas départ chez McDo, hein, mais. Parce qu'on parle de McDo. Si vous venez d'arriver, on est au McDo pour filer un petit coup de main. À Joanne qui s'inquiète un petit peu parce qu'il fait les poubelles depuis 15 jours. Ouais. Et McDo, quoi, non, parce que la, non, la dernière fois, il fout le temps. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste pour savoir si je peux évoluer par la suite. Ouais, ouais. Et par rapport à ce que disait Diffoul l'autre fois, par rapport à Apple, c'était sur le coup là que les mecs, en gros, ils enculaient quoi, nous tous au final, ouais, parce ouais, que bah moi j'ai bon, déjà Apple, par leurs tarifs et puis le fait qu'ils payent pas leurs impôts ouais, en France. Ouais. McDo, il y a plein de McDo en fait, c'est des propriétaires. Par exemple, demain, moi, j'ouvre une franchise. J'ai envie d'ouvrir un McDo, j'achète la franchise et derrière les impôts, ils les payent en France, les mecs. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ils sont moins voleurs. Je dirais. Bien joué, Romano. Ouais, non, Apple casse les couilles parce que c'est vrai qu'elle est. Bon, après, ça, ils t'obligent pas à l'acheter non plus, hein. Ils créent pas d'emplois en France, ils nous prennent notre argent et ils payent pas d'impôts alors que nous on en paye. Bon, y a, et ça, je veux le dire, messieurs, quoi. Dames, c'est un scandale. Bon, il y a les Apple Store, il y a quelques vendeurs. Ouais, quoi. Les vendeurs, ouais, ça ah, oui, sous, oui, oui. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, mais c'est vrai que bon, il y a pas d'usine, il y a rien, quoi. Et je suis bien con, t'as raison, parce que ça m'empêche pas d'avoir un Apple, moi aussi. Ouais, oui, exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, Clément, qui est avec nous? T'es dans le 94, Clément. On a Alex qui a deux trois anecdotes sur ce qui se passe dans le McDo derrière les coulisses, ouais, un peu. Oui. Ouais, c'est ça. On voit pas. Derrière la caisse, qu'est-ce qui se passe dans les cuisines, tout ça, tu vas nous dire, Alex. Bah, les cuisines encore, tu vois, parce que c'est ouvert. Et ouais, puis, enfin, vite fait, ouais. Et puis. Ah si, Marie, c'est ouvert, t'as les oui, machines, mais tu vois ouais. Derrière. Ouais. Je vais vous demander un truc parce que j'aimerais bien. Moi, je vais passer faire un petit tour au McDo. Je n'ai plus rien à bouffer chez moi. Donc, en partant, et qu'est-ce que vous commanderiez maintenant, là, tout de suite? Vous prendriez quoi ce soir, si McMorning, si c'était possible. Ah, moi, ça c'est bien un Marseillais qui a 23h43. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit si c'était possible. Non, mais... Putain, moi au McDo, j'y vais que pour ça, gros. McMorning. McMorning. Ah ouais. C'est-à-dire que quand je prends le train à 8h37, le samedi matin, et ben à 8h, je suis au McDonald's, je prends le McMorning. T'as besoin, pour prendre ton train, t'as besoin de faire. Quand c'est le train à 8h37, je sais pas, ça me met bien, je suis content, tu vois. Après, je prends mon train, je le mange dedans, je suis content. Qui est Alex, toi qui bosse à McDo encore? Vous avez jamais pensé mettre le McMorning un petit peu plus tard? Parce que c'est terminé trop tôt. En fait, le truc, c'est que moi, mon McDo, je fais pas ça. Ouais, il y en a qui le font pas. Et d'ailleurs, j'allais dire, il y en a plein qui le font pas. Par exemple, en province, il y a trop d'endroits. Ouais, il y en a plein, ils font pas. Parce qu'ils ouvrent des fois même plus. Ouais, j'ouvre à 11h midi. Ouais, quoi, tu vois. Et toi, Clément, qui a bossé 2 ans au McDo, manges quoi, toi? Le McMorning, ouais. Le McMorning, vous le feriez pas un petit peu plus tard? Non. Sérieux? Ah, mais ça, c'est le dilemme du casseur de couilles qui vient tout le temps pour te demander le McMorning, mais tu l'as jamais, parce que quand t'es licencié, généralement, il y a beaucoup de McDo qui le font pas. C'est à quoi? C'est à 11h que ça s'arrête, le McMorning? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 11h midi, ouais. Putain, moi, je suis arrivé un jour à 11h, je sais pas, moins 2, je demande un McMorning, il y a pas de McMorning. Ouais, c'est clair. Scandale. Non, mais j'étais pas content. Je voulais mon McMorning. Ah, c'est trop bon, le McMorning. Scandale émeute. Tu vois, le eggs and bacon. Moi, j'adore avec les œufs. Ouais, eggs and muffins. Ouais, tu prends le salé, quoi. Ouais, c'est bon ça. Mais il y en a deux de salé. T'en as un, c'est un espèce de steak de saucisse. Et t'en as un, c'est l'œuf avec du bacon. Je déteste le steak de saucisse, j'aime bien l'œuf bacon. Moi aussi, l'œuf bacon. Oh, putain, saucisse. Avec un cappuccino et le petit jus d'orange. Qui a passé une nouvelle commande pour le McDo. Allez-y, voilà, hop. Alors moi, j'ai goûté un truc dimanche, lundi. C'était le blue cheese bacon. Et c'est pas trop mal. Le blue cheese bacon. Ah ouais, c'est au bleu, ouais. Le fromage, c'est du bleu. C'était pas trop mal, ouais. Il a plus de la gueule avec ça, par contre. Le bleu, ça envoie quand même. Ouais, enfin, c'est une sauce un peu. Mais c'est une sauce ou des vrais bouts de fromage? Non, c'est une sauce. Et t'as vraiment du bacon. Ah putain, moi je pensais qu'ils avaient mis, tu vois, genre des petites tranches de fromage, quoi. Non. C'est une époque, ils en avaient fait. C'était peut-être Quick d'ailleurs. Ils en avaient fait à la Tom ou je sais plus quoi. Ou, oui. Ah, c'était Quick, ça. Ah, ouais. Mais McDo, je crois qu'ils en avaient fait. Si, à la raclette même, il y avait. Ouais. De raclette. Vous avez fait ça, t'as fait ça, Clément, le truc à la raclette. Oui, ça, oui. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est possible. Ouais, vous en avez fait au fromage, ouais. C'était bon. Ouais. Et Alex? Parce qu'Alex, dans son McDo, ils font rien. Rien du tout. Ah non, mais en fait, nous, c'est parce que ça s'appelle McDo Original. Et en fait, on fait que les Big Mac. On met les best-sellers de McDo. Ah, tu fais pas tout. Ah ouais, parce que maintenant, ils font plusieurs trucs. Il y a les McCafé, il y a un McTruc Original. Alors, les best-sellers, c'est quoi? Les meilleurs. Bah, par exemple, nous, on fait tout ce qui est Big Mac, Triple Cheese, Double Cheese, Royal Cheese, Triple Royal cheese. Deluxe, Royal Bacon, Double Cheese, les cheese, le lamb, évidemment. En fait, vous faites ce que je vends le mieux. Ouais, les classiques, filet, on va dire. Filet. Et ensuite, on a de temps en temps, on a des sandwichs un peu spéciales. Par exemple, il y a le grand Big Mac Chicken. Le grand Big Mac Chicken. En fait, c'est comme un. En fait, il y a le grand Big Mac. En fait, c'est le Big Mac, mais en version big, vraiment big. Ah, mais ça, vous l'aviez déjà fait une période en série limitée. Mais il y a plus de pain. Et, ouais, voilà, ouais, c'est plus gros. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est à la place de mettre de la viande, on met des morceaux de poulet, en fait. Oui, c'est un Big Mac, ouais, avec du poulet, quoi. Avec du poulet, quoi. Non, c'est bien de varier. Moi, j'aime bien qu'on fait. J'aime bien vos nouveaux trucs, là. Ce qui remplace les potatoes, là. Les potatoes. Ah, ça existe plus. C'est les c'est des. Oh, bah non, attends. Ah, déjà, prononce bien le mot. Ah, pardon. Un peu de potatoes et de nuggets. Ouais, excuse-moi, c'est vrai. Des potatoes. Et tu veux pas des nuggets? Ouais. Ah, non. C'est bon, les nuggets. Ouais. Un peu de potatoes et de nuggets. Non, mais les potatoes. Mais c'est quoi maintenant la place de c'est des. Mais en fait, ça a le même goût, mais c'est en espèce de tortillon, on dirait une queue de cochon. Ah ouais? C'est vrai. Ah, je sais même pas. Bah, je sais pas. Vous avez ça chez vous, là, dans vos McDo? Non. Non. Vous, c'est toujours les potatoes basiques. Ah non, ben nous, on a même pas de potatoes. Ah bah tiens, maintenant, c'est que des frites, là, quoi. Bah, je sais pas, moi, j'ai bouffé ça dans le sud, là. Ah ouais, à la fin de l'été, je demande des potatoes. Ouais, des potatoes. Elle me dit, ah non, on a plus les potatoes, mais c'est exactement le même goût et c'est un espèce de frites, mais tortillon, tu vois. Et je me souviens plus le nom. Mais c'était bien bon. C'est des potatoes en queue de cochon. Des potatoes tortillons. Alors, on va voir les commandes que vous êtes en train de passer. Parce que là, putain, les commandes, je sais pas comment on va arriver à assurer pour tout le monde. Mais là, il va y avoir un rush à notre McDo. Et Marie, une fois de plus, tu as dit n'importe quoi. Laurent, 22 ans, il y a du vrai fromage dans le blue cheese. Ah, non, mais c'est... Marie, ah ouais. tu t'es fait avoir. C'était une sauce, le truc que j'avais. Ah, dit. Voilà, c'est les. Merci, Parisien 17, c'est les Twister Fries. Merci, les Twister Fries, c'est les trucs en queue de cochon. Ouais, ce qui remplace les potatoes. A priori, pas dans tous les McDo, mais dans certains. Et ah ouais, donc Clément, on n'a pas écouté les conseils que tu avais donné à, enfin que tu avais à donner à Johan. Alors, bah, moi déjà, faut savoir que tant que t'as pas un an d'ancienneté au McDo, c'est chaud d'avoir des droits. Non, mais il va pas faire un an les poubelles. Non, mais il y a tellement de roulements qu'en général, quand un équipier a moins de un an, il va où on lui dit d'aller et puis il prend pas de douche, quoi. Ouais, bon, au début, c'est vrai qu'au bout de 15 jours, tu fais d'abord les poubelles. C'est qui avait laissé les messages? Parce que j'ai eu un message sur Intermarché tout à l'heure. Christina, 17 ans. Pendant les vacances, j'ai bossé dans une pizzeria. J'étais à la caisse préparation ménage au début. Au début, on m'a dit de faire les vitres, après les toilettes. Bon, après, elle a réussi à évoluer. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bon. Non, mais puis, rien. Par exemple, dans certains restos, il y a des mecs qui sont à la plonge et toute leur vie font la plonge. Ouais, c'est vrai. Il y a un métier, c'est plongeur. Il y a des mecs, ils sont plongeurs pendant toute leur vie, sont plongeurs. Ouais, ils font plusieurs restos. Ou ouais, ils font plusieurs restos, mais ils font toujours plongeur. Ouais, c'est leur boulot. Mais si t'es plongeur, tu peux te la prêter auprès des meufs parce que tu dis je suis plongeur. Ouais, après te demander quoi. Super. Plongeur olympique. Pas, ouais. Olympique. Voilà. Olympique au McDo. Ouais. Et donc Clément, ouais. Ouais, donc je disais, moi par exemple première semaine quand je suis arrivé direct on m'a mis service du matin. Et il y a le patron qui est venu voir et qui m'a dit bon bah t'as dit que t'étais disponible le week-end donc 5h du mat samedi tu commences et tu fais la livraison. Ah finalement je suis plus disponible. Oui. Non le pire c'est le dimanche matin parce que là tu peux pas sortir le samedi, tu peux rien faire. Moi c'était surtout le samedi moi. J'ai touché le samedi. Ou alors tu fais nuit non-stop mais bon courage quoi. Oui. Fatigant, ouais. Et est-ce que vous avez déjà, parce que mais je crois que c'est sorti qu'au Japon, je suis en train de voir sur internet, les choco potatoes, c'est des frites avec un nappage chocolat. Non, c'est pas une connerie. Hein. Ils ont sorti ça en janvier au Japon pour relancer ce truc. Ouais, au Japon, voilà. Ah, t'es au courant? Mais ça a l'air dégueulasse. Ouais, c'est japonais, puis ils adorent le salé sucré au Japon. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais pas vu. Ouais, de toute façon, c'est adapté selon les pays, ouais. Ouais, carrément. Donc tu vas évoluer, Johan, au final, t'inquiète. Ah ouais, non, mais moi je m'en fous de faire les poubelles. C'est juste pour savoir s'il y a possibilité d'évoluer. Bah oui, t'as vu, on a eu un manager qui laisse un message, il a commencé aux poubelles. Tout le monde commence aux poubelles, on nous dit. Tiens, Ryan, on te laisse un message. Tu vas te taper les chiottes après? Ouais, j'ai fait aussi. Ah, t'as déjà fait. Bah, tu vois, t'avances vite, quand même. T'es passé des poubelles aux chiottes, en même pas 15 jours, c'est déjà pas mal, cette histoire. Bah, alors, en fait, quand on fait les lobbies, c'est tout, en fait. C'est tout qui est compliqué. Les lobbies, c'est les poubelles. Hein. Ouais, lobbies, c'est les poubelles. C'est comme ça qu'on dit dans le langage McDonald's. Ouais, c'est classe. Voilà. Ouais, quick, c'est pareil, tu vois. Autre message que vous nous laissez, là. Et sinon, vos commandes pour ce soir, qu'est-ce que vous prenez? Alors, vous prenez quoi? Des hamburgers. Oui, non, mais d'accord. Des hamburgers. Et Cédric. Faudrait dire le modèle, quoi. Ah, des hamburgers. Ah, ta gueule. Des hamburgers. Ah, le modèle. Des hamburgers. Oui, un modèle. Et des pétiteuses. Un lasagne. Il n'y a pas un Mac lasagne encore. Et un yaourt à la fraise. Alors, McDo, vous n'avez pas un McDo à appeler, là? On passe les commandes pour Cédric, juste pour voir. dans un instant s'en occupe. Moi perso je prends menu quoi, Maxi Best of Big Mac. Les tiens les nouveaux trucs là, les Twister Fries. C'est les fries en forme de quoi. Ouais et merde putain iced tea à la pêche. Alors moi je prends un double fish. Pareil pour moi. Qu'est-ce que je prends d'autre à boire, je prends un jus, je sais pas quoi. Si y a un jus de pomme, je prends un jus de pomme, mais jus de pomme. C'est quoi, c'est Minute Maid à McDonald's? Ouais. Le jus de pomme, je sais pas si c'est Minute Maid. Non, c'est jus d'orange, non? Non, non. Je crois qu'ils ont les deux. Vous avez quoi comme marque? De toute façon, ouais, c'est dilué. Ah, ouais, hein, Clément, Alex. Jus d'orange, c'est Minute Maid. Et jus de pomme? Y a pas un... c'est non, c'est une... Non, y a pas, y a que les pommes. C'est les jus de pomme bio. On a les pommes bio, du coup, y a plus de pommes. Y a plus mille. Oh, c'est pas chier, dis full, tu prends un coca et tu. Attends, j'ai une question, c'est en poudre votre truc ou pas? Parce que j'ai toujours entendu dire ça. Non, mais c'est dans les briques. C'est bouteille, Marie. Ah ouais? Ouais. Non, les fontaines, non, les bouteilles, non, les boissons, c'est pas dans des bouteilles, en fait. En fait, c'est un espèce de sirop. Ah, c'est des sacs à la base et en fait c'est avec ça de passe l'eau. Dans des tuyaux non, et c'est ouais de l'eau, c'est le soda. Gazifié que pour les sodas et après c'est mélangé avec de l'eau non mais c'est non mais c'est des trucs normaux hein ouais. C'est oui c'est des trucs aussi truc Coca-Cola Fanta tout c'est des trucs non mais c'est compté à l'eau mais c'est une machine qui est fabriquée comme ça c'est pas l'eau quand on voit le blanc tomber c'est le soda fabrique du coup. Ouais mais c'est ça ouais. J'aimerais mais ils ont ça dans la restauration tu sais ah, oui. Dans les par exemple dans les hôtels quand les fontaines à boissons ouais. Ils ont ça en fait il y a un mélange en fait vous avez par exemple le Coca version super concentré et après vous avez les arrivées d'eau qui mélangent le truc ouais. c'est pas de l'eau c'est le soda en fait ouais donc, c'est le soda côté, ouais c'est le soda, de le soda et l'autre non, côté c'est le sirop gazeuse. C'est quoi eau gazeuse. Ouais, enfin le soda, ouais, l'eau gazeuse et de l'autre côté le sirop. Mais c'est de l'eau, non, mais c'est de l'eau normale que vous avez gazéifié au CO2. Exactement. Non voilà, c'est ça, de gaz qui gazéifie de l'eau du robinet. Ouais, j'aimerais bien avoir une machine à coca chez moi. Bah, t'achètes, ah ouais, hein. Ouais. Fontaine, ouais. Ça combien ça coûte? Bah, faut trouver, bah, il faut que t'aies une fontaine chez toi, quoi. C'est un peu gros. Je vais acheter une fontaine, j'adore. Mais tu peux, hein. Bah, tu bois du coca, mais H24. T'as un tuyau juste à côté de ton lit. Ah non, mais c'est pas possible. Mais c'était où? C'était à Atlanta qui, je sais pas si ça a été fait, parce qu'il parlait de... Atlanta, la ville du Coca. Oui. Ouais. Et ben là-bas, Coca, il prévoyait de monter un réseau avec ah ouais. Des comme de l'eau en fait, avec arrivée de Coca chez toi directement au robinet. T'as plus l'eau courante, t'as du Coca. Non, mais t'as les deux. En fait, eux ils développent un réseau parallèle. Eh bien non, Romano, on se lave, là-bas ils se lavent avec du Coca là-bas. Voilà. C'est et ça, les mecs on boivent 20 litres par jour. Et oui. Ils font 300 kilos. Alors vos commandes. Cortez, lui il prend un long chicken, un filet au fish, c'est le meilleur des trucs pour le cap. Prends un double, moi je prends un double. Et oh bah tiens, en dessert, j'ai oublié de prendre un... Comment ça s'appelle? J'aime bien ça, le parfait chocolat. Un very parfait, ouais. Moi un sundae au ah caramel, putain, moi je prends jamais de dessert, moi. Et il est bon, ouais. Tu coûteras le parfait. C'est quoi ça? Ah c'est non, une glace avec un peu de... Ah non, mais moi je suis pas trop chantilly, glace. Avec la chantilly, du chocolat, c'est lourd. Tiens, moi la glace, c'est que l'été, moi. Ah ouais, c'est lourd, j'adore. Moi je prendrais bien un sundae caramel avec des cacahuètes. Bah moi je prendrais pas de dessert. Ça coûte moins cher. J'étais sûr. Non mais j'en prends jamais. C'est 10 foules qui payent gros. Non c'est gratuit, c'est Clément et Alex. Non mais à ce moment-là, du coup, je prendrais beau Big Mac. Ouais. Et après, je prendrais un petit hamburger en plus à 1 euro. Mais non Romano, mais non pas un hamburger. Ah oui, c'est vrai. Des hamburgers. Des hamburgers. Vous avez le numéro de McDo? Ouais, c'est bon. Bon, on va les appeler. Alors vos commandes, Maxi Best of Big Mac pour Jules du 02, un Mac Chicken pour Nick. Je prendrai des potatoes pour Colonel Charlie. Très bon choix les potatoes, mais tu peux également les accompagner de, je ne sais pas moi. Un peu de potatoes et deux nuggets. Un peu de potatoes et deux nuggets, pas mal, dis donc. Royal Bacon pour Moukir. Bien vu Moukir. Tiens, il y a Marco Valcatu, il est sur le M Bacon. Ça me donne faim tous vos trucs là. Un wrap chèvre pour Piccolo. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ouais, qu'est-ce que c'est bon. Wrap chèvre. Un rap chèvre, un wrap chèvre. Ils ont arrêté de les faire là, je crois. Mais c'est vrai qu'il faut pour ton truc à boisson là, tu veux ta machine à coca là. Ah, j'aimerais bien ça. Achète un soda stream. Ah, c'est ça. Veuillez ah, patienter. Pas les mêmes. Ne quittez c'est pas, exactement pareil, nous mais... transférons votre appel au standard. Très bien, on file au standard du McDo. Veuillez patienter. Ne quittez pas, nous transférons votre appel au standard. Ouais, achète soda stream. Veuillez patienter. Achète du coca, version concentrée après. Pas mal. Allô? Allô? Allô? Oui, le McDonald's? Oui. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, vous êtes ouverte jusqu'à quelle heure? 2h. Oh, bah c'est super. Parce que je vais passer avec un ami, il s'est cassé la clavicule. Oui. Et quatre côtes, il a quatre côtes cassées la clavicule, on voudrait faire un petit repas ce soir. C'est barré. Allô? Ça l'a dégoûté. Ah ouais, c'est clair. Oh. Alors, tu crois qu'elle a reconnu Cédric? Peut-être. Ah ouais. Elle écoute Sky. Et le dégoût est venu. Très bien. Bon, on va en essayer un autre McDo. Vous allez voir. Allez. Vous avez un drive? T'as un drive, toi, ton McDo à Alençon, Johan? Ouais. Bonjour, le McDo? Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Je suis avec un ami, il s'est cassé la clavicule. Pardon ? Je suis avec un ami, il s'est cassé la clavicule. Voilà. Et donc on voudrait venir manger un petit truc parce qu'il sort de l'hôpital et donc il aura une petite faim. D'accord. Alors je vais vous le passer tout de suite. Salut les filles. Salut les filles. Alors tu veux quoi pour ta commande ? Alors attention. Vous êtes ouvertes jusqu'à quelle heure ? Pardon ? Vous êtes ouvertes jusqu'à quelle heure ? On est ouvertes toute la nuit. Ah c'est génial. Alors mon ami passe la commande. Vous me dites si vous avez hein ? Des hamburgers. Je vous écoute. Des hamburgers. Oui. Des hamburgers vous avez ? Très bien. Alors, quoi d'autre tu veux, quoi, Cédric ? Un peu de potatoes et deux nuggets. Un peu de potatoes. Ah, vous avez des potatoes ? Pardon ? Des potatoes. Oui, on a tout. Et des nuggets. Tout. Vous avez des nuggets ? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Un lasagne. Ça, vous faites pas les lasagnes. Oui. Ah, bien sûr, vous faites des lasagnes. Un gros plat de lasagne. Ah oui, un gros plat, parce que c'est un gros monsieur. Oui, un gros monsieur qui mange. Ok, pas de problème. Vous savez qu'il a quatre mentons, quand même. Oui. Bah oui. Ouais. Et un dessert. Et un yaourt à la fraise. Ah. Tu veux pas une tarte, Cédric ? Dans la gueule ? Un yaourt à la fraise, vous avez ? Pardon ? Un yaourt à la fraise ? Oui. Ouais, très très bien. Autre chose, Cédric ? Autre chose, tu veux quoi ? Une bite ? Ah. Dans le cul. Ah. D'accord, ok. Pardon ? Il voudrait une bite dans le cul si vous avez un collègue qui a une bite. Qui veut... On va trouver quelqu'un, il n'y a pas de problème. Vous êtes super au McDo. En Italie, il y a les McBeat. Ouais, les c'est chicken vrai. McBeat. Les McBeat, c'est des petites boulettes de fromage. Ouais. C'est de la mozzarella. D'accord, c'est chier. Et ouais. T'aimes avoir une bite dans le cul ? T'aimes avoir une bite dans le cul ? Ben, Cédric, on va aller manger. On va arriver là. Hein. Vous êtes super. Il n'y a pas de problème. Vous êtes super au McDo. Bah ouais, on est pas loin. On attend avec impatience. Nous, c'est un gros bisou. Vous allez voir l'ange. Bisous. Gros bisous le McDo. Au revoir. Salut. De la part de Skyrock, au fait, à le McDo. Hein. On a bien compris, ouais. J'ai invité où, toi ? Je l'ai reconnu. T'es à quel endroit ? Pardon ? T'es à quel endroit ? Sur les champs, non ? C'est ça. Ah, d'accord. Bon courage. On va peut-être se voir un de ces prochains soirs, tiens. Pas de problème. Salut bonne à toi. Soirée. Salut. Salut. Salut les filles. Salut. Et ben voilà, t'as entendu, Cédric ? Ouais, au revoir Cédric. Salut le McDo. Bonne soirée à toi. Ciao. Hey, ils vont même te faire ton lasagne. Parce que Cédric, j'y vais tout de suite, je crois. Bah, ouais. Donc, et ton yaourt. Potatoes, yaourt. Tu vois, tu ferais mieux de manger au McDo que de bouffer dans tes bouibouilles. Hein. Tu serais moins malade, hein, Cédric. Non, ben j'y bouffe, hein, t'inquiète, hein, ça m'arrive. Eh ouais. Bon, ben voilà, on a passé la commande. Donc pour conclure, Clément, tu penses qu'il va évoluer, Johan ? Oui, s'il est assidu, s'il travaille bien, il va changer, il n'y a pas de problème. T'entends, Johan hein. Ah, c'est cool. Et Alex, tu penses la même chose ? Ouais, en plus, ça fait que deux week-ends, donc voilà. C'est ça. Je m'inquiète pas, c'est juste pour savoir s'il y a possibilité d'évoluer. Oui. Non, mais t'inquiète, toi, tu vas faire d'autres postes. Hein. Tu vas bien dormir. Sans problème. Et puis nous, si on passe du côté d'Alençon, on viendra te voir, Johan. Tu nous ressentiras un petit hamburger des poubelles, pas cher. Non, ça, c'est pour Cédric, vous, il va faire un tout chaud. Putain, vous êtes gentil avec Cédric ce soir, c'est gentil. T'as vu, Cédric ? Et la bouffe qu'on t'a récupérée ce soir, tu dois être le plus heureux des hommes. Putain, ouais, ça, c'est. On mettra Gérard avec dans les Ouais. Alors, on a des nouvelles de Jerem Star, Cédric. Ouais, il a répondu. On a lancé tout à l'heure une grande nouvelle idée, un nouveau concept dans l'émission. Faire une émission, donc, avec Jerem Star, Mathieu Delormeau. Picou les boys and girls. Oui, merci Mathieu, ne crie pas. Et Cédric. Salut les filles. Et, tous les trois dans une baignoire et vous discutez ensemble. Ça va être vachement intéressant, je pense. Vous discutez ensemble. Cathy Romano, il vient. Et Jerem Star a répondu. Ah, tiens. Alors, comment ça me brancher, lui. Alors, il a répondu. Jerem Star, on te salue. Bon, premier message, où il a retweeté les trucs. Je suis certain qu'il sera à l'aise dans ma baignoire en parlant de Cédric. Hein. Ah, t'entends Cédric ? De même que Romano. Et après, alors, il a renvoyé un deuxième message. Le Samy est mignonné aussi. Salut. Samy, tu vas y passer. C'est vrai, Jerem Star. Le Samy est mignonné aussi. Tiens, j'ai bien vu Jerem. Ah non. Ouais, je vais lui répondre. Pas mal. Alors, Samy. Désolé, je me lave jamais. Je vais lui dire sa petite vermine. Ah, il va te verminiser. Ouais. Donc, tu vois, Cédric, ça avance notre histoire. Hein, c'est bien. Non, mais on y va avec Romano, ouais, vas-y, tranquille. Ouais, non, je vais. Moi aussi, je mets une tenue. Mais j'ai trouvé mieux. Tu vas le faire avec Samy. Ouais, et lui, casse-toi. Samy et Cédric, c'est parfait. Oublie-moi. Après, j'ai les frais tous les deux, tu vois. Bon, merci le McDo, merci Johan. Et bon courage pour la suite, tu nous tiens au courant, Johan. Je fais un petit dédicace. Petit dédicace, merci Clément et merci Alex aussi, merci les gars. Pas de soucis. On vous embrasse et on vous envoie le t-shirt Skyrock à tout le monde. Ouais, vous bougez pas. Ok. Dédi. Salut, Dédi. Ah, j'ai été dédié à Charlot. Salut Charlot. À Nathan, à Audrey, à Dorian et à tous ceux qui m'ont reconnu. Eh ben, salut tout le monde. Je peux laisser mon snap ou quoi ? Allez, snap, vas-y. Allez, Johan, J-O-H-A-N, Easy. Johan, Easy. I, I2Z3I. I3Z, d'accord. Tu avais fait de préciser. I2Z3I, Joannizy. On va écouter Drake tout de suite et je lance la roulette. Salut à toi. La roulette. Salut et bon courage. Vous voulez la faire tourner à minuit pile? C'est l'heure du crime. Non, bah c'est l'heure de la roulette. Vous faites tourner pour Jul. Vous gagnez Jul en concert avec Skyrock. Première tournée de Jul. Vous voulez aller le voir, c'est complet en plus pratiquement partout. Ouais. Donc vous, nous on a plein de places. Vous envoyez roulette au 7-20-20 très très vite. Roulette au 7-20-20, faites tirage au sort et vous irez voir Jul à gagner dans la roulette dans un instant juste après le son de Drake avec One Dance. Ça c'est du gros son aussi. Du Jul en concert et du Drake à écouter sur Skyrock tout de suite. Oui, bah attends tout de suite, minute. Hein. Tu vas attendre quoi? Bah le temps que je le trouve. Ah d'accord, Romano il part chercher Drake. Bon, ça vous laisse quelques secondes de plus pour vous inscrire. Roulette 7-20-20 et Drake tout de suite. 21h minuit, T-Fool, Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Baby, I like your stuff. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, Drake avec One Dance. T-Fool, Radio Libre, what the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, bienvenue, si vous venez d'arriver, vous tombez bien, c'est pas tout à fait fini. Hein. On a la roulette à faire tourner, puis merci pour les messages que vous nous avez laissés, les commandes du McDo. Putain, moi j'ai plus faim, dis donc. Ah ouais, c'est clair. On a bien mangé. Ah ouais. C'est bon, on est rassasiés. Ouais. Même des photos, des messages. On salue d'ailleurs tous ceux qui bossent au McDo. On a le McDo de Saint-Etienne, tu dis pas lequel, parce qu'il y a plusieurs à Saint-Etienne. McDo de Saint-Etienne, wow. À fond sur Skyrock à la sortie du boulot. Il y en a pas à Roche-la-Molière? Si, juste à côté, Saint-Genelaire. Non, non, bah, donc il y en a pas à Roche-la-Molière. Il y en a à Saint-Genelaire, c'est à côté. Non, non, non, bah, il y en a pas à Roche-la-Molière. Bah, moi, il y en a un à Autun, moi. Eh ouais, il y a un McDo avec même un drive. Il y a McDo de Lille aussi. On salue le McDo de Lille et Sam du McDo de Lille. J'imagine qu'il y en a plusieurs aussi à Lille, des McDo. Donc, oui, je bah, pense, logique. C'est ouais. Un Sam du McDo de Lille. J'ai bossé, ah, il a bossé au McDo de Lille. J'ai bossé au McDo de Lille et c'est souvent bonne ambiance. Et je suis sorti avec une. Manager. Ah. Meilleur moyen pour avancer, donner le conseil à Joanne. Ah ouais, tu couches avec la manager. Eh, ça marche. Ah ouais, il pécho. Pas bête, c'est pas bête. Ah, manager. C'était pas forcément envie. Bah, tu couches quand même, Romano. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Coucher pour réussir. Mais oui. Et on parlait de la machine, le stream. Comment ça s'appelle déjà votre truc stream là? Soda stream. Ah, le soda stream qui fabrique des sodas. C'est bien ça. Ah, eh bien, Amari, ça va te faire plaisir. On parlait de Coca aussi, qui voulait distribuer du Coca à Atlanta, la ville de naissance de Coca-Cola. Ah oui. Le siège social, il est là-bas aux States, aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Barack Obama, Donald Trump. Ah ouais, super. Mac ouais, Miller, génial, ouais, Hillary Clinton. Et il nous explique à ZN qu'ils ont fait ça à Bruges, en Belgique, pour de la bière, un pipeline de bière. Ouais, ouais, c'est énorme. Bah oui, qu'on va boire, hein, Belgique. Bah oui, qu'on boit de la Jubilée. Ouais, qu'on pue un peu quand on s'est lavé avec, mais que c'est pas mal, hein, sinon. Bah oui, hein, parce que les cons, ils ont coupé le courant. Hein. Oui, qu'on n'a plus d'eau, par contre. Non, il n'y a que de la bière. Que de la bidouze. Voilà, pour les gosses aussi, pour le biberon, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, au final. Non, mais toi, je suis sûr, du full soda stream, t'aimerais bien. Ah ouais, j'adorerais ça. Par contre, je passerais ma vie à en boire. Non, ça va t'amuser 2 mois, et puis salut. Ta Marie, elle casse tous les des trucs. Non, mais Marie. Alors pourquoi, Marie, tu n'aimes pas soda stream? Non, mais il y a la sœur de mon mec qui a ce truc-là, et ça a duré limite 2 mois, et en fait, le truc, il est en train de prendre la poussière. Franchement, ça fait chier au bout d'un moment. Il y a plein de trucs que t'achètes comme ça. Ouais, je vous le dis. Hein. Ouais. Non, mais là, ça va. Ça fait un peu gadget, en fait. Non, non, mais sérieusement. Moi, je connais des gens qui en ont, ça marche très bien. Ils s'en servent souvent. Ouais, ne brise pas mon rêve, Marie. Je vais pas. Laisse-moi. Je peux peut-être te rapporter le truc qui prend la poussière. Voilà, un truc d'occasion. Un dieu moisi, laisse tomber. Quel machin, il a un peu rouillé. Bah, t'essaieras comme ça. Bon, alors, Cédric, tu prendrais quoi au McDo, là, maintenant, tout de suite? Moi, je prendrais un Big Mac. Un Big Mac. Il n'y a pas le McBeat en France? Non, il existe en Italie. Je crois qu'il y a d'autres pays qui l'ont aussi. En Espagne. En Espagne aussi, ici. Ouais. Là, j'étais sur Internet en train de regarder les trucs à McDo selon les pays. Mmh. Mais aux Philippines, je pense que c'est hallucinant. T'as un truc, c'est un plat de spaghetti, ça s'appelle le Max Spaghetti. En fait, ils font des pâtes dans le McDo. Le Max Spaghetti. Ah ouais. Et genre des pâtes, il n'y a même pas de pain, c'est des pâtes avec la sauce tomate, mais des trucs lunaires, tu vois. C'est le Max Spaghetti. C'est marrant. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est différent dans les pays, ouais. Bah, en Espagne, ils font du gazpacho, par exemple. Ouais. Tu sais, en France, il y a des trucs là, souvent dans les zones commerciales, tu sais, les Chinois à volonté. Ouais. Les buffets géants, c'est les restos, genre, il y a 400 places. Tout à volonté, Tout à volonté. Par exemple, en Italie, il y en a, et là-bas, ils font c'est un resto chinois, ils font de la pizza. Hein. Ah ouais? La pizza aux chiens. La pizza à volonté. La pizza aux chiens, c'est délicieux. T'as les buffets, t'as les nems, les pizzas. C'est les chinoises, et à côté, t'as les pizzas. Au cas où. Est-ce que t'en as des petites. Non, mais il y a du pizza. Parce que Cédric, comme les restos de Cédric, ouais. Ah ouais. Ah ouais, vous avez vu le plaisir dans sa voix, c'est génial. Ouais. Au Japon, le filet of fish, le poisson, c'est des crevettes panées à la place du steak de poisson. C'est pas forcément mauvais. Ah, ça a l'air trop bon. Ouais. C'est genre une grosse crevette tempura panée. Tac, à la place du truc de poisson. Bon, le problème, c'est qu'il faut aller au Japon. Ouais, voilà, ouais. Donc, c'est pas. Ah, ça arrivera peut-être un jour, hein. Ouais, c'est clair, pourquoi pas. Bon, bah écoute, Cédric, on a bien mangé ce soir, c'est cool. Merci pour tous vos messages. Moi, je mangerais bien le cul de la marine ou des zob. Non, c'est mais ça va aller, merci. Zob de Gironde. Bah, pourquoi pas. Mon cul rentre chez moi avec mon homme. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Je crois que son cul est encore frais, là. Ah, merci Cédric. Il est chaud, Cédric. Ah hein. Oh, ouais. Ah ouais, j'ai un pote qui me branle. Mon mec, non, mais t'es avec un pote. Non, je suis tout seul. Et tout à l'heure, le mec qu'on a entendu qui te branlait, c'est qui? Non, c'est un mec qui m'a ramené une pizza. Ah, t'as branlé le mec du livre. On salue le livre. Ah, hein, payé, ouais, il a voilà, j'avais pas de monnaie, je l'ai payé en nature. Tu continues à bien bouffer, dis-moi. Bah ouais, Marie, faut bien que je mange. Bah ouais. Tiens, prends ça. J'attends quand tu viens de me faire à manger, tiens. Ah bah y a pas de souci. Bon, juste un truc à vous dire. Demain soir, soyez là, parce que ça va être une grosse soirée. Ah ouais? Ah ouais. Ah, ça y est, il a une réponse. Est-ce que ça a un rapport avec ce dont on a parlé ce soir? Ah oui, bien sûr. C'est bon, je comprends. Le contact. Mais Samy, je n'ai rien dit. Le contact est établi. Je vois tes messages sur Twitter là. Hey, Romano, il a mis OK, c'est signé pour Cédric et Samy. Exactement. On va t'envoyer quelqu'un chez toi demain. Il va te faire une petite surprise, Cédric. Cédric, juste un conseil, remplis ta baignoire. Voilà. Mais casse-toi de là, t'es tout de suite chez moi, lui, hein. Ding dong! Cédric, te calmes un petit peu. Il a une grande baignoire en plus. Ouais, Cédric, ouais, t'es balèze. Baignoire. Ouais. Vous tenez à deux, hein. Même avec Cédric dedans. Bon, ils se montrent dessus, au pire. Ouais, vous montez dessus. Vous empilez. Tu fonces dans un mur, t'es fou, quoi. Non, Cédric, c'est pas parce que toi, tu t'es cassé une clavicule, en fonçant dans un clavicule, pardon. En fonçant dans un mur que tout le monde doit faire comme toi. Non, mais demain, soyez là. Donc demain, soyez là dès 21h. Ah ouais. Bon, on a passé une belle soirée, on a parlé de plein de choses ce soir. Ah, on a fêté la journée mondiale des profs. Et ça, c'était pas mal. Ouais, bravo à vous. Il y a Aurel qui a écouté ça en début d'émission. OL, EAG. C'est en avant Guingamp, ça. Ouais. Cop Rouge 93. Et tu parlais des profs. Moi, j'ai baisé ma prof de maths au lycée. Très bien. Ah bah écoute, ravi. T'as envoyé ton message à minuit ici, t'aurais dû appeler avant. Bah sinon, vas-y, on prend ton, si t'as un numéro, on peut le prendre demain. Hein. Ouais, pourquoi pas, tiens. Donc merci Aurel AG. Vous pouvez laisser des messages qu'à la fin de l'émission. Hein. On a passé un bon moment aussi avec Patrice Evra. Ah bah il est encore là. Patrice Evra et son célèbre. Poum poum poum poum poum poum. Il s'ambiance dans sa voiture. Poum poum poum poum poum poum. Et il est content, Patrice. Crazy. I love this game. I love this game. Eh ouais. Poum, poum, poum. Bon, sinon, on a filé un coup de main pour le McDo. On a bien bouffé au McDo. On a fait une commande pour Cédric. On a eu un clash de la drague 100% féminin ce soir. Pamela contre Marie. Et c'est Marie qui a gagné. Eh ouais. Mais ouais, Marie. Eh ouais, je suis bien fière. Étonnamment, parce que bon, rien fait. Bravo, ouais, quoi, magnifique. Mais merci à vous de m'avoir soutenu. On a réfléchi à comment draguer une inconnue, mais complètement inconnue au bahut. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et puis, bon, sans doute d'autres choses aussi. Mais voilà ce que j'ai gardé en tête. C'était bien. On a même offert FIFA 17, on en offrira encore demain soir. On a offert qu'un soir. Hein. Bah, soyez à l'écoute demain matin dans le morning et demain soir. D'autres FIFA 17 à choper. Et on va terminer en beauté avec Elsa de Issetre. Oh. Allô. Dans le 13. Oh. C'est comme ça qu'on dit dans le 13. Issetre. Salut Elsa. Salut l'équipe, ça va? Salut à toi, Elsa. Tiens, si vous êtes dans le 13 et que vous voulez aller voir Jules, ou dans le sud, dans le 8-3, dans le. Ouais, partout. Voilà, ouais. Du côté de Montpellier, que vous voulez aller voir Jules à Marseille, oui, c'est complet. Les dernières places sont à gagner sur Skyrock et c'est pour toi, Elsa. Trop contente. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Jules sur Skyrock. Poum, poum, poum, poum, poum, ouais. Poum, poum. Alors, attention, la roulette va tourner. Allez, c'est parti, on lance la roulette, Elsa. Parti. Ouais. Y'a plus qu'à dire stop. Ok, stop. Et est-ce que c'est gagné? C'est gagné. Tu vas aller voir Jules en concert. Trop bien, trop bien, merci. Au Dôme à Marseille le 18 décembre. C'est ça, ouais. À la maison. Qui vient? À la maison, à la maison. Qui vient? Non, qui vient, j'ai dit. Qui vient? Hey. C'est nettoyer les oreilles. Kiff bien! Et faire nettoyer les oreilles! Eh bien, kiff bien, Elsa, tu vas kiffer Jules en concert. Ah, trop bien, c'est comblé, trop contente. Ouais, il y aura du monde en tout cas. Il y a combien de personnes au Dôme? 7000? Ouais, j'allais dire 8000, ouais, ça doit être ça, 7-8000. Ouais, c'est ça à peu près. Ok, ça promet. Et eh ben tu y seras toi aussi, Jules, 18 décembre pour toi. Merci beaucoup. Et d'autres places, c'est complet aussi à Paris. Hein. D'autres places à gagner demain matin dans le morning et demain toute la journée jusqu'à la radio libre. Ouais. Avec toute l'équipe de Skyrock. Bisous Elsa. Bisous, merci l'équipe. Bisous à toi. Salut. Merci à vous pour cette soirée. Il y a plein de choses à faire demain. Déjà se réveiller avec nous entre 6h et 9h et gagner 1500 euros, et écouter les conseils pas chers, et découvrir le réveil de star, les invités mystères, le réveil de star. Mais le oui. Le sondage du jour, la compile du jour. Tout ça dans le morning entre 6h et 9h. Soyez bien là. Et ne bougez pas d'ailleurs avant le morning. Il y a Prisca toute la nuit. Vous allez retrouver avec le son de Skyrock, Urban Music Non-Stop sur la première radio urbaine mondiale. Pitbull Florida. Eh ben ça c'est bien pour démarrer. Pitbull Florella avec Great Night. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Si. C'est vrai. Et bon, t'as eu l'eau de bave. Toi tu vas. Si, je suis en train de boire et tu me parles en même temps. C'est bien en fait. Je fais exprès. À chaque fois. Bon, bonne nuit l'équipe. Demain soir 21h, la radio libre à pas louper. Ah ouais, faut pas louper. Grosse soirée, événement sans doute. Faut être là, Cédric, demain. Bisous, Cédric. Demain soir. Sois joignable. Hein. Ouais, 21h. Et surtout, sois bien chez toi. Et ouvre la porte si ça sonne. C'est ça, ouais. On vous quitte. Et l'ambiance la nuit, un peu comme Patrice Evra, ambiancé un peu cette soirée ce soir. Passez une bonne nuit. À demain, 21h. Et n'oubliez pas, pour avoir la pêche, poum, poum, poum. Poum, poum, poum, poum. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous allez... Bisous. Be crazy. I love this game. Ouais. Allez, salut. Salut. Pendant l'Euro, ils nous ont fait kiffer. Ils nous ont fait pleurer aussi. Et c'est fini. C'est fini. Portugal, champion d'Euro. Ils sont de retour vendredi soir au Stade de France. Match qualificatif pour la Coupe du Monde. France-Bulgarie. Bulgarie gagne des places tout à l'heure à 8h05 dans le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah.